Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast hors série bilan de l'été 2016 Moviesnerd. Donc on en a parlé pendant plusieurs mois et cette fois-ci on le fait. Enfin, oui. Donc on va parler des films qu'on a, enfin certains films qu'on a pu voir. On va pas parler de tous les films parce que Morgan, sinon il pourrait faire un, il va déjà faire un monologue. Alors donc les films qu'on a vus entre juin, juillet et août. Bien sûr, c'est pas la fin d'août puisqu'on enregistre le 24 août, mais les derniers films qui passent nous intéressent pas spécialement, ou alors on en parlera au cas où. Il n'y a pas de sortie majeure voilà. Cette semaine. Oh, il y en a qu'un dans le noir qui moi m'intéresse beaucoup, mais bon. Oui, pareil. Ouais, et puis. Mais c'est le genre de film, j'ai peur que voilà, bon, la vidéo qui avait été faite sur internet fonctionnait bien, le petit court métrage, mais j'ai peur qu'un film entier. Moi j'ai peur de penser à Jacouille la fripouille pendant le film. Sure. Pour nuit. Forcément. Ouais, donc bon, on va faire rapidement les présentations. Je suis Axel, votre hôte comme d'habitude. Ensuite, j'ai avec moi mes côtes Eddy. Salut. Salut, c'est vrai qu'on parle avant de se présenter. Ouais, on parle. Désolé. Salut à tous. Comment vas-tu? Ça va. Bah ouais, on a quand même fait quelques parlons cinéma, donc cet été, donc on n'était pas complètement absent, mais on a pu faire de Moisner depuis mai, donc ça fait un petit bail. Et ensuite, Morgane, salut. Salut. Comment vas-tu? Il fait chaud, mais très bien. Ouais, bah, il fait chaud partout. Ouais, il fait chaud. Il fait chaud partout, on choisit toujours les bonnes. Pour ça, il faut aller au cinéma, il y a la clim. On croirait une conversation de vieux. Comment ça va? Mais il fait chaud en ce moment. Le monde est fou, le temps est complètement détraqué. C'est exactement la même chose qu'on a dit à la fin du dernier podcast. Par c'est ce que j'ai tous les jours à mon boulot, hein. C'est leur principal voilà. Sujet de discussion. Oui. Le temps et la santé. Voilà. Le temps c'est et ça. La santé. On fait aller. Ouais. Donc voilà, Morgan a vu tous les films dont on va parler. Donc et c'est lui qui risque de parler le plus durant ce podcast. Comme d'habitude. Hein. Oh. Oh, quand même pas. Non, mais là, c'est pour dire des choses intéressantes. C'est sur des films. Je vais pas raconter ma vie. Voilà, exactement. Si tu veux, je peux m'en aller et je vous laisse. Vous aurez trois beaux films à chroniquer films. Et vous ferez une émission de 32 minutes, vous serez bien dans la merde. Trois beaux films, t'es gentil, hein. Non. Non, on serait, je sais pas, 6, quelque chose comme ça. Non, mais bon. Je caricature. On a pas tous une carte le pass. Hein. Puisque c'est Morgan qui a fait le sommaire, tu les as rangés par ordre de sortie, c'est de sortie, ouais. Ouais, ok, nickel. Donc, voilà, on va les faire dans les ordres de sortie. Ouais. Donc, on va commencer par Le Monde de Dory, le nouveau Pixar, la suite du Monde de Nemo. Donc, je vais peut-être commencer par Eddy. Oui, oui. Puisque si tu as fait une critique sur Moviesnerd. Oui, bah, du coup, je vais pas avoir grand chose à dire de plus que ce que j'ai dit. Moi, j'ai bien aimé, enfin, je l'attendais et j'avais une petite appréhension quand même. Ouais. Parce que suite Pixar. Bah Pixar, ils sont. Non. Je suis plus rassuré par Pixar que par Disney pour les suites. Ah oui, ça c'est sûr. Mais bon, après ils peuvent toujours se planter aussi et je m'attendais en fait à un monde de Nemo vraiment bis et en fait c'est pas ça. C'est enfin il y a un petit peu de ça mais c'est suffisamment bien géré pour que ça reste intéressant. Donc moi je dirais que c'est une bonne suite avec des personnages attachants. Forcément on a moins de surprises. Mais du coup, les nouvelles thématiques qui sont abordées, bah, justement, elles sont bien abordées. Ouais. Donc, voilà. Il y a tout le côté captivité des animaux aussi que je trouve intéressant. Donc, voilà. Moi, j'ai bien aimé. Puis après, bah, il y a des bons moments d'humour, quoi. Dory, oui, Dory, ça reste quand même un super personnage. Et voilà. Puis le film est beau. C'est du beau Pixar. Il y a des effets sous l'eau, franchement, c'est à s'y méprendre, quoi. On dirait presque des vraies scènes aquatiques. Je veux dire, sans les personnages qui sont un petit peu plus cartoon que des vrais poissons, bah c'est vrai que, voilà, je veux dire, quand tu vois les coraux et tout ça, c'est chouette, c'est vraiment très beau. Oui, ouais, c'est vrai que l'eau est super belle et tout le décor sous-marin, mais... je voulais pas vraiment le comparer, mais je le comparais un peu sans y faire attention au Voyage d'Arlo au niveau des décors. Et c'est pas le même niveau. Oui, mais c'est qu'en fait, le Voyage d'Arlo, je pense qu'il y avait vraiment ce parti pris aussi de faire quelque chose de très réaliste, Au niveau des décors et du coup d'intégrer dedans des personnages qui sont très cartoon. Ouais. Oui, donc, mais c'est toujours de très très bien au niveau technique, hein, y a pas de souci. Mais c'est juste que bon, c'est pas aussi, aussi travaillé que le Voyage d'Arlo. En même temps, pour faire mieux que le Voyage d'Arlo, il faudra. Bah, visuellement, ouais, ça. Ouais, visuellement, ouais. Oui, précise bien. Hein. Oui, non, oui. Mais je parle ouais. Visuellement, techniquement. Ouais. Voilà. Voilà. Morgane. Moi, j'avais peur avant de voir le film. Alors, ce film-là, en fait, si vous voulez, il y a un truc qui est un peu bizarre. C'est que si on le compare au Monde de Nemo, c'est forcément moins bien. Mais c'est rare qu'un film soit aussi bien que le Monde de Nemo, de toute façon. Et je pense que quand on y va dans l'espoir de voir meilleur ou aussi bien que le Monde de Nemo, on est déçu. On est déçu. Et c'est pour ça que j'ai lu des critiques un peu mitigées. Et fallait pas le voir. Personnellement, ouais. Moi, j'y allais pas dans l'optique de voir mieux que le Monde de Nemo. Je savais que ce serait pas forcément mieux, de toute façon. Bon, j'espérais peut-être, à la limite, un chef-d'œuvre façon Toy Story 2 dans mes plus grands espoirs, mais bon, j'ai pas eu ça. Non, j'ai eu une suite hyper honnête, franchement, qui ne ment pas sur la marchandise, c'est-à-dire qu'en matière d'humour, il y en a. Même si je continue à croire que, enfin, à penser que Dory est beaucoup plus drôle et touchante quand elle est un personnage secondaire que personnage principal. Même si voilà, le personnage reste attachant, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus touchante et plus profonde dans le premier film. Alors que là, moi je trouve pas. Oh, moi je trouve que là, ils ont quand même réussi à. Avec toute l'histoire des parents et tout. Ah, oui. C'était un peu attendu. Moi je trouve même, que ça lui rajoute plus de substance au personnage. Le background du personnage est bien posé, je trouve. Il est bien posé, bien exploité, mais après, j'ai pas du tout été surpris par les flashbacks, etc. Du coup, il a un petit problème aussi au niveau du. Peut-être un peu du rythme, parce que le coup des flashbacks et tout, c'est. Je trouve que, en termes de rythme, ça rend le truc un peu laborieux. Maintenant, maintenant c'est hyper beau, c'est-à-dire visuellement c'est juste magnifique. Ouais. Au niveau du doublage français, je vais en parler parce qu'il y avait une grosse polémique avant que le film sorte. Il y a Kev Adams, il y a Matty Tsenik. J'ai mis du temps à reconnaître alors que j'adore cette Kev Adams, fallait pas. Oui, mais enfin, franchement, je trouve qu'ils font tous bien leur boulot, il y a aucun problème. Son personnage est drôle, Kev Adams. Oui, voilà. Heureusement, c'est pas lui qui a écrit Céline, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais non, c'est une suite hyper honnête avec ce qu'il faut d'humour, d'émotion. C'est pas marquant du tout. C'est juste un bon Pixar. C'est pas, ça fait pas partie des meilleurs, honnêtement. Oui, c'est ça. Ça marque pas comme le Monde de Nemo. Ouais. Voilà. Je trouve que ça a pas vocation à marquer non plus, en fait. Ouais. Bah, je trouve. Ça s'adresse vraiment à ceux qui ont aimé le premier film et puis Dory, c'est vraiment le. Ça fait partie de ces personnages finalement qui volaient presque la vedette aux principaux, quoi. Ouais, complètement. Dans le premier. Quand tu parles du Monde de Nemo à quelqu'un, tout le monde se rappelle du nage droit devant toi de Dory, quoi. Enfin. Complètement. Après, je trouve qu'il y a des traductions, par exemple, le coup de Claire Chazal, je trouve que ça marche super bien. Franchement, en matière d'humour, j'ai vraiment eu ce que je voulais. Après, sur la profondeur, j'ai pas été touché, on va dire. Je me suis amusé, j'ai trouvé ça beau, plaisant, drôle. Mais est-ce que j'ai été touché comme le Monde de Nemo? Je trouvais que le rapport familial dans le Monde de Nemo était beaucoup plus profond, beaucoup plus travaillé. Je trouve que dans Dory, il n'y a pas vraiment de thématique, en fait. Même si je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, il y a une personne qui se reconnaîtra quand elle écoutera. Je continue de préférer Nemo, mais franchement, celui-là, ça reste un Pixar plutôt bien calibré, plaisant. C'est pas. Voilà. Ça aurait pu être pire, franchement. Ok. Il y a Céline Mansara aussi qui double vraiment très bien. Elle s'approprie le personnage, clairement. Ouais, c'est toujours la même doubleuse. Hein. Tout le temps. Ouais. Et tu bosses qui revient, ça fait plaisir. Oui. C'est Ellen DeGeneres en VO. Ouais. Jodassin. Ouais, donc tu disais, Morgane, que c'était avant de dire ta blague, c'était un bon Pixar, et en fait, c'est ce que j'avais noté, c'est un bon Pixar, en fait, mais quand c'est un bon Pixar, c'est un très bon film d'animation en général, parce que Pixar, ils mettent la barre tellement haut que, par rapport aux autres productions, ça en fait un très bon film d'animation, ça chamboule rien, c'est un très bon petit film à regarder au cinéma. On est vraiment plongé dans l'ambiance sous-marine, ça m'a rappelé un peu ma séance de cinéma en 2003 du Monde de Nemo. Je crois que c'était le premier Pixar que je voyais sur grand écran et j'étais embarqué dans le film. Tu m'étonnes. j'ai vraiment des grands souvenirs et je crois que c'est la première séance de cinéma dont j'ai un véritable souvenir. Quoi. C'est bien de commencer par là. Oui. C'est très bien. les animations des personnages sont toujours de très grande qualité, hein, Pixar oblige. Moi, comme je l'ai dit, les décors sont ils sont très très bien, ils sont magnifiques, mais ça fout pas une claque comme Le Voyage d'Arlo, voilà, je l'ai déjà dit. De toute façon, le côté technique est toujours très au-dessus par rapport au reste des productions d'animation 3D actuelles. L'histoire est plutôt sympa à suivre. Il y a bien sûr les moments humoristiques ainsi que les moments émotionnels. Bah, ils sont très bien calibrés avec l'action et la quête de Dory pour retrouver sa mémoire. Ce qui en fait un film d'animation avec des bases scénaristiques assez solides, je pense, et qui tient vraiment la route. Bon, si je devais chipoter un peu, et je le fais uniquement parce que vous connaissez mon attachement pour le studio, c'est que je trouve l'histoire pas si marquante que ça, comme tu as. Voilà. C'est quelque chose qui se regarde, qui s'oublie facilement, parce que j'ai encore le souvenir du film, heureusement. Mais c'est pas aussi marquant qu'un monde de Nemo, etc. Et même, je le trouve, au niveau d'une suite, et là c'est vraiment chipoté, hein, mais je trouve moins bien que Monster Academy, que j'avais vraiment adoré. La suite, ouais. C'était une suite préquel, du coup. Ouais. Il y avait vraiment un apport par rapport au premier, surtout. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, j'avais vraiment adoré ce film, mais celui-là aussi est très très bien, voilà. Les acteurs sont plutôt, plutôt bien dans l'ensemble, hein, y a pas vraiment de soucis, même Kev Adams, voilà, comme on l'a dit. Oui. Même si ça fait bizarre d'entendre sa voix. C'est le louche qui fait le poulpe aussi. Oui, ouais, le louche aussi qui fait. Qui est très bon. Ouais, ouais, le poulpe est très drôle. Ouais, ouais, c'est un bon apport. C'est un beau personnage, ouais. Ouais, c'est un bon apport. Ils sont très forts, Pixar, pour faire justement dans le premier Nemo, Dory était un personnage secondaire, c'était fort. Ils savent bien écrire les personnages secondaires, mais c'est pareil partout. Mon Toy Story, j'adore Woody et Buzz. Mais je suis ultra fan de Rex. Ouais, c'est bon, après, c'est normal. Hein. Pour moi, la seule figurine que j'ai de Pixar à la maison, c'est Rex, quoi. La figurine, j'ai carrément le vrai jouet. Ouais. Mais du coup, ça démontre bien. Ça se ressent chez les gens, hein, c'est vraiment les personnages qui les marquent. Ouais, comme ouais. Même dans Vice Versa. Il y en a plein qui adorent peur ou colère et tout, alors que finalement les deux principaux c'est joie et tristesse ouais complètement. Et pour finir, je dirais que la musique est plutôt jolie, hein, c'est comme l'histoire, c'est pas si marquant que ça, c'est pas Thomas vrai. Newman c'est toujours très agréable à écouter, y a pas de souci, voilà. Ouais, puis la chose que je voulais rajouter, c'est que justement l'histoire n'est pas marquante et il y a pas, alors même si c'est sûrement pas le but du film, je le sais, il y a pas forcément de prise de risque que dans un Vice-Versa où clairement parce que c'est un projet original. Exact. On peut faire une suite et tenter des trucs aussi. Là oui, ça se repose un peu sur des acquis quand même, hein. C'est en lien avec le film dont on va parler après. Vous verrez. reposer sur des acquis. Pour les deux films aussi dont on va parler après. Non. Troisième chef-d'œuvre. Morgane, maintenant je vais te laisser parler de Conjuring 2. Oui. Sans spoil s'il te plaît. À la fin, il meurt. Donc, non, je plaisante. Il y a des fantômes. Voilà. Le silence. Spoil, parce que moi, je l'ai pas non, vu, non, t'inquiète donc. Pas. D'ailleurs, je pensais que tu l'avais vu. J'ai pas pu aller le voir en salle et du coup, j'attends. Bon. Je le verrai pour Halloween. Ah oui, voilà. Ouais, mon avis, il sera sorti d'ici là. Oui, il y a d'autres films qui font peur, mais bon, bref, je n'ai pas aimé le film et je vais expliquer pourquoi. Donc, je suis un fervent admirateur de James Wan, qu'on se le dise, j'adore Saw, j'adore Inside Use, j'adore Conjuring, enfin Inside Use 1 et 2, j'adore Conjuring premier du nom, enfin voilà, tout était fait pour que j'adore ce Conjuring 2. Et t'adores Fast and Furious 8 ? 7. 7. Non, j'aime bien Fast and Furious 7, mais pas pour la réalisation de James Wan, voilà, ouais. Donc Conjuring 2, donc ça, c'est la suite, hein, donc, du premier, donc là qui s'appelle le cas Enfield, qui est une histoire dont on a entendu parler, qui a fait aussi son petit buzz sur internet parce qu'il y a des vidéos qui circulent. Donc c'est l'histoire d'une famille qui est, comme d'habitude, hein, c'est une famille qui est en proie à des fantômes, nous apprend rien, à des revenants, etc. Et il y a des documents, il y a une vidéo vraie qui est disponible sur YouTube que vous pouvez voir, où on voit une fille se faire interviewer par un journaliste et tout d'un coup sa voix se transforme et elle prend une voix. Alors est-ce que c'est du fake, est-ce que on sait pas, mais en tout cas la vidéo est troublante. Je vous encourage à la regarder, elle est bien meilleure que le film qui fait 2 heures. T'es sûr que c'est pas une opération commerciale? Non, c'est vrai, puisqu'à la fin dans le générique de fin, on revoit les images et on entend les enregistrements audio véritables. D'accord, voilà. Okay. Voilà, donc Alors sur la voilà, sur la recherche, sur etc. Donc voilà, c'est un bon film, mais le reste, voilà, il y a des gros soucis. Je vous explique pourquoi. Le problème avec celui-là, alors que le premier pour moi était le film ultime de James Wan, parce que c'était un budget assez conséquent, à l'heure où justement les films d'horreur ont tendance à être des films modestes, les productions Blumhouse ça coûte pas grand-chose, alors que Conjuring 2 c'était vraiment un gros film, c'était un blockbuster dans le genre horrifique. On n'avait jamais vu ça et ça se voyait parce que le film tentait visuellement, il y avait du fric à l'écran et surtout c'était un film que James Wan voulait faire. La Conjuring 2, je l'ai appris même après de voir le film, c'était une commande et ça se voit. C'est-à-dire que moi j'aime James Wan justement pour ce qu'il a apporté dans le genre. Je dis pas qu'il a innové. Au final, c'est quelqu'un qui s'inspire beaucoup de Carpenter, etc., de ses idoles dans le genre. Ouais. Donc du coup, il arrive à s'inspirer des réalisateurs qui l'ont inspiré pour en faire quelque chose d'assez personnel. Et du coup, à tel point qu'on puisse dire, tiens, c'est un film, il y a la patte de James Wan. Donc Conjuring 2, si vous voulez, c'est clairement reposé sur des acquis parce que il fait de la première à la dernière seconde tout ce qu'on attend. C'est-à-dire que, alors, c'est un film déjà qui use de jumpscare en permanence, alors que James Wan, à la base, c'est pas du tout pour ça que je l'aime. James Wan, à la base, c'est quelqu'un qui sait créer des ambiances, qui n'a pas besoin de faire surgir quelque chose à l'écran pour nous faire peur. Il a juste à filmer un couloir sombre pour nous faire monter la pression. Oui, c'est ça que j'avais j'avais apprécié dans le premier. Qui est un film que j'aime pas particulièrement, mais c'est le premier, c'est que ce que j'aimais bien, c'est qu'il n'y avait pas de jumpscare, quoi. Voilà, donc, voilà. Quasiment pas, vraiment. Et dans le deuxième, il en fait, quoi. Ah, bah il en fait, et du coup, on sent très bien qu'il y a un côté un peu paresseux dans le film, alors que le budget est quand même beaucoup plus conséquent. Il avait tous les moyens pour faire un super deuxième volet, mais le problème, c'est que c'est un film on sent qu'il n'a pas été fait avec les tripes, et au bout d'un moment, quand donner à n'importe quel projet un réalisateur, s'il a pas envie de le faire, il va faire quelque chose de torché et de paresseux. Et pour moi, Conjuring 2, ça s'inscrit dans ce truc là. Après, les acteurs sont très bons et c'est pour ça que le film arrive à captiver un petit peu. Moi, je trouve que le couple Ed et Lorraine Warren sont assez attachants et respectivement joués par Patrick Wilson et Vera Farmiga. Maintenant, je sais pas ce qui a traversé l'esprit. Il nous a foutu une espèce de côté sentimentaliste. Il se concentre sur l'histoire d'amour du couple. Honnêtement, on s'en fout un petit peu parce que ça fait perdre du temps. Parce qu'il faut savoir que le film dure quand même 2h05. C'est extrêmement long parce que il y a des moments de jumpscare qui sont parasités la scène suivante par des moments d'émotion. Tombe dans le sentimentalisme, dans l'histoire d'amour. Mais il y avait ça dans le premier quand même, quelque chose de plus dramatique aussi par rapport à la famille. Par rapport à la famille. Et au couple Warren. Ouais, mais parce qu'on voit bien qu'elle a subi un traumatisme lors d'un exorcisme et tout, quoi. Oui, et là justement ce traumatisme. Et qu'elle est toujours marquée en fait, donc. Et voilà, et ce traumatisme nous est expliqué dans celui-là, mais je trouve, voilà, il n'y avait pas besoin. Mais moi je trouvais le premier Conjuring trouvait justement l'équilibre entre le côté épouvante et le côté intimiste. C'est ça qui est bien dans les films de James Wan, même dans Inside You, c'est un grand drame familial, ça part de la famille ces films-là. Mais là, ils tombent vraiment dans le pathos, quoi. Il y a des scènes qui sont risibles. Je veux dire, Patrick Wilson qui se met à chanter du Elvis Presley à la guitare, c'est ridicule. Il y a un fantôme qui hante la maison, tu ne chantes pas du Elvis. Voilà, et je trouve qu'il c'est le fantôme d'Elvis. Surtout que le cas Enfield, c'est quand même c'est hyper populaire, c'est très très connu dans le chez ceux qui aiment le paranormal. Enfin, il y a des vidéos, il y en a beaucoup qui pensent que c'est une supercherie, mais après voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est très marquant parce que c'est quand même une petite fille qui serait possédée et tout. Donc le ton est peut-être pas trop adapté finalement. C'est surtout que c'est raconté c'est montré avec des effets qui sont, enfin en tout cas indignes de ce que James Wan a pu faire jusqu'à présent. Il y a qu'à voir la scène d'intro du film la scène d'intro du film, ça se passe à Amityville. Il y avait tout pour que ce soit flippant. Et honnêtement, dès le début, visuellement déjà c'est pas beau, alors que le film est beaucoup plus cher que le premier. Ça fait pas peur, c'est que du jumpscare comme je l'ai dit, alors que la scène du premier Conjuring avec Annabelle, la scène d'intro, elle m'a tétanisé au cinéma, quoi, parce qu'il y avait pas justement de, il y avait pas de jumpscare, c'était juste de l'ambiance. Et là, il est tombé dans une espèce de facilité, dans une paresse, et du coup, il se recycle en fait. C'est exactement la même chose que le premier, mais en même temps, il le fait pas pareil. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. à la fois il utilise les mêmes codes qu'il, voilà, qu'il utilise, mais en même temps il le fait vraiment, c'est vraiment qu'il a pas envie, ça se sent. Du coup, le film il est très long, mais vraiment très très très long. Ça dure, bon, heureusement que j'ai dû accompagner. Parce que honnêtement, en sortant du film, j'étais là. Et ça fait pas peur, quoi. Alors que James Wan, un film de James Wan qui fait pas peur, normalement c'est impossible. James Wan, ça fait toujours peur. Là, on sent la suite malhonnête, et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une commande pour Aquaman, il me semble. C'est la Warner qui a exigé qu'on ait une 2. D'accord, si tu veux Aquaman, tu dois faire ce film. Exactement. Alors que, bon, alors voilà, alors c'est, on repense. Est-ce qu'au départ, de toute façon, il n'était pas censé le réaliser, hein? Non, à la base, non. Et il me semble que il me semble qu'il va faire le 3. Le 3 est prévu, c'est sûr. Oui, puis même le scénario est complètement, bidon. Le climax de fin, souvenez-vous du premier Conjuring, ça a duré, je crois, 20 minutes, le climax de fin, avec la mère qui était sur le point de tuer sa fille. Il y avait vraiment quelque chose de bouleversant dans cette scène. Que là, le climax de fin, c'est expédié en 3 minutes, quoi. Même la résolution de qui est le fantôme, pourquoi, les motivations, c'est expédié en 3 minutes chrono, dans un climax miteux et moche. Et du coup, ça fait pas peur, c'est ridicule, et c'est une grosse déception. Voilà. D'accord, ok. Pas bien, James Wan, ce que t'as fait, m'a déçu. Bah, tu vas pouvoir passer à Camping 3. Oh mon dieu, je vais défendre ce film en plus. Et donc il y a des gens, ils vont dire t'as défendu Camping 3 alors que bon. Non, ça va être très rapide. Moi Camping 3, que clairement j'ai aucun problème avec la saga à la base, même si j'aime pas trop le 2. J'y suis allé juste pour voir un petit divertissement estival avec Franck Dubosc, voilà, et c'est ce que j'ai eu. C'est-à-dire que oui, c'est un peu beauf. Oui, c'est un peu lourd. Je suis pastis, voilà. On retrouve vraiment tous les ingrédients qui font que Dubosc est ce qu'il est, quoi. Donc effectivement, si vous n'aimez pas Dubosc, si vous n'aimez pas ce personnage de relou, dragueur, etc., un peu beauf, bah, n'y allez pas, parce que vous allez vous tirer les cheveux pendant tout le film. Moi personnellement, ça me fait rire parce que le personnage est un peu puéril, un peu touchant. Il arrive, Patrick, voilà, Chirac. Voilà, Patrick Chirac. Il est arrivé à cultiver quelque chose d'à la fois drôle et pathétique sur ce personnage-là. Et d'ailleurs, je trouve que c'est le mieux écrit des trois, et ça se sent principalement parce que Dubosc a écrit les répliques et le scénario. Et ça se sent. Il y a vraiment des moments, c'est du Dubosc pur jus quand il demande à quelqu'un de garder les épluchures des Babybel parce qu'il s'en fait des bougies. Ça, c'est du Dubosc. Moi qui aime bien Franck Dubosc, ça me fait marrer. Bon, là, comme ça, c'est pas drôle. Mais ça me fait marrer. Voilà, donc c'est un divertissement sans prise de tête. Alors, c'est maladroit. Il y a 2-3 blagues homophobes dont je me serais bien passé. 2-3 blagues racistes dont je me serais bien passé aussi. Mais globalement, voilà, cette idée de rencontre entre les jeunes, les vieux, parce qu'il est question de 3 jeunes qui vont rencontrer les vieux du camping. Voilà, cette rencontre générationnelle, bon, c'est gentil. Et il y a même un petit moment d'émotion à la fin. J'ai eu, j'avoue, petite, on va dire une montée de larmes, mais j'ai été assez touché. Donc ça se regarde, c'est drôle, c'est maladroit, mais franchement c'est attachant. Si vous n'aimez pas Dubosc, n'y allez pas. À moins, si vous voulez le défoncer gratuitement, allez-y, hein, si vous avez du temps à perdre. Si vraiment vous trouvez que Dubosc vous inspire la sympathie, que les 2 premiers campings, ou du moins le premier, vous ont pas fait souffrir tant que ça, celui-là devrait logiquement passer tout seul. Ok. Tu vas pouvoir passer à Irréprochable alors ? Irréprochable ? Il me semble que c'était un autre, non ? Ah non, Irréprochable. Non. Je suis le calendrier. Oui, c'est vrai, je pensais que j'avais parlé d'un autre film. Ah, c'est encore moi qui parle. Vous voyez, ouais. Je vais vite. Ah, mais de toute façon, là, t'es parti pour parler pour. Non, juste encore celui-là et après un autre. Et après un autre, voilà. Ouais. Et l'autre, je vais avoir du mal parce que l'autre, tu sais qu'il y a des choses à en dire. Alors là, je vais vous parler d'Irréprochable. Alors, un petit film sorti dans l'anonymat le plus total, j'ai envie de dire. Et c'est bien dommage. Parce que je trouve que cet été, le cinéma français. Je parle vraiment des drames. C'en est super bien tiré. Et la preuve avec celui-là. Donc c'est le premier film d'un certain Sébastien Marnier dont je ne connais pas. Donc c'est un thriller avec Marina Foïs, Jérémy El Caïn et la ravissante, celle dont je suis totalement amoureux, Joséphine Japy, qui est juste un... C'est un ange, cette fille. Cette actrice, elle est juste sublime. Et j'ai envie de la voir encore plus. Déjà dans Clo-Clo, elle a été magnifique. Et vous avez vu dans un autre film, dans Respire d'ailleurs, qui était de Mélanie Laurent, qui était sublime. Et là, voilà, elle confirme que c'est une actrice en devenir. Donc c'est un thriller dans lequel Marina Foïs joue le rôle de Constance qui revient dans sa ville natale Alors on sait pas pourquoi il l'a quitté hein, sa ville, hein. On l'apprend plus tard dans le film, mais on sait qu'il y a un mystère qui se trame derrière. D'accord. Et elle apprend que son poste d'agent immobilière son poste a été donné à quelqu'un d'autre, donc à Joséphine Japy dans le film, et il y aura une histoire de jalousie qui va s'installer, de manipulation, c'est-à-dire qu'elle va tout faire pour pouvoir récupérer son poste parce qu'elle veut recommencer sa vie d'avant. Parce que il s'est passé quelque chose quand elle est montée à Paris, je vous explique pas quoi. Sur Sens Critique, il y a marqué que c'est un thriller, enfin c'est classé comme un thriller. C'est un thriller. C'est un thriller. Ah oui, c'est pas une comédie. Hein. D'accord. Donc c'est un thriller dans lequel Marina Foïs est à contre-emploi total. Hein, elle joue quand même le rôle d'une mythomane, manipulatrice, menteuse, un peu psychopathe, j'ai envie de dire. Mais elle est capable de jouer ça. Hein. Et franchement, pour moi, c'est le rôle de sa vie, clairement. Le film tient vraiment en partie par elle parce qu'elle arrive à nous amener un peu de d'angoisse, mais en même temps beaucoup d'empathie. C'est-à-dire que le personnage, quand on y réfléchit bien, y a des moments dans le film, je me disais, mais je la comprends. C'est-à-dire qu'elle est tellement dépassée parce qu'elle, on sent qu'elle a envie de, réparer des erreurs du passé, mais en même temps, ses intentions sont floues, mais en même temps, à la fois on la sent honnête, à la fois on la sent manipulatrice. Et je trouve que Marina Foïs arrive à l'incarner parfaitement. Elle en fait pas trop, parce que c'est vrai que quand on a l'habitude d'être cantonné au rôle comique et qu'on passe au film dramatique, des fois ça se sent un petit peu, il y a du surjeu, etc. Elle, mais même sans parler, il y a des scènes où elle ne parle pas, juste par un simple regard, elle arrive à inspirer un effroi mais classant. Et le film vaut vraiment pas que son interprétation, parce que le film est extrêmement bien écrit, assez subtil, très soft, c'est-à-dire qu'il n'en fait pas trop. Même sur la fin, j'avais un peu peur, parce que dans les films français, c'est un peu ça, c'est-à-dire que on la joue très modeste pendant 1h20, et au bout des dix dernières minutes, on fait tout péter. Et là, non, le film, il est assez régulier, c'est-à-dire que il n'y a pas d'artifice, mais il arrive à créer une ambiance et qui passe justement par le personnage de Marina Foïs qui est très complexe moralement, parce que voilà, comme je dis, on sait pas si on a envie d'être pris de compassion pour elle ou si on a envie de la détester, même à la fin on a une petite idée quand même, mais je trouve que c'est un film très intéressant à analyser parce que ça dit vraiment des choses sur l'humain, et c'est aussi un thriller hyper bien écrit, franchement. D'accord. C'est un premier film, c'est assez épatant. C'est pour moi un des meilleurs films français que j'ai vu cet été. D'ailleurs, comme j'ai dit, le cinéma français cet été, nickel. Ils ont fait des choses vraiment bien. Ils ont pris des risques aussi, je pense. Enfin, je trouve. En tout cas, pour celui-là. Hein. Parce que c'est vrai que Marina Foïs, dans un rôle comme ça, honnêtement, même si elle est capable de le jouer, c'est vrai, j'aurais pas misé un copec non plus. Hein. Parce que quand j'avais vu la bande-annonce, j'étais pas rassuré. Et une très bonne BO également. Très bons acteurs. Y a Jérémy Ekaïm, Joséphine Japy, comme je l'ai dit. Un dénouement assez un petit malaise quand même à la fin, mais j'ai aimé le film pour ça. C'est un film un peu particulier, c'est un film qui a son ambiance, mais je conseille vraiment les gens d'aller le voir, parce que de le voir en DVD ou en Blu-ray quand il sortira, parce qu'il est resté une semaine à l'affiche, pas plus, mais ça vaut le coup, parce que surtout pour Marina Foïs, quoi, pour moi là, c'est son meilleur rôle, quoi. Et je mise sur une nomination au César pour ce film, je le sens. D'accord. Après, comme le film n'a pas vraiment marché, bon, je sais pas si les gens s'en souviendront encore, enfin les académiciens, mais ce serait bien qu'on la récompense, parce que elle c'est une actrice qui est pas has-been, qui est pas oubliée non plus, elle fait des rôles, mais bon, je pense qu'on l'a, elle est pas assez mise en avant malgré tout, et ce serait bien qu'on lui donne un petit coup de pouce pour ce film, parce qu'elle a prouvé vraiment qu'elle pouvait tout jouer. Voilà, donc c'est son rôle est irréprochable. Juste la blague à la fin. Oui. Donc tu vas pouvoir passer à The Strangers. Ouais, alors je vais à la fois être évasif, enfin, je vais essayer d'être le plus explicite possible, mais ne pas trop en dire, parce que c'est le film le plus étonnant de l'été. D'accord. Pour moi. Donc c'est mon premier coup de cœur, après Irréprochable évidemment, c'est mon premier coup de cœur de l'été. Ouais. Et il y en a eu d'autres. Trois à tout casser, hein. Vraiment. Oui, oui. Donc c'est un thriller. Alors c'est un thriller, c'est un film d'horreur, c'est un film un peu comique, c'est un film dramatique. Coréen. Voilà, c'est sud-coréen. C'est un film mutant, quoi. Ah mais carrément, c'est vraiment le film hybride par excellence qui qui mélange les genres, et franchement, pour résumer ça, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer. Donc, ça se passe dans un petit village coréen, qui est, je vais lire le synopsis d'Hallociné, ça va être plus simple, qui est bouleversé par une série de meurtres, aussi sauvages qu'inexpliqués, qui frappent au hasard une petite communauté. Donc, les habitants vont être un peu dérangés par la présence d'un vieil étranger qui vit en ermite dans les bois. Du coup, il y a plein de rumeurs qui vont se créer autour de lui. Est-ce que c'est l'assassin? Est-ce que c'est... Enfin voilà, je vais pas trop en dire. Et donc en parallèle, on suit l'enquête policière de deux jeunes policiers qui vont voilà enquêter pour savoir qui tue à répétition ces personnes dans ce petit village. Ça fait très enquête du département V, mais version asiatique. Et ça fait très mémoire. Ouais, mais avec un versant surnaturel, démoniaque. D'accord. Que franchement, j'ai pas vu venir du tout. Alors, c'est un film extrêmement extrêmement troublant, parce que en 2h30 qu'on sent passer. On les sent passer, c'est un film très lent. Faut pas le regarder fatigué, mais ce sont 2h30 qui sont remplis mais à ras-bord, c'est-à-dire que on commence par un film par un thriller. Ensuite, on dérive vers la comédie, on repart vers le thriller. Après, on va dans le fantastique, on va dans l'horrifique. C'est un film qui pioche partout. Et c'est un film même qui ose pas mal de symbolique. J'avoue, la scène de fin, j'ai pas tout pigé non plus. J'ai dû me renseigner en demandant à des personnes en privé d'ailleurs ce qu'ils en ont pensé, parce que il y a une symbolique derrière qui se trame. Tellement le film il est fou, parce que il est hyper audacieux. Il réussit justement. Je disais que James Wan n'avait pas réussi à me faire peur avec Conjuring 2. The Stranger est le film le plus flippant que j'ai vu cet été. Et en même temps, comme j'ai dit, le plus confondant, le plus troublant, parce qu'il y a des scènes, au bout de 5 minutes, vous allez être mort de rire, et 30 secondes après, vous allez flipper. Non, mais c'est ça la, la beauté du cinéma coréen. Oui, et ça, je l'ai remarqué, parce que je trouve que même en Amérique, quand ils essayent de faire des comédies, l'épouvante, tout ça, ils n'y arrivent pas tellement, ils n'arrivent pas trop à mélanger les genres là-bas, je trouve. Mais les Sud-Coréens, ils ont quelque chose qui fait que ça passe. Ça passe, et à aucun moment, je décroche, parce que. En général, dans ce genre de film, quand il y a un côté comédie épouvante, soit la partie épouvante prend le dessus, etc. Là, il y a un équilibre qui est juste hyper bien dosé. Et encore, hein, comédie épouvante, c'est rien, parce qu'il y a du thriller, du surnaturel, blabla et tout. Et franchement, c'est pour moi un film complet et complexe. Voilà. Donc, je vais pas trop en dire, parce que l'intrigue, je vous conseille vraiment de la découvrir par vous-même. Tellement elle regorge de détails passionnants, surtout une superbe intrigue, quoi, parce que le but est quand même de savoir qui a tué qui est l'auteur de ces meurtres absolument atroces, meurtres qui sont un peu montrés d'ailleurs, et ça fait plaisir, ils ont pas peur de montrer les choses. Non, ça c'est bien. Et voilà, les Sud-Coréens, quand ils veulent montrer, quand ils veulent montrer un mort, ils le montrent. Ils y vont pas par quatre chemins. J'ai pas dit le réalisateur. Donc c'est Na Hong-jin, qui avait fait sensation puisqu'il a réalisé The Chaser et The Murderer, que je n'ai pas vu. The Chaser est très très bien. Ouais, j'avais tenté The Murderer, mais j'ai pas accroché en fait. Je l'ai tenté il y a 2 semaines, j'ai pas du tout accroché, j'ai trouvé ça un peu... Mais on m'a conseillé de voir The Chaser. De voir, voilà. Ouais, c'est un des meilleurs films coréens. Donc du coup, j'étais totalement vierge de son cinéma, et on m'avait prévenu, on m'avait dit... Fais gaffe, son cinéma c'est un peu particulier, surtout The Murderer avait pas fait l'unanimité non plus, The Chaser non plus, hein. Oui, non, voilà, ça a pas fait son cinéma peut être un peu controversé, et un peu, c'est soit on aime, soit on déteste, et c'est vrai que The Stranger, tout le monde ne va pas aimer, c'est clair, parce qu'il y a justement, le cinéma coréen c'est un cinéma qui est à part dans sa façon de montrer la violence, dans son rythme aussi, parce que c'est vrai que les polars de 2h20 c'est assez courant chez eux, donc c'est des films qui prennent leur temps, mais qui prennent le temps de développer leurs personnages, voilà, parce que dans ce film-là, les personnages sont pathétiques, c'est vrai. Il y a des moments, ils sont risibles, ils font pitié, quoi, ils inspirent la pitié, mais en même temps, ils ont des moments de bravoure qui les rendent absolument classe, quoi. Et c'est ça que moi qui m'épate dans le film, c'est que le personnage, le flic, c'est un, comment je pourrais dire, c'est limite un. Mais un clodo, quoi, c'est-à-dire qu'il est sale, il est répugnant, il est pas beau et tout, et à la fin par des moments de bravoure ils arrivent à l'iconiser, et du coup on sort du film en disant mais quel beau personnage, il est tellement classe, Et c'est ça qui est fort dans ce cinéma-là. Et en même temps, l'intrigue marche super bien. Ça déroute. Il y a des moments, assez, où on se demande vraiment ce qu'on a sous les yeux. Il y a des moments où je me dis, mais c'est pas le bon film, c'est pas possible. Il y a des changements de rythme, des changements de ton, des changements de genre permanents. Et le film ne prévient jamais, hein. C'est très radical. Et il y a un climax de folie. Voilà. Autant le climax de Conjuring 2 était miteux. Mais alors, celui-là, franchement, il dure, je crois, 10 minutes à tout casser. Mais c'est une montée en pression d'angoisse de, et j'ai eu vraiment eu le, enfin c'est le film qui m'a le plus fait flipper cet été et je pense de l'année. Ouais. Vraiment. Mm-hmm. En attendant de voir Dans le Noir ce soir. Ouais, ouais. Mais c'est un film complet qui plaira pas à tout le monde. Mais et même pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le cinéma sud-coréen, ouais, c'est pas celui-là que je pense pas qu'il tout. Faudrait commencer avec celui-là. Non, ouais. Faut commencer avec un autre film dont on parlera plus tard. Ouais. Mais The Stranger est un film bien particulier, mais qui en partie, enfin qui a commencé à prouver que le cinéma sud-coréen c'était quand même c'est comme peut-être partie des meilleurs Au niveau des policiers, des polars, enfin c'est des thrillers, bah, c'est mais là même là c'est un film de genre, même c'est clairement, oui c'est un film d'horreur, ça touche à l'horreur quoi, et ils le font super bien, et tout ça avec la plus grande des aisances quoi. Il y a des mots parce que on rigole vraiment quoi. Il y a je vais prendre un exemple tout bête, il y a une scène où ils se font des blagues entre eux en disant oh il y a un fantôme qui rôde etc. Et ils font semblant d'avoir peur, et à un moment, ils voient une fille plantée devant le commissariat, et là, ça fait peur. Du coup, tu riais 20 secondes avant, et ensuite, t'as peur. Enfin, c'est extrêmement bien foutu, mais ça prouve que voilà, il faut tenter. Les films hybrides, ça marche, en tout cas chez eux. Moins chez nous, moins en Amérique, c'est vrai. Bon, j'ai pas envie de faire mon iconoclaste à deux balles en disant, ouais, les Américains, c'est nul. Mais faut dire ce qui est, honnêtement, The Stranger est un film qui devrait servir de leçon pour les autres pays quand même. Ok, d'accord. On va passer à un truc complètement différent. Un film d'animation, donc La Tortue Rouge. Tu veux peut-être commencer parce que t'as moins aimé. Oh non, vas-y, je suis fatigué. D'accord, pas de soucis. Non, j'ai soif. Ouais, vas-y. Donc, moi je vais aller assez rapidement. Parce que en fait, le film m'a marqué, mais en même temps j'ai pas énormément de choses à dire parce qu'il est très simple. Donc c'est vraiment un coup de cœur d'animation de l'été. C'est un film magnifique qui est assez audacieux et original. C'est un mélange l'animation japonaise et européenne. C'est en fait le film il parle de la vie en général, on va dire. C'est un peu, en fait c'est très compliqué d'expliquer le film parce que c'est déjà il est complètement muet, donc les personnages ne parlent pas, et ça on était... Pas du tout. À aucun moment. D'accord. Et ça c'est déjà une surprise, parce que quand on voit la bande-annonce, bon, ils parlent pas dans la bande-annonce, mais c'est normal, mais on s'imaginait quand même que les personnages allaient parler. Mais durant tout le film, c'est juste des bruits, quand ils montent, quand ils escaladent une falaise, etc., il fait des bruits de bouche, enfin voilà, des soufflements, etc., mais c'est tout. Il n'y a pas de parole. Et donc c'est vraiment audacieux. Ouais, c'est vraiment audacieux de faire un film d'animation comme ça, de ce calibre-là. Il est vraiment super beau. Graphiquement, j'ai trouvé ça magnifique. Le mélange de l'animation japonaise et européenne, ça donne quelque chose de splendide. C'est toute la technique de l'animation japonaise, surtout sur les personnages, qui est appliquée sur des designs européens. Ça rend quelque chose que j'ai jamais vu personnellement et qui est vraiment super. C'est donc les personnages, comme ils ne parlent pas, on peut clairement projeter ses émotions dans les personnages, ce qui rend vraiment réel et proche de nous. Le seul défaut que je lui ai trouvé en fait, et qui lui a coûté quand même quelques points sur ma note finale, c'est les passages qui sont il y a des passages qui sont un peu trop lents et qui ralentissent l'histoire. Même si le film fait que 1h20, il y a quand même quelques passages qui sont assez lents et assez difficiles à regarder. Ça aurait pu clairement être raccourci, mais sinon la musique est incroyablement belle. C'est teinté de tristesse et de mélancolie, c'est en accord avec le déroulement du film d'ailleurs. C'est difficile d'en parler en fait de ce film, parce que c'est quelque chose qu'on voit vraiment, enfin moi j'ai jamais vu ça. Et ouais, c'est à ouais, part, c'est quand vraiment même. Très à part. C'est d'ailleurs, on était que deux dans la salle, alors qu'il était samedi 20h, donc j'étais tout seul pour prouver quelque chose. Donc, Non, non, c'est vraiment quelque chose de très beau. C'est un film qui m'a beaucoup touché. Ça parle de la vie en général, vie, mort, etc. Enfin voilà, la famille, etc. Il y a énormément de thématiques abordées, mais voilà, il faut les découvrir soi-même puisque c'est pas non plus c'est pas donné quoi. C'est comme les personnages ne parlent pas, il faut s'imaginer des choses et c'est ça que j'ai trouvé vraiment bien dans ce film. Voilà. Morgan, toi tu n'as pas autant aimé. Ouais, ça va être très très ouais. rapide. Non, je trouve que oui, c'est très beau en effet et justement pour moi la limite elle est là dans ce film, c'est-à-dire que il veut tellement être contemplatif, il veut tellement la jouer sur la symbolique que du coup il en oublie de créer de l'émotion. Et moi j'avoue, c'est un peu ce qui m'intéresse au cinéma, c'est l'émotion. J'ai pas ressenti d'émotion et quand je ressens rien, du coup je m'ennuie. Pas ressenti d'émotion. Du coup je trouve à aucun moment. D'accord. À aucun moment. Ouais. Pourtant la musique s'y prêtait, hein. Comme tu l'as dit, ouais. La musique est très très belle et visuellement c'est très beau surtout. Mais c'est une beauté qui est pour moi vaine, parce que elle, oui ça dit des choses et effectivement c'est pas un film qui est vide. Mais j'ai tellement rien ressenti, j'étais tellement de marbre devant cette histoire, okay. Que du coup, bah, au bout d'un quart d'heure, je me suis dit, je m'en vais ou pas. Je voulais vraiment partir de la salle. D'accord, ok. Non, je mais pense bon, que c'est enfin, c'est un film qui est complètement personnel. Enfin. Oui, ouais. mais il a été bien reçu. Hein. Ouais, ouais. Il y en a beaucoup qui parlent de chef-d'œuvre. Ouais, enfin, non, faut pas enfin, voilà. Plus exagérer. Hein. C'est pas un chef-d'œuvre. Il a des défauts, hein, mais. Mais c'est vrai que je suis sorti en me disant bon, peut-être qu'on me l'avait survendu aussi, donc ouais, en même temps c'est une déception parce que je l'ai attendu. Après, est-ce que c'est un mauvais film? Je dirais pas ça, c'est juste moi, j'ai rien ressenti devant et du coup je me suis mais non, mais je pense que comme ce que j'ai dit, c'est que tu projettes un peu tes émotions sur les personnages et voilà, ouais. C'est comme si t'as rien ressenti, c'est enfin ouais. Voilà, je pense que c'est complètement selon la personne qui regarde le film quoi. Voilà, bon, bah, on a rien. Enfin, moi j'ai rien d'autre à rajouter. On passe ensuite au BGG, donc le Bon Gros Géant, le nouveau film de Steven Spielberg. Qui. Le nouveau sandwich de Quick. Ça fait un peu ça, ouais. qui s'en est un peu pris plein la gueule partout. Hein, c'est... Oh ah ouais, depuis le Festival de Cannes. Mais à juste titre. Moi je suis pas d'accord, mais. Vas-y, si tu veux exprimer ton. Ah, je ouais, commence vas-y. Ah oui, bah, grosse déception. Bah, si vous avez écouté le podcast de fin d'année 2015, vous savez qu'il était dans mes top 3 des plus grandes attentes. Hein, parce que Spielberg, Roald Dahl, c'était impossible que ça se plante, clairement. Ouais. C'est impossible pour moi que Spielberg se plante. Et je crois que pour moi, c'est son plus mauvais film. Alors, son plus mauvais film, pas d'un point de vue technique. Hein. Comme d'habitude chez Spielberg, la technique, juste, tu peux pas y enlever ça. Ouais. C'est pour ça que j'y ai pas mis 0,5. Je crois que j'y ai mis 1 sur 5. Parce que visuellement, c'est trop beau. Et j'ai un problème avec ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire les personnages, le scénario, le rythme. Ouais. Et surtout l'humour. Mais... Parce que. Ouais. Voilà, au bout d'un moment, je sais que c'est pour enfants. Je le sais, je suis moi-même un grand enfant. J'ai aucun problème avec ça. Maintenant, c'est vrai que ça me désole un peu. Même si on dira que je l'ai pas reproché un certain film après, mais ça me désole un peu que Spielberg tombe dans l'humour puéril à base de paix et d'euros. Ouais, non, moi, ça, ouais, ça me dérange. Venant de Spielberg, ça me dérange. Et en plus, c'est quand ça arrive, la première blague, tu dis putain, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Voilà, mais c'est oui et ouais, je pense qu'on pense à la même scène. Ah, complètement. Mais c'était gênant quoi. Mais les enfants rigolent devant cette scène, donc. Du coup, quand j'entendais les enfants rire aux éclats pendant le film, je me suis dit, bah, c'est peut-être pas pour moi que le film a été fait. Alors que je me revendique comme étant un grand enfant. Mais c'est vraiment enfant, mais entre 0 et 4 ans, quoi. Enfin, pas plus. Et même sur ce que. Les espoirs que j'avais placés sur le côté. Voilà, la culture de l'imaginaire, la culture. Mais tu as mais ça. Même ça, ça y est pas. Mais, si, mais non, moi ça. Je trouve pas le rapport à l'enfance. Moi, je trouve toute l'imagerie au niveau du rêve et tout ça, c'est magnifique. Moi, je trouve ça extrêmement démonstratif et bête, quoi. Mais vraiment, parce que même par rapport à un film qui est pas trop aimé dans la filmo de Spielberg, et c'est injuste d'ailleurs parce que je le trouve très beau, Hook. Hook, ça parle justement du retour à l'enfance, des liens, parce que cette petite fille va en gros avoir une figure paternelle. Travers ce géant, mais même ça c'est pas exploité et c'est je trouve ça, même le personnage tellement agaçant, si, du coup pas attachant du tout. Ah les deux ah bon ouais les deux Et je trouve que pour un film qui avait tout de Spielbergien dans le thème, dans la, bah, je trouve qu'il y a rien au final. C'est vraiment, moi je m'attendais à une espèce de Hook version, parce que Hook vraiment ça parle de ça, ça parle de l'enfance, des liens familiaux, etc. Enfin, et là à aucun moment je trouve que tout est survolé, ça se contente juste, voilà, de oui c'est une démonstration technique impressionnante. Je vais pas y retirer ça. La 3D est pas mal d'ailleurs. J'ai pas vu en 3D. Mais alors, le reste quoi. Tu l'as vu en VF ? C'est ennuyeux. En VF, et d'ailleurs la VF est très bien. Parce que j'en ai un peu, alors voilà, je vais le dire un peu, j'en ai un peu marre des gens qui se plaignent. Ah, c'est Danny Boone. Mais Danny Boone, il a fait Olaf, et Olaf, personne n'a rechigné, parce qu'en plus, il était trop bien dans La Reine des Neiges, je trouve. C'était c'est surtout parce que c'était secondaire. Voilà, c'était secondaire. Mais moi, mais justement, je trouve que, alors, même si le nom peut faire peur, parce que c'est vrai que Danny Boone, parce que sur un long métrage entier, sans dire c'est lui le personnage principal, mais je trouve qu'il s'en sort super bien. Et heureusement qu'il est là, quoi. C'est vraiment la qualité, la plus grosse qualité, c'est Danny Boone dans la VF pour moi. D'accord. Après, oui, j'aurais peut-être une autre voix, aurait peut-être mieux collé. Mais je trouve que malgré tout, il s'en sort bien. Mais c'est le film à côté, quoi, qui me pose problème. J'ai pas retrouvé le Spielberg imaginatif, poétique et émouvant que j'aime, quoi. Alors, et d'ailleurs, ce qui est con, c'est que autant le Pont des Espions, je l'attendais pas du tout. J'étais surpris. J'étais sorti. Surpris et conquis, là j'avais placé beaucoup d'espoir sur ce film, parce que Spielberg, en plus revenir à quelque chose d'enfantin, s'éloigner un peu. Bon, je sais que t'aimes pas E.T. Avec la scénariste d'E.T., voilà. Non, c'est pas que j'aime pas E.T., c'est que je l'ai vu trop tard. E.T. me touche pas, mais je reconnais que c'est un très beau film, mais je l'ai vu trop tard. Je pense qu'E.T., il y a des films comme ça, il vaut mieux voir quand on a 8 ans, voilà, parce qu'on grandit mieux avec, et les films grandissent mieux. Mais là, non, j'ai pas retrouvé le Spielberg que j'aime. Je trouve qu'il s'est un peu enfermé dans une, je vais pas dire une facilité, j'ai pas envie d'être réducteur non plus. Mais je l'ai pas trouvé audacieux, je l'ai pas trouvé ambitieux. C'est juste une démonstration technique qui est superbe. Mais alors, le reste, pour moi, c'est vraiment acheté, quoi. D'accord, ok. Comme on l'a dit, enfin comme Léon dit, il y a beaucoup de monde qui lui a craché dessus, hein, et j'ai un peu envie de réhabiliter le film, pardon. Et tu as le droit. Qui a défaut de m'avoir totalement conquis, hein, il y a des défauts, ça je peux pas le cacher, mais m'a pas complètement déplu non plus. Donc pour moi le premier truc c'est l'histoire de Roald Dahl qui, je pense, est difficilement adaptable Il y a des moments vraiment gênants, quoi. On a parlé des histoires de paix et tout ça. Enfin voilà, c'est. Il y a un moment où c'est vraiment. Enfin, je savais pas quoi penser parce que je me disais, mais Spielberg, comment. Enfin. Ah, c'est gênant. Voilà. Ouais. Mais en même temps, les puristes du bouquin, s'il l'avait pas mis, et ça. Enfin, je pense qu'il s'en serait pris plein la tronche. Donc du coup, voilà. En même temps, le truc est pas très adaptable au niveau visuel, quoi. Tu peux pas faire quelque chose de bien visuellement avec cette idée, quoi. Mais bon. Au niveau du. Encore plus non adaptable, parce que Roald Dahl, dans son histoire, utilise un dialecte assez rural, l'Angleterre d'antan, qui a dû être sûrement un cauchemar à traduire. Donc je l'ai vu en VOST, et pour moi, la VOST a quand même c'est 80% de réussite pour les mots et tout ça, parce qu'il invente plein de mots, plein de nouveaux mots. D'ailleurs, ouais, c'est pareil en VF. Ouais, d'ailleurs, en Angleterre, il y a même un dictionnaire Oxford spécial Roald Dahl, juste pour les mots qu'il a créés. Donc c'est pour prouver à quel point il a eu une influence sur la langue. Est-ce que je te coupe deux minutes, comment ils appellent la boisson c'est comment en vidéo? je me souviens plus du nom. Moi je crois que c'est la fristine. Parce que je crois que c'était marqué en français, dans la VOST. Ah. Fristible, ah oui, aussi, donc mais je me souviens plus du nom en anglais, mais bon voilà. Parce que t'as pas vu le film. Tu défends un film que t'as pas vu, c'est nul. Non. J'ai vu le film en VOST, mais de toute façon je pense que la traduction VF c'est celle qui était en VOST. Hein, c'est... Ouais. Mais je pense pas qu'on puisse complètement lui cracher dessus, parce qu'il y a quand même des qualités. Hein. Pour moi il y a la réalisation de Spielberg qui change pas, qui est toujours aussi belle. Toute l'imagerie d'Angleterre d'après-guerre, enfin voilà. Moi je trouve ça super beau, ce qu'il arrive à faire. les géants qui sont vraiment super bien animés, super bien modélisés, etc. Il y a des idées aussi qui sont bien, comme je l'avais dit, l'idée de la capture des rêves et toute la création visuelle autour de cette idée-là. Moi, je trouve que c'est pas démonstratif, j'ai trouvé ça super beau et super... Enfin, franchement, j'ai ressenti pas mal d'émotions durant cette scène. Durant ces scènes, pardon. T'as pas trouvé ça niais ? Non, pas du tout. Ouais. Non. J'ai trouvé ça niais à partir du moment où il va chez la reine, etc. Enfin voilà, j'ai trouvé ça un peu... Voilà, ouais. C'est à ce moment-là où j'ai perdu le film. Mais sinon, jusque-là, le film était très très bien. Enfin, était bien, c'était un bon film. La musique est plus que correcte, hein, c'est du John Williams. Hein, c'est pas révolutionnaire, mais c'est, en même temps, c'est John Williams qui fait la BO, donc on peut pas complètement cracher dessus. Les acteurs qui, bon, certains en font trop, surtout au niveau des géants, c'est parfois un peu gênant, mais d'autres pas assez aussi. Mais par contre, la petite Ruby Barnhill, je l'ai trouvée parfaite et très, très touchante dans le rôle de Sophie. Et Mark Rylance, qui est aussi très touchant dans le rôle du bon gros géant. Ouais, il est super. Ouais, non, vraiment, c'est devenu la muse de Spielberg, qui va tourner ouais, avec dans Ready Player One. Voilà. Et tout ça, Ouais, mais c'est pas lui, on s'en fout. Oui, on sait qui c'est qui t'intéresse dans Ready Player One. Non, mais c'est surtout que ça me fait peur, parce que comme le bon gros géant m'a déçu, mais non, mais... j'ai pas envie que ça me fasse la même. Bah, oui, non, mais non. Je le vivrais mal, mais non, je mais veux dire. Pour moi, c'est un défaut de matériel plutôt que de réalisateur, quoi. Oui, non, la réalisation est très bien, et c'est pas ça, hein. Moi c'est juste l'imaginaire, quoi. Je trouve que l'imaginaire était un peu pauvre, et aussi, bon, après, je pense que dans le livre c'est un peu ça, c'est vraiment la stupidité mais des oui, personnages mais... qui font qu'à aucun moment ils m'ont touché ou j'étais attaché, quoi. Mais ça, encore une fois, c'est très personnel. Oui, non, mais je comprends, parfois. Mais c'est vrai que le film a... Il y a quand même, bah, Mehdi, je pense que tu l'as pas vu, mais t'as été témoin des mauvaises critiques ouais, massives. Ouais, tout le monde lui a craché film, dessus. Je les ai pas lus, mais... Non, mais les retours, ouais. Même depuis Cannes. Depuis Cannes, les gens, ils sortaient, mais en disant. Mais... C'est un projet que j'ai jamais trop senti, moi, par contre. Ouais, je me souviens, Il était. Comme quoi, et, voilà, il est visionnaire. Il le sent, ça va pas. Je suis un peu comme Paul Le Poulpe, en fait. Donc voilà, moi, c'est un film qui m'a plus en plus. Et bien sûr, il y a des moments qui m'ont vraiment gêné, tout ça, donc ça, je peux pas non plus le cacher. Mais je trouve pas que c'est le pire film de Spielberg, je trouve pas que c'est le pire film de tous les temps. Enfin voilà, j'entendais des choses parfois, je me disais, mais comment on peut penser ça, quoi. Bon, voilà. Ouais, faut pas exagérer non plus. De toute façon, avec tous les films que Spielberg a fait, il peut pas faire des chefs-d'œuvre. Ah oui, il y a forcément des films moins bons. Voilà, c'est une grosse déception pour moi, donc bon, tant pis. Il se rattrapera en 2017. Ouais, oui, de toute façon, il a plein de projets. Ready Player One, ça va être top, ouais. Je pense. Ah ouais, ah, ça je vous le dis. D'ailleurs, mais j'ai envie... Alors justement, je vais vous poser une petite question. Comme le film va se faire, est-ce que... Parce que le livre m'intéresse un peu. Mais en même temps, j'ai pas envie parce que j'ai envie de découvrir le... Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai envie que l'histoire soit racontée par Spielberg. D'ailleurs, il paraît que le livre est pas terrible. Ah, enfin, si. Quelques... Ouais. Enfin, moi, j'en entends que du bien de ce livre. Ah bon ? Pourquoi ? Bah, le mec est... Mais du coup je suis un peu partagé. À la fois j'ai envie de lire le livre parce que je suis vraiment j'adore l'histoire. Mais en même temps j'ai envie de découvrir la tu liras le livre après. Bon, j'aurai la flemme, hein. Ouais. Une fois que j'ai vu le film pour me faire lire le livre avec Et pourtant des fois t'as de très bons apports. Ouais, je sais pas, j'hésite encore. Ouais, enfin moi je sais pas, enfin j'hésite aussi, mais je pense que je le lirai avant de regarder le film quand même. Bah, tu me diras ce que ça vaut et si jamais ça vaut le coup, je me laisserai tenter. Ok, d'accord. Bon, on va pouvoir passer à toi, Independence Day 2. Oui, alors. Ça va être rapide. Enfin, j'espère. Oui, ça va être rapide. Oh là, bon, film. Mais là, on parlait de film détesté, hein. Mais c'est rien par rapport à Independence Day 2. Mais rien du tout. Parce que cet été, il y a deux bêtes noires. Oh. Independence Day 2. Ouais, il y en a plus que deux. Je peux te... Dans les deux grosses bêtes noires. Il y a Independence Day 2. Les deux plus grosses. Il y a Independence Day 2 et Suicide Squad. Ce sont les deux films les plus défoncés dans les critiques. Ouais, mais c'est injuste parce qu'Independence Day 2, il est, je trouve, excellent. Pour le fan de Roland Emmerich que je suis, alors il n'y a aucune surprise, hein. Donc l'histoire, ça se passe combien de temps après il était fait en 96, il me semble, le premier. Donc 20 ans après, voilà. 20 ans après, les aliens qu'on avait que les Américains avaient réussi à vaincre hein, dans le premier film avec Will Smith reviennent. Voilà, ils viennent prendre leur revanche et ils viennent retaper les bons citoyens américains. Ils foutent le bordel. Comment ? C'est que eux en plus. Tout le monde. Bah, ouais, tu vois un plan de la capitale, enfin Paris avec la Tour Eiffel qui se détruit, des trucs comme ça. Voilà, on le voit pas dans le film, hein, on voit que sur l'affiche. Ouais. Mais bon. Mais non, c'est à l'échelle mondiale quand même, faut pas déconner. Et donc, c'est la même histoire, clairement. C'est la même chose, sauf que là, c'est pas avec, Will Smith, mais c'est avec son fils. Ah, parce que Will Smith est mort. Non, son fils, Jeff Goldblum. Non. Jeff Goldblum, ouais. On retrouve les personnages du premier, hein, Bill Pullman qui jouait le rôle du président de la République. De président des États-Unis. Voilà, de l'Empire américain. Il est là, bon, sauf que là, il est plus président vu qu'il est trop vieux, mais il va quand même réussir à monter, alors qu'il boite, hein. Il va réussir à prendre un avion et aller défoncer des aliens, je vous jure que c'est vrai. Mais le rôle principal, c'est quand même Liam Hemsworth, c'est un frère de Chris, qui n'a pas le talent de son frère. En même temps, dans un film comme ça, on peut pas dire voilà le talent prime, hein, mais c'est juste un film qui m'éclate pour la démesure totale de Roland Emmerich quant au fait de faire péter une planète sans le moindre souci de la démesure ni du kitsch. C'est-à-dire que, et tu le sens, hein, enfin, je pense que lui-même ne réfléchit pas. Hein. Lui, il prend sa caméra, allez, on fait tout péter. Ça se voyait au niveau du visuel des vaisseaux et tout ça. Hein. Ouais, alors, on a critiqué les visuels en disant que c'était moche. Moi, je trouve pas du tout. Au contraire, c'est kitsch. Même la 3D est excellente. Ouais, mais c'est ce que j'aime. Ouais. Enfin, en tout cas, dans ce film-là, hein, oui. Voilà. Après, parce que c'est Emmerich. Je pense que si c'était, Michael Bay. Ouais. Bernard Trudeau, c'était au hasard, je sais pas qui c'est. Oui, je pense que le film, je l'aimerais pas. Mais Emmerich, il a un sens du spectacle et du rythme aussi. Parce que je pense que pour faire péter une planète, il faut avoir un sens du rythme, hein, et du spectacle. Il arrive quand même à créer des plans qui sont, je trouve, pas si moches, hein. Parce que, j'ai souvent entendu dire que le film était moche. Visuellement, il a peut-être des petits défauts, c'est vrai. Mais franchement, j'y vais en buvant du coca et en mangeant du pop-corn, quoi. Et j'en attendais bah oui, pas mais plus. C'est, enfin, du en tout. Même temps, c'est juste. Je pense que le film ne prétend idiot. Pas être autre chose. Hein. Mais carrément pas. C'est idiot comme c'est pas permis. Enfin, je veux dire, quand on voit un soldat pisser sur le vaisseau des extraterrestres en faisant un gros doigt d'honneur. C'est du second degré, c'est de la parodie. Moi, j'aime vraiment le film pour ça. C'est pas le film le plus intelligent de la filmo d'Emmerich, vous en conviendrez. Je continue de préférer Le Jour d'après et de défendre que 2012 n'est pas un film si bête que ça. C'est très très bête. Non, c'est un film beaucoup plus intelligent qu'il en a l'air. Hein. Non, c'est très mais très bête. Mais on ne débattra pas de ce film. Mais j'aime bien Roland Emmerich. C'est con, t'as compris. Mais non, c'est pas con, ça dit des choses comme quoi les politiciens, en cas de menace, ils s'en foutent des gens. Eux, ils sauvent leur peau, ils s'en foutent. C'est vrai qu'on avait vraiment besoin de 2012 pour le comprendre. Mais au moins quelqu'un qui le montre. Il attaque Emmerich, ça va pas le faire. Non, mais voilà, je comprends. Mais en même temps, 2012, ça a ses défauts, il est un peu long, mais le spectacle, quoi. Moi, c'est juste un petit peu long. Oui, s'il était qu'un peu long, ça irait. Il est un peu long, il est mignon, mais il est un tout petit peu con. Non, voilà, le seul truc pour lequel je vais voir, enfin le seul argument pour lequel je défends la filmographie d'Emmerich dans son ensemble et donc ce film-là, c'est le spectacle, quoi. Et en plus, il y a Charlotte Gainsbourg qui joue le rôle d'une scientifique française du nom de Catherine Marceau, So Frenchy, qui est très bien. Je sais pas pourquoi elle est là, ça demeure un mystère total. Mais bon, comme c'est mon actrice préférée, je suis content. Non, je vais pas défendre le film pour son scénario, c'est totalement con. Il y a voilà le patriotisme, ça pue le patriotisme à plein nez. Il y a les blagues graveleuses, l'humour bête, les personnages très très cons. Mais alors quand je dis con, c'est un doux euphémisme, hein, vraiment. Mais en même temps, voilà, il y a des vaisseaux partout, le monde se détruit. C'est pour ça que j'y vais. Voilà, c'est bon mais c'est con. Enfin c'est con mais c'est bon. C'est non, pour mais ça que j'aime Emmerich. J'en demandais l'été, pas. C'est aussi fait pour ça, pour les films cons et voilà. Exact. Et au moins, contrairement à d'autres films, il se vend pas pour ce qu'il n'est pas. Depuis le début, hein, c'est un film con. Allez le voir comme un film con. Il y a des films, ils disent que c'est des films sérieux, profonds, alors que ça l'est pas. tu vas pour passer à American Nightmare 3. Oui. Je savais même pas qu'il y avait un 2 déjà. Tu savais qu'il y avait un 1 au moins. Ouais, ça je savais. Je l'ai même pas vu, mais. celui-là, je l'attendais beaucoup. Enfin, il m'attirait pas mal parce que, bah, pour resituer l'histoire, hein, donc ça se passe dans un monde. Toujours la même histoire, plutôt... là. Oui, il y a toujours l'idée de la purge. Alors, donc ça, je repose le contexte. Hein. Donc ça se passe en Amérique, dans un futur proche, dans lequel il y a une loi qui accorde une fois par an les crimes. Donc c'est la loi s'appelle la purge. Une fois par an, il y a ce qu'on appelle la purge annuelle qui autorise donc tous les crimes. Vous pouvez tuer n'importe qui, vous serez pas pénalisé. Et la police et les secours n'ont pas le droit d'intervenir. Donc c'est sauver votre peau et démerdez-vous. Et ça permet justement de diminuer la criminalité dans et du coup ça marche. Voilà. Donc dans le premier qui était très raté parce que justement je trouvais que l'idée de la purge disant que le crime est autorisé de nous montrer dans un huis clos, c'était totalement débile, parce que bah ça, y avait aucun impact politique, si je puis dire, derrière, ni en matière de suspense, parce que justement, quand on me dit que les crimes sont autorisés une fois par an, je pense que dans la rue, c'est un bordel sans nom, et c'est ça que je voulais voir. Donc, c'est ce qu'on a eu avec American Nightmare 2, que je trouve plutôt pas mal, d'accord, qui amorçait justement quelque chose de politique, parce qu'on voyait des riches qui en gros enlevé des pauvres pour les faire s'entretuer dans telle une arène de gladiateurs, vraiment. Donc ça c'était pas subtil, mais franchement je trouvais que c'est, et j'avais beaucoup d'espoir pour le 3 parce que le 3 s'appelle Élection, et là il est question d'une sénatrice qui est jouée par Elizabeth Mitchell, que tous les fans de Lost dont moi connaissent mieux sous le nom de Juliette. Mm-hmm. Elle joue le rôle de Juliette Burke dans Lost. Mm-hmm. Qui joue donc le rôle d'une sénatrice qui a survécu il y a quelques années à la purge. Donc sa famille s'est fait tuer, mais elle est survivante et elle lutte pour une campagne présidentielle. Et on va dire que le principal point de son programme, c'est de faire annuler la purge. D'accord. Elle veut abolir la purge parce que pour elle c'est pas utile, c'est juste un moyen pour l'État de s'en mettre plein les poches. En gros, c'est de faire le ménage parce que les pauvres coûtent très cher, les allocations, etc. Donc si les pauvres meurent, on donne moins d'argent. Et là, je trouve que le film touche à quelque chose d'assez intéressant et il m'a fait réfléchir quand même. Bon, après, c'est pas non plus le brûlot politique voilà, très profond, etc. Mais je trouve que par rapport au premier, parce qu'il part quand même de loin, je trouve que c'est une franchise. Alors, logiquement, c'est la fin. D'accord. Il y aura pas de 4. Ouais, mais enfin, avec bon, ce genre de film, on se méfie. Ils vont trouver le moyen de relancer le truc, tu vois. Mais je trouve que le film a quand même politiquement des idées intéressantes, comme cette idée de montrer des touristes, parce que les touristes du monde entier savent qu'il y a la purge, donc une fois par an, ils prennent l'avion, ils viennent juste pour tuer, puis ils repartent le lendemain, s'ils sont vivants. Non, mais je trouve ça plutôt intéressant, et je me suis dit, bon, si un jour ça devait arriver, ce truc-là, ouais, on en reparlera, on verra si le petit blondinet passe à la présidence. Petit blondinet qui passe à la présidence. Bah, on verra. Non, mais il en serait capable. Hein. Je pense que c'est son film de chevet, ça. Il est là. Il dit, oh, that's a great idea. I love that. Non, c'est aussi. Non, son film de chevet, c'est Zoolander. Pourquoi Parce qu'il a joué dedans. Et il a joué aussi dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Ouais, aussi. Ouais, bah, dis donc. Voilà. Dans le 2, non, c'est pas ouais. Oui, bah, c'est le Plaza, ouais, c'est, ça ouais, lui appartenait, c'est ça. Donc il a exigé d'avoir un caméo, une apparition dans le film pour donner. Voilà. Ouais. Donc le propos politique d'American Nightmare 3, je le trouve plutôt intéressant, bien traité. Voilà, à défaut de bousculer les débats, hein, c'est pas un film qui fait débat forcément. Mais je trouve que dans un contexte justement de survival, je trouve que c'est plutôt bien amené. Et justement par rapport au deuxième, ça renouvelle un peu le truc. C'est-à-dire que là, on adopte un point de vue politique et moins le point de vue humain. Mon fils s'est fait tuer, donc j'ai envie de me venger, blabla. Le 2, c'était un peu ça. Là, on part carrément vers voilà un combat politique. Et je trouve que ça sert plutôt bien le film. D'accord. Bon, qui peut-être à la fin tombe un peu dans le spectaculaire, c'est un peu dommage. C'est vrai. C'était pas nécessaire, j'aurais peut-être voulu qu'ils soient peut-être un peu plus dans la retenue. À la fin, ça part un peu dans tous les sens avec les fanatiques. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce personnage-là de sénatrice, elle, à la base, la purge, elle ne la fait pas. Là, cette année, pour montrer qu'elle n'a pas peur de la purge, elle va rester chez elle. Sauf que son adversaire politique va vouloir la faire tuer. Donc du coup, elle va être prise au piège, etc. Et du coup, je trouve que voilà, ça donne un survival plutôt pas mal, avec un petit propos politique qui est pas négligeable, parce que franchement, le premier American Nightmare, c'était pas possible du tout. Le deuxième, c'était mieux. Là, franchement, ils trouvent le ton juste. Donc, c'est moins pire. Et puis, en termes de divertissement, ça se regarde plutôt bien. Et c'est pas si con que ça. Donc, d'accord. Voilà, okay. Ça se regarde gentiment. Ok. Bon, bah on va passer à complètement autre chose. Comme des bêtes. Donc, je vais laisser la parole à Eddie parce qu'il a pu parler depuis le monde de Nemo. Le pauvre. Donc, vas-y, je t'en prie, tu peux commencer. Donc, comme des bêtes, quand ça a été annoncé, moi j'étais assez enthousiaste. Ouais. Parce que je me disais qu'au pire, sans être fan du studio qui, du coup, fait Moi moche et méchant, ouais. Et Les mignons, qui sont pas. C'est pas des films que je déteste, moi même si Les mignons est vraiment pas bien. Mais voilà, bon, je me disais que ça aurait pu être sympa et les premiers teasers étaient plutôt drôles. Sauf que finalement, en fait, après avoir vu le film, il aurait mieux valu que ça s'arrête ouais. au teaser. Le ouais. teaser, c'est les 5 premières minutes du film. En plus, voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai été assez déçu. Enfin, tous les premiers retours m'ont un peu refroidi. Et si bien que quand il a fallu aller le voir, moi, j'étais pas motivé, donc j'y suis pas allé. Et finalement, j'y suis allé ce week-end. On était avec des amis. C'est dimanche matin et nous on devait reprendre la route dans l'après-midi, donc voilà, bref, je vous raconte ma vie. Et on savait pas quoi faire qui nous occuperait juste le temps voilà, de la fin de matinée et puis avant de manger. Donc on a été au cinéma, donc j'ai été dans mon premier méga CGR. Ouais, ouais, alors c'est... Une demi-heure de pub, c'est horrible. Moi je suis pas habitué à ça, moi, dans ma petite campagne. C'est horrible, méga CGR c'est le pire. Et du coup, donc voilà, donc on a été voir ça, et je l'ai vu en 3D, ça ne sert à rien. Et j'ai trouvé le film vraiment... dispensable. Très dispensable. Pour être gentil. Voilà, pour être gentil. Alors, je dirais, bon, j'ai souri quand même à certains moments, parce qu'il y a des blagues assez drôles, notamment, enfin, il y a des personnages assez drôles, genre le chat, surtout le personnage du chat, je trouve. Qui est doublé par Florence Foresti. Bon, moi, j'ai un chat à la maison. Enfin, j'ai vraiment retrouvé mon chat. Enfin, les endroits improbables où elle se met dans des saladiers, dans des bols. Enfin, des trucs de chat, quoi. Et bon, de ce côté-là, le film capte assez bien, en fait, tous les personnalités, tous les tics des animaux. Voilà. Ça va. Mais alors après, c'est du sous Toy Story, quoi. Vraiment du sous Toy Story. Et le problème, c'est que ça fait du Toy Story avec des animaux, mais ça n'exploite jamais en fait le potentiel de Toy Story. Ouais, à aucun moment. Et c'est ça qui est dommage, parce que bon, déjà le film a un problème, c'est qu'il est moche. Et ça, c'est un studio qui a des années et des années de retard en termes d'animation. Franchement, on a vu la pub de Barbie, je sais plus quoi, avant au cinéma. Pour moi, c'est quasiment la même qualité. Hein. Et Eddie, il était là, ah, je veux le voir. Non, ouais, bah non, pas du tout. Non, l'animation là, qui passe. Ouais, et déjà, Barbie, ça a quasiment 15 ans de retard en termes d'animation. Alors, c'est sûr que quand t'as vu Zootopie en début d'année et que tu vois comme ça change, hein. Et tu vois le monde de Dory. Ouais, tu te dis d'accord. Et quand entre deux, tu vois le Mamoru Hosoda, là, le garçon et la bête, je veux dire que là. Ouais, je l'ai pas vu encore, faut que je le vois. Ouais, voilà. Et du coup. Donc, du coup, voilà, moi j'ai trouvé que c'était très très très faiblard. Que. Il y avait vraiment des personnages hyper chiants, enfin genre le lapin avec la VF de Willy Rovelli, mais c'était pas possible. Il est insupportable, quoi. Il crie tout le temps. Il fait du Willy Rovelli. Moi je l'avais pas reconnu la voix, tu sais, parce que je suis pas. Enfin, je l'ai déjà vu 2-3 fois, genre à la télé, ce mec, mais c'est tout. Et je savais que je le supportais pas. Mais quand j'ai vu que c'était lui qui faisait la voix, je me suis dit, tout s'explique, franchement. Donc du coup, voilà, enfin moi ce que je retiens surtout, c'est quoi, là ça reprend Toy Story, mais ça exploite pas le potentiel de Toy Story, donc en fait c'est un film qui oublie carrément que le divertissement et les thématiques, parfois ça peut faire bon ménage, et j'étais justement avec une amie qui l'avait déjà vu et qui avait adoré, et elle me fait, mais je comprends pas, que tu te dises qu'un film, faut forcément que ça t'apporte quelque chose, tu peux pas y aller juste pour te divertir. Je dis, mais si, j'ai envie d'aller me divertir. Oh, c'est rien de chiant ça, quand on entend ça. Ouais, donc, ça m'énerve, parce que toi tu passes pour le gros snob de base. Exactement. Mais c'est pas le problème. Moi le premier, je vais voir des films pour me divertir. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des films d'animation ne visent que ça. Ça vise plus que le divertissement, et au détriment d'un fond. De ce qu'il peut y avoir à côté. Et je suis désolé, on peut très bien allier le divertissement super drôle et tout avec des thématiques fortes et qui parlent aux enfants. Mais oui, mais c'est ça, l'animation là-bas, c'est ça. Hein. Enfin, dire, bah, si oui. Tu regardes les premiers Disney, Blanche-Neige, tout ça, et c'était des thématiques, quoi. Mais moi, je pense même à des films. Je pense à des films d'animation, genre Zootopie cette année. C'est vrai qu'il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture, donc c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais tu prends par exemple Les Mondes de Ralph, qui était qui avait quand même ce côté très divertissant avec les jeux vidéo et tout. Et derrière, il y avait quand même un vrai discours, et pourtant, voilà quoi, ça marchait bien. C'est comme même les nouveaux héros chez Disney qui est très qui va beaucoup dans le divertissement, qui va dans l'émotion, donc qui de base pourrait paraître très simple, et puis finalement il y a un super beau message sur le deuil derrière aussi. Et on demandait pas la lune des bêtes, mais moi juste un ou deux messages bien traités sur par exemple l'abandon des animaux, les choses comme ça, ça aurait suffi. Oui, complètement. Ça aurait suffi à rendre le film plus intéressant. Et là, la seule tentative qu'il y a de créer de l'émotion avec le personnage, c'est le truc de, que tu de vois. Duke, non, le chien, c'est le truc que tu vois. Mais tu le vois arriver parce que tu le sais. Enfin, c'est évident. Donc, c'est un film en fait qui joue trop sur la sécurité et qui sait que voilà, de toute façon, on va faire rire les gosses et ça va marcher et c'est tout. Ouais. Et c'est dommage parce que le problème, c'est que ça devient une grosse tendance et ça tue la créativité. Ouais, oui, complètement. Donc voilà. Mais de toute façon, sortir un film comme Les Mignons, déjà, c'était une preuve que la créativité était vraiment enfin, sur le déclin. Enfin, ce studio. Et Illumination Entertainment, de toute façon. Non, c'est. Enfin, voilà, c'est clairement le plus mauvais studio d'animation dernièrement. Ouais. Parce que je veux dire, DreamWorks, bon, ok, tous leurs films sont peut-être les pas trolls, forcément bons. Voilà, les trolls, ça a pas l'air terrible. Mais je veux dire, quand tu vois les dragons, bon, même le 2, je sais qu'il y en a qui ont moins aimé, mais le 2, non, quand mais, même, ça reste une suite honorable. Ouais. Mais même les Shrek ont plus de fond que ceux-là. Madagascar a plus de fond que Comme des bêtes. Complètement. Mais complètement. Donc, bon. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est... moi j'ai vraiment été. J'ai pas été déçu parce que finalement, j'en attendais plus rien quand j'ai été le voir. Mais j'ai été quand même assez atterré de voir qu'un film comme ça fonctionne à fond, quoi. Donc je suis content finalement qu'une suite comme Dory, qui est peut-être pas très audacieuse, fonctionne hyper bien au box-office. Mmh. Mieux que Comme des bêtes, justement. Ouais, c'est bien. C'est quand même rassurant un minimum, parce que... Et en plus, tu le sens venir... En plus, il te passe le mini-film là, sur les mignons juste avant pour attirer les gamins. Ah ouais, puis ils ont même changé le logo de Illumination Entertainment. Ça ressemble à un mignon, quoi. T'as un mignon qui débarque. Illumination machin, mais c'est... Tu sais, voilà, ouais, c'est bon, ils ont trop... Et limite, le mignon que tu vois dans le logo t'annonce que tu vas voir. C'est ça. Ils ont trouvé un truc qui capitalise dessus à fond. C'est juste... Surtout que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait un bon film. Là, je vois sur Wikipédia, moi, Moche et Méchant, bon, j'ai pas vu le premier, mais voilà. Hop, ça avait l'air horrible. Alors, Hop, c'est très, très, très mauvais. Ouais. Moi, je l'ai mis. Alors, à tel point que c'est un matin, quand je rentrais du boulot, je venais de faire ma nuit, du coup, je m'apprêtais à me coucher. Et souvent, je me mets un film sur Netflix, un truc qui demande pas trop de réflexion. Et j'ai mis Hop. Je me suis dit, ça a l'air pourri, donc je vais m'endormir devant, c'est pas grave. Et le problème, c'est que je m'endormais pas ce matin-là. Et je l'ai vu, mais alors. Mais j'en ai même pas fait de critique tellement, parce que je l'ai vu en 2-2, quoi. Mais c'est à chier, hein. Oui, c'est, non, mais et c'est moche. Tout ce qu'ils font, c'est vraiment moche. Vraiment, et... des années de retard. Le Lorax, ça avait l'air... Mais The Lorax, ça allait. Au niveau j'ai des thématiques, trop, c'est j'ai pas trop détesté. Mais mais Horton, tout ça, là, c'est... Horton, c'est sûr. Non, c'est pas eux. Non, Horton, c'est pas eux, ouais. Non. Mais je crois finalement celui que j'ai le moins détesté, c'est le. Enfin, bon, après les moches et méchants, j'aime bien. Il y a des trucs qui me font rire, mais oui, je pense que finalement, objectivement, d'accord. Le mieux, c'est peut-être le Lorax. ça donne donc voilà, niveau. Ça donne déjà le niveau du truc. Mais en fait, c'est un studio qui n'a aucune exigence en fait, hormis celle de rapporter du fric. Et Comme des bêtes à une suite prévue pour 2018. S'amuser. Voilà. Et tous en scène en fin d'année, je pense que ça va être horrible aussi. Oh là là. En plus, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais... Je pense que ça... Mais, voilà. Mais et oui, tous ils en ont scène, vu Zootopie, ils ont dit, carrément oh, purée, ça marche, qu'est-ce qu'on va faire, on va faire ça. Et quand tu vois l'allure où ils l'ont sorti... Ah, mais c'est industriel, c'est même pas... Mais tu sens le DVD du supermarché, quoi, c'est... c'est à ce niveau-là, quoi. C'est... Ouais, c'est ça. Mais vraiment, enfin, quand j'ai vu Comme des bêtes, j'ai cru voir un scénario de Beethoven 4 ou des trucs comme ça. Hein. C'est à ce niveau-là. Hein. Mais... C'est ça. Ouais, voilà. Et Beethoven, c'était mignon. Non, c'est vraiment des trucs direct ou DVD. Voilà, comme DVD, j'ai pas énormément de choses à dire parce que c'est... j'en attendais tellement rien. Et pourtant, j'ai quand même été atterré de voir ce film. Parce que, voilà, c'est mauvais. C'est, l'animation est vraiment pas terrible. L'histoire, on l'a vu 3000 fois et pas que sur Toy Story, sur plein d'autres films. C'est des scénarios qu'on nous a rabâché. Toy Story faisait très très bien ce scénario, mais là, le truc du, ben, du nouvel arrivant qui Non, puis même bah oui, Toy Story, non, mais... c'était un humour plus fin, oui, c'était voilà, plus, voilà. Enfin, puis même l'écriture, quoi, ouais. C'était à des années-lumière de Comme des Bêtes. C'était, il y avait même sans parler de l'ambition, c'est pas le problème qu'un film ait de l'ambition. Un film peut avoir justement pour seul but de divertir, mais c'est pas pour autant que ça doit être con de bout en bout. Voilà, Comme des Bêtes, c'est juste bête. C'est... ouais, mais vraiment, c'est vraiment le cas de le dire, degré, hein, pour quoi, le coup. En même temps, ouais, faut voilà, faire des critiques c'est ça. C'est ça, en fait, il y a tellement rien à dire qu'il faut bien trouver des choses à dire, mais voilà quoi. C'est la musique, je m'en souviens même pas, la réalisation, c'est bas de gamme. Enfin voilà. Morgan, si t'as quelque chose à rajouter. Je vais juste vous citer ma micro-critique, et j'en dirai pas plus. Le film se veut comme un nouveau Toy Story, mais contient la puissance narrative, l'humour et l'inventivité des mignons. Des mignons. Okay, mauvais et plat. Voilà. Ouais, c'est ça. Et il y a surtout la VF insupportable, ouais, pas que pour. Bon, c'est très personnel. Dorothée Pousseau. Elle fait qui? Je n'aime pas. Elle, ça me gêne pas. Je trouve que. Ah, bah, elle fait toutes les voix. Du petit. C'est la petite chienne toute blanche, là, c'est ça? C'était la sœur d'Alexandra Lamy qui faisait la voix. Mais Audrey Lamy, ouais, elles ont une voix. Ouais. Mais je préfère Dorothée Pousseau que. Non, mais elle a le même timbre de voix et du coup, je me suis dit que c'était. J'ai du mal avec sa voix. Non, ça me gêne pas parce que je trouve qu'elle a. Ça va, ça colle plutôt. Oui, bien, c'est juste personnel, il y a pas de. Voilà, je dis pas que c'est mauvais, mais. Non, c'est vrai que le casting. Vous dire Ovelis, c'est pas possible. Donc, Vanellope dans Les Mondes de Ralph, tu supportes pas, quoi. Ah ouais, non. Oh non. Mais ouais, Willy Rovelli, mais même Philippe Lachaud est pas bon dans le, ouais, dans le doublage du héros. Hein. Ouais. Voilà. Florence Foresti, j'ai trouvé que ça allait dans la VF du chat. Elle arrive bien à prendre le ton. Enfin, t'imagines bien un chat un peu avec cette voix-là, quoi. La voix du. Ouais, le chat, je m'en fous de tes problèmes, je t'écoute, c'est tout, quoi. Mais bon, et c'est vrai que ce personnage-là, ouais, c'est celui qui m'a le plus fait rire, je pense. Qui était le plus sympa, quoi. Le plus fun, c'était le chat obèse qui pense qu'à bouffer. Ça, c'était ouais. Mais déjà, oui, c'était la plus drôle dans la bande-annonce. En plus. Donc, bon. Et puis, ça se tenait... Vous savez, le petit trailer où on voyait au moment où les maîtres partaient, se tenait à un court-métrage, clairement. Mais c'est ça. Il n'y avait pas besoin de plus. Et ça aurait été très drôle. Moi c'est pour ça, le premier teaser qu'on a vu, mais je me suis dit, oh, ça peut être sympa. Et bah tout, oui, avec le chien. Et c'était drôle, le chien qui écoute du métal. Oui, voilà, ça, c'était marrant. Le petit Carlin qui se met sur son fauteuil et qui gueule à chaque fois qu'il voit un écureuil. Mais bon, il y a plein de... Ouais. Le Tekel qui se massait avec le robot de pâtisserie, ça c'est marrant aussi, mais c'est tout, ça aurait dû s'arrêter là, quoi. Après, quand ils nous ont ramené le lapin, l'alligator, la couleuvre, la vipère ou je sais plus quoi dans les égouts, mais c'est nul, quoi, ça sert à rien. Non, mais en plus, enfin, moi quand j'ai vu l'abandon, je me disais, comment ils vont faire un film entier avec ça? Quand au bout de 5 minutes ils avaient expédié tout ce qui était dans l'abandon, je me dis, mais qu'est-ce qui va rester? Et quand... quand on voit ce qui reste, et ben finalement. Il reste rien. C'est pas long, hein, ça dure une heure et demie, mais alors. C'était épouvantable. Hein. Bon, c'était épouvantable. Ah ouais, hein. Ouais. J'avais chaud en plus pendant le film. Oh là là. Et je remercie pas la personne qui m'a dit, mais vas-y, ça peut être marrant, parce que j'y ai dit, il s'appelle Jordan, il se reconnaîtra. Je fais, oh vas-y, ça peut être rigolo. Je fais, non, j'ai la flemme d'y aller. Il m'a dit, vas-y, tu vas peut-être aimer. Ah bah dis donc, je l'ai engueulé à la sortie, je vous dis. Oh, bon, bah, tu vas pouvoir passer un autre film que t'as pas aimé, Insaisissable 2. Voilà, encore une fois, mais c'est horrible. Mais tous les films que j'attendais cet été, il y en a pas un que j'ai aimé. Tous ceux que j'attendais, hein. Ceux que je n'attendais pas, c'est ceux que j'ai le plus aimé. Enfin, sauf un. Insaisissable 2, donc, qui n'est cette fois-ci pas réalisé par Louis Leterrier, et ça se sent. Parce qu'on a, beau dire ce qu'on veut, hein, de Louis Leterrier. Effectivement, là, c'est du comme. Le chien des titans? Non, non, mais non, non, même lui a désapprouvé le film. Hein. C'est pas son film, c'est pas. Non, c'est pas ouais. son fils, c'est pas en sa même bataille. Temps, Non, parce qu'ils ont carrément même. Il y a eu un gros désaccord avec les studios. Il paraît qu'ils ont imposé ils ont la 3D. Ils ont imposé Sam Worthington. Parce que Avatar succès marché. D'Avatar, ouais. Exactement, mm. voilà. Puis même quand t'as Sam Worthington dans un film, tu peux. Enfin, sauf Avatar. Mais bon. Donc, on peut dire ce qu'on veut hein, de Louis Leterrier. Et du premier, hein, c'est ça d'ailleurs. Hein, je sais qu'à l'époque, j'étais très seul dans ma hype. Je l'ai vu oui, six fois mais au cinéma. Enfin, toi, c'est que t'avais vraiment adoré. Moi, j'avais bien aimé. C'était ouais. sympa, mais de là à dire que c'était le film de l'été, non. Ouais. Il y avait Pacific Rim après. Voilà. Oui. Mais bon, même Pacific Rim. Bref. Oh là là. T'as pas à faire des amis, hein. Non, c'est... La clip de Capture Mag, ils sont là à tes trous. Non, mais j'aime bien Pacific Rim, mais c'est que je comprends pas la hype autour, quoi. Bah, disons que. Enfin, voilà. Je reviens sur Insaisissable. Disons qu'Insaisissable, je sais que c'était pas du divertissement très fin. C'était extrêmement grossier, mais oui, c'était efficace. Et même si beaucoup avaient cliqué sur le twist de fin en disant que c'était pas crédible, moi je trouvais que c'était dans le ton du film parce que voilà, c'était. Oui, c'était de la magie, pas version Le Prestige, et je comprends jamais. Non, mais c'est jamais. Ça, ça avait pas la prétention d'être du Nolan bah, ou du Fincher. Bah non, mais à chaque fois qu'on sort un film sur la magie, c'est oh, pas de prestige. Voilà, bon. C'est comme si qu'à chaque fois qu'on parle d'un film, d'un bateau qui s'échoue, c'est pas Titanic, c'est complètement con. Bon. C'est clair. Bon, j'avais un peu peur quand même par rapport au changement de réalisateur, même si Louis Leterrier est un faiseur, mais c'est vrai qu'il avait... Je sais même plus qui c'est le nouveau, là. Ouais. John M. Chu. Qui va s'occuper de la version asiatique hein. de Insaisissable, on en a parlé dans le dernier, pardon, cinéma. Ouais, il va faire, voilà. Et il a fait aussi, alors là, il dit, tiens-toi bien, ah oui, que oui, des chefs-d'œuvre. Donc il a réalisé, alors, on va dire, son mm-hmm. avant-dernier film, c'était G.I. Ouais. Joe 2. Mmh. Et ensuite, il a fait tous les documents. Voilà. Alors, il a fait Sexy Dance 2, ouais. Sexy Dance 3, des The Battle. Films. Et ensuite, ah oui, ah oui, puis le truc avec le truc sur ouais. Justin Bieber. Les deux aussi. Films. Les deux, il y en avait deux. Ouais, il y avait Never Say Never et Believe. Donc, voilà, on a. Voilà. Bon. Il y avait de quoi avoir peur. Et il a et signé il va pour faire le... Insaisissable 3. Exactement. Voilà, donc, moi je me faisais un plaisir de retrouver l'équipe au complet, enfin quasi au complet, puisque Isla Fisher n'est plus. Parce qu'elle était enceinte au moment du tournage du 2, donc ils l'ont remplacée par une certaine actrice dont je n'ai plus le nom, mais je vais retrouver. Lizzie Kaplan. Exactement, qui est insupportable au possible. Et avec des nouveaux comme Daniel Radcliffe, qui joue le rôle de Walter. Oui, il me semble s'appelle Walter dans le film. En gros, l'histoire va tourner autour de lui. Vont en gros travailler pour lui et bon c'est aucun spoil hein, vraiment on l'apprend très vite, c'est le fils de Michael Caine, celui qui a été volé dans le premier par l'équipe des quatre cavaliers. Donc en gros il y a une histoire de vengeance qui se trame et tout. Moi je trouve le film c'est une monumentale arnaque qui n'a rien compris à la, je vais dire, la mythologie du premier parce que le premier effectivement jouait sur c'était de la magie pas réaliste, c'était de la démesure, c'était du grand spectacle, du grand guignolesque, on va dire. Donc le twist de fin qui nous disait, tout le monde le sait, hein, que Mark Ruffalo était en gros le fils de Lionel Schreich, qu'il avait un peu orchestré un peu tout ça, et qu'il avait fait tout ça pour... Toi, tu l'as pas vu ? Bah, je m'en fiche. Hein. Oh mon Dieu, pardon. Oh, tu t'en fous, bon. Et il y avait une histoire de vengeance parce que Morgan Freeman a en gros, enfin voilà, donc c'était une histoire de vengeance, voilà. Bon, ça encore, bon, c'était gros parce que pendant tout le film, on voyait Mark Ruffalo courir après l'équipe parce que c'était un flic. Du coup, on comprenait pas pourquoi il arrivait. Bon, mais peu importe, ça marchait. Mais là, le film, c'est une accumulation, c'est des twists, encore des twists, que des twists, toujours des twists. Il n'y a que, mais vraiment, ce n'est que ça. Et c'est surtout que le film, à chaque fois, te dit. Tout ce que tu vois, c'est faux. Bon, tout ce que tu vas voir dans le film, c'est faux. Donc, ne crois pas à ce que tu vois, puisque au bout d'un moment, on va te dire, bah non, en fait, tu croyais que c'était ça, mais ça marchait super bien dans le premier, parce que c'était un peu plus fin. Que là, tout ce qu'on voit, mais vraiment tout, il n'y a rien de vrai. C'est des acteurs, il y a des caméras et tout. On a un... non, c'est pas The Game, hein. Non, mais c'est par rapport aux intentions des personnages et tout. Alors, il y a un truc, effectivement, qui m'a surpris, qui est le twist, le tout dernier twist de fin. Il y a quand même 20 000 twists. Ouais. Donc, le 19 999, le tout dernier, quand il arrive, il est surprenant. Bref. Mais il détruit clairement le premier film. C'est-à-dire que c'est un film qui s'en fout de sa propre cohérence, mais qui s'en fout totalement de la cohérence qu'il a avec le film d'avant. C'est-à-dire qu'il détruit vraiment tout ce que Louis Leterrier avait construit. Donc le scénario est totalement con, parce qu'il accumule, voilà, c'est surprise et surprise, au bout d'un moment, ça, c'est fade. Parce que comme on est habitué, et comme on sait d'avance que tout ce qu'on voit est faux, et que forcément, au bout d'un moment, on va nous dire que, bah, en fait, c'était ça, au lieu de ça, et du tout, bah, du coup, bah, on s'ennuie, quoi. Enfin, moi, personnellement, je me suis fait chier. Je trouve les acteurs, je trouve que les acteurs cachetonnent énormément. On sent, il n'y a aucune motivation nulle part, quoi. Jesse Eisenberg est pas mal. Daniel Radcliffe, bon, il fait ce qu'il peut, même si c'est... C'est pas un bon acteur, je trouve, en fait, ce mec-là. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bah, moi, pas... je le trouve bien que dans les Harry Potter, en fait. Bah oui, je le trouve pas très bon, en fait. Puis même, les clins d'œil Harry Potter, ça va, quoi. Bon, le côté méta, c'est un peu lourdingue, parce qu'il en fait pas mal dans le film. Mais c'est une suite inutile, quoi, qui aurait pu être beaucoup mieux si elle avait été... Ok, c'est du popcorn movie, c'est fait par un faiseur, il n'y a pas de problème. Le premier, ça allait être tout autant... Mais putain, le premier, c'est sobre à côté. Hein. Le premier, clairement, c'est Nolan. Hein. Quand vous voyez ce qu'il y a dans le 2, mais le scénario est tellement improbable, tellement con, que même si c'est du divertissement, comme l'ami l'a dit, mais ça ne prend pas du tout. C'est même pas spectaculaire, quoi. Le premier, ça l'était. Là, ça l'est pas. Là, c'est con, improbable. Et même, voilà, le twist fin qui est complètement autant improbable et qui chie totalement sur le premier. Ça a aucune cohérence et c'est du foutraque au plus loin. Ok, Berk, total. Nickel. En parlant de Berk total, non, je rigole. Ah oui, oui, oui. On va parler de Suicide Squad. Par contre, comme Morgan et moi-même n'avons pas aimé le film, et que tout le monde a l'air de pas avoir aimé le film, sauf quelques personnes, on va laisser Eddie parler, ouais. Parce qu'au moins on va entendre quelque chose de positif à propos de ce film. Ah oui, mais alors attention, oui, c'est pas mon film, enfin voilà, je ne l'encense pas, hein, mais non, mais en fait, je suis un peu surpris, parce que oui, c'est pas fameux, mais bon, je suis un peu surpris par tout ce qui en ressort, quoi. En fait, c'est un film qui est très, c'est un film qui a des gros problèmes, mais je trouve qu'il y a des éléments qui sont cool, en fait. Et je le vois plus comme ça, je le vois plus en fait comme un film cool que comme qu'autre chose. Bon après, et j'ai pas l'impression en fait, enfin, ce qui me gêne pas, c'est en fait j'ai pas l'impression qu'il ait une grosse incidence de toute façon sur le DC Universe. Pour le moment, bah j'ai pas l'impression, donc bah, bon. Bah c'est sa démarche, hein. Bah oui, comme ça se passe après Batman vs Superman, il colle, enfin il se raccroche à l'univers, quoi. Oui, mais bon, il est pas. Oui, mais bon, j'ai pas l'impression que voilà, ça chamboule trop d'éléments dans ce qui s'est mis en place avec les deux autres films avant. Ouais. Bon. Donc voilà, moi j'ai trouvé que ça assumait assez bien le côté second degré, donc ça passe. Mais après, oui, c'est carrément du grand n'importe quoi. C'est pas très original. Moi, j'ai trouvé que c'était assez fun, qu'il y avait des personnages plutôt cool. Après, moi, j'aime bien Harley Quinn. Bon, je sais que les gens ne vont pas être d'accord. C'est un personnage qui m'a vraiment fait rire, que j'ai trouvé bien. Sinon, voilà quoi. Après, ça vaut ce que ça vaut. Mais je trouve qu'en fait, le film en lui-même, c'est pas forcément les personnages. Bon, même si le Joker et de Jared Leto n'est pas bon du tout. Mais voilà, moi, c'est ce qui me fait peur. Ça, c'est clair. Cara Delevingne est très très mauvaise en méchante. De toute façon, la méchante du film est assez pitoyable. Et en fait, le film, ce qui me gêne, c'est surtout que il a mon. Enfin, quand le problème, c'est que j'ai revu l'Ultimate Edition de Batman v Superman avant, et en fait, on se rend compte que le film avait beaucoup d'ambition. Quoi, lequel, le Batman? Bon, on le savait déjà, ouais. La version ciné. Ouais, Batman v Superman. Et en fait, le problème, c'est que Suicide Squad n'en a quasiment pas. Et du coup, il est trop mince par rapport aux deux autres. Et moi, je m'attendais à ce que ça mette pas mal de choses en place et tout. Et en fait, non, c'est juste un film d'action avec des personnages assez comment dire, pas marquants, mais assez significatifs, en gros. Et du coup, ça s'arrête là, quoi. Et c'est très classique dans ce que ça raconte et dans ce que ça met en place. Donc c'est pour ça que le film, bon, au pire, oui, il est pas terrible, mais est-ce qu'il va vraiment avoir une incidence sur le reste du DC Universe, je sais pas. Moi j'ai peur pour Joker. Bah, c'est surtout le Joker qui, bon, à la limite, pourrait faire chier. Après, le traitement du personnage du Joker ne me gêne pas trop. C'est vraiment l'interprétation de Jared Leto qui me plaît pas. Oh, ça va. Moi, je trouve qu'il est pas bon du tout en Joker. J'adore les commentaires d'Alice derrière. Ouais, je suis d'accord. En y repensant, je suis mais encore attiré. Voilà. Bon, après, moi, quand je suis sorti de la salle, je me suis dit, j'espère qu'il y aura une version longue, parce que là, pour le moment, c'est quand même très, très mince. Et en fait, il n'y aura pas de version longue. Donc ça me fait un peu chier, parce que du coup, on va quand même rester avec un film très, très, très moyen. Voilà. Ok. Mais c'est vrai que j'ai été généreux avec ma note, j'ai mis 7, mais je baisse ma note à 6, parce qu'en finalement, en y repensant, c'est quand même pas... pas terrible. Tu vois ? Mais c'est pas fameux. Mais après, c'est pas un film que je déteste, quoi. Pour moi, ça a pas déclenché chez moi des réactions... Je suis pas ressorti aussi dégoûté que quand j'ai vu Batman v Superman. D'accord. Ah ouais ? Voilà. Ça a pas déclenché ces réactions-là. C'est pour ça que je le déteste pas, puis j'ai pas passé un mauvais moment, en fait. Voilà, et du coup, Harley Quinn, oui, moi, m'a vraiment fait rire. C'est comme ça que je m'imaginais ce personnage. Ce côté un peu fou, double personnalité, enfin, complètement dingue, quoi. Et pour moi, c'est pas juste la minette qui est là pour faire plaisir aux beaux yeux des mecs, quoi. Enfin, ça va un peu plus loin que ça, quand même, heureusement. Moi aussi, je pense. Bah, moi, je trouve pas. Je pense qu'il y avait d'autres manières de montrer ce personnage, quand même, que... Je pense que tu peux rendre un personnage sexy, il y a aucun problème, hein, je vais pas faire. Mais je la trouve pas sexy, hein, je la trouve folle, quoi. Le côté fofolle, affriolante. Après, il y a plus subtil, c'est-à-dire que moi, je trouve que pour moi, le gros défaut du film, c'est elle. Hein. Enfin, elle fait partie des gros défauts. Et il y a une telle hype qui me dépasse autour de ce personnage parce que je le trouve écrit, mais avec les pieds. C'est-à-dire que je la trouve extrêmement fonctionnelle de base. Après, ça me dérange pas. Hein. Après, si je peux juste terminer mon avis. Moi, j'ai carrément plus apprécié. Enfin, j'ai eu dans Suicide Squad en fait ce que je m'attendais un peu à retrouver dans le côté complètement barge du truc. Enfin, sans le truc très transgressif parce qu'on sent que c'est quand même plus grand public. Mais le côté complètement barge Deadpool, que j'ai pas eu par exemple dans Deadpool, quoi. Mais tu t'es pas dit Et je préfère revoir Suicide Squad plein de fois, quoi. Moi, Deadpool, je trouvais que c'était... Mais voilà. Justement, Eddie, tu t'es pas dit que, sans comparer, j'aime pas comparer à Marvel, mais tu t'es pas dit qu'ils essayaient quand même, malgré tout, de faire leur Gardien de la Galaxie à eux, et que du coup, qu'il y avait... Le seul truc qui aurait pu me faire penser à ça, c'est le choix des musiques. Ouais, oui, bah, voilà. Non, mais oui, mais même c'est les juste personnages... ça. Sinon, après, non, le non côté parce cool. que... Le côté cool. Ouais, mais parce que là, le seul truc, c'est que là, c'est censé vraiment être des méchants, et finalement, ils sont pas si méchants que ça. Mais dans le Gardien de la Galaxie, c'est des marginaux, c'est pas forcément des méchants. Ouais, ils ont leur casier judiciaire, mais c'est pas. Mais c'est pas des tueurs, c'est pas des. Je veux dire, ils sont pas, enfin, bon, ils sont des voleurs. En prison, et tout, ils voilà. sont, ouais, c'est ça. C'est pas des criminels, quoi. Exactement. Ouais. C'est pour ça. Ça reste que... des personnages qui sont pas très, enfin, humainement, ils sont pas non plus, ils sont pas tout blancs, quoi. Je veux dire, dans les Gardiens. Mais c'est vrai que dans celui-là, ils sont censés être très méchants. Ouais, mais je veux dire, ils sont pas animés par un désir de faire le mal. Voilà, c'est ça. Bah non, contrairement à ces personnages-là, quoi. C'est vrai que bon, le défaut du film, c'est sûrement ça aussi. Hein, c'est que finalement, c'est des méchants qui sont pas si méchants que ça. Ouais. Bah, c'est des gentils, hein. Ouais, complètement. C'est le problème, quoi. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter justement au fait que tout le monde est forcément gentil ou forcément méchant ? Je pense pas, le film n'est pas assez subtil pour évoquer des messages comme ça, enfin, en tout cas, c'est pas l'impression qu'il donne. Et de toute façon, voilà, enfin, on aura beau me dire que DC Universe essaie de s'écarter de toute forme de manichéisme, je suis désolé, il y en a un peu, quoi. Ah oui. Et pour moi, ces personnages-là devait quand même être plus méchant, enfin devait paraître plus méchant que ça, quoi. C'est bon, dit comme ça, c'est ça paraît bête, mais à la VF là, mais attention, ce sont des super vilains. Ouais, voilà, bon. Ouais, mais, des moments comme ça, mais quand j'entendais ça, et après je pense que ce qui m'a vraiment gêné, c'est ça, c'est que du coup c'est très très simple en fait en termes de thématique et de scénario, c'est vraiment archi basique. Et je m'attendais à un truc un peu plus fourni, mais surtout après avoir vu Batman v Superman, quoi. Mais oui. Il n'y a pas de sous-intrigue, il n'y a rien. Là, pour le coup, autant Batman v Superman, il y avait trop de trucs, j'ai pas compris au début. Alors là, mais pour la le version coup, celui-là, il n'y a pas assez de trucs. La version ouais. Ultimate, c'est vrai qu'elle... Elle, ah bah elle change le film. Elle clarifie les choses, mais... Ah, ah oui, oui, oui. Vraiment. Et du coup, c'est vrai que le film... Et j'étais, et du coup, mon ami qui l'a vu avec moi, et ben pareil, elle avait été déçue comme moi en sortant de Batman v Superman. Et quand on a été voir Suicide Squad... Elle a j'ai vu fait, donc t'as vu Batman v Superman, elle fait, oui, elle fait, j'ai vu la version longue, et du coup, là, j'étais à fond dedans, j'ai vraiment, oui. Bah, oui, voilà, ça change tout. D'ailleurs, ça me fait penser à, bon, non, je crois pas que ce soit DC, si, si. Watchmen, c'est pas DC, c'est, ouais. Si, si. C'est DC, ouais. Parce que je vais revoir ce film-là, parce que justement, le fait, ce Watchmen, c'est vraiment, il y a vraiment des méchants dedans. Il ouais. y a des super-héros qui sont vraiment très méchants. Et je vais retenter, parce que je l'ai vu à sa sortie en streaming, vous voyez, et j'ai téléchargé la, non, j'ai acheté, pardon, la version Director's Cut. D'ailleurs, j'ai l'impression que DC, mais c'est les pros, hein. Ils coupent toujours une demi-heure de film et, ouais. Et ça devient un peu pénible, je trouve. Et par contre, en sortant, c'est ce que je me suis dit. Hein. Je me suis dit, bon, moi, c'est terminé, je ne vais plus voir de DC au cinéma, j'attends directement qu'ils sortent en version. Mais oui, c'est frustrant. À tout couper comme ils font. Mais je ne sais pas si 30 minutes de plus de Suicide Squad ouais. sauverait le film, hein, franchement. Exactement. Je sais pas, mais en fait, en sortant de la salle, je me suis dit, bah, il faudrait parce que finalement, il n'y a quand même pas grand-chose. Mais finalement. Il y a ouais. je pense pas que le film ait cette volonté voilà, de raconter qu'est-ce plus, qu'il pourrait raconter de toute façon. Plus, donc autant bon. sur Batman ça se sentait parce que nous-mêmes on disait que Batman versus Superman c'était il y avait quelque chose qui mais il y avait des détails qui étaient trop flous et que c'était voilà on sentait qu'il y avait de l'ambition derrière et qu'il y avait le d'ailleurs que là il oui, y a là, on a non, pas cette perception là ouais. Ouais, bon, clairement je l'ai pas moi. Ouais. Bon Morgane tu commences. Oui bon je j'ai jamais trop. Alors, la première bande-annonce qui était sortie l'année dernière, honnêtement, j'étais assez confiant. Mais plus le temps passait, plus je voyais les affiches, plus je me suis dit non, on va avoir le truc aussi violent que, enfin, même au niveau des super-héros. Tu l'as dit, Eddie, ils sont pas méchants. Enfin, pas super-héros, mais des super-héros, ils sont pas méchants. Ils sont inoffensifs. Et moi, je trouve que c'est même pas une question de prendre, de dire oui, en fait, tout le monde est gentil, machin, tout le monde est pas si méchant. Non, non, c'est qu'ils ont pas eu les couilles, clairement. D'aller au bout parce que autant Batman versus Superman on en pense ce qu'on veut hein mais au moins je trouve que c'était le film qui tranchait qui était très radical parce qu'il te présentait quelque chose de très sombre qui était cohérent dans l'univers avec des personnages effectivement torturés avec son rythme avec ses thématiques avec ses moments de il y a des scènes assez marquantes dans leur noirceur. Je dis pas que j'attendais de la noirceur pure façon Snyder dans celui-là mais j'attendais vraiment pour surtout quelque après, chose après moi je trouve que bon le film bon c'est pas Deadpool c'est pas ça a pas ce côté transgressif mais ça a pas peur d'être vulgaire non plus ouais. Bah alors pour moi parce c'est parce que finalement Harley Quinn je la vois plus vulgaire que sexy c'est moi je la vois pas comme un personnage sexy finalement bah, c'est l'archétype de la dingue et je la trouve pour moi elle est vulgaire elle est pas censée être affriolante quoi bah quand je vois un peu les photos, parce que c'est vrai que sur mon mur Facebook, sur mon fil d'actualité, voilà, la plupart des photos, c'est quoi? C'est on la voit dans sa petite mini, enfin dans sa petite, en petite tenue, avec. Puis même, je veux dire, c'est pas. Je vais pas attaquer le film sur sa supposée misogynie. Moi, j'ai été choqué par ce personnage-là, parce que je trouve que faire des personnages, voilà, des personnages féminins comme ça, pour moi, c'est totalement abject. C'est-à-dire qu'on peut en faire, on peut jouer du côté sexy d'un personnage féminin, il n'y a aucun problème. Bon, je veux pas comparer, mais j'ai revu. Bah, surtout quand c'est censé être l'essence même du personnage. Mais oui. Et moi, quand j'ai vu, avant de voir le film, je me suis dit, ça va être une faux folle qui va vulgairement montrer son cul. En effet, bon, il joue bien sur le côté faux folle. Bon, c'est vrai que les plans à répétition assez insistants sur des parties physiques, moi, au bout d'un moment, bah ça bon, me saoule. Alors ça, par contre, ils font pareil avec Black Widow chez Marvel. Ouais. Mais je trouve qu'ils en font, ils s'en servent de ce personnage-là parce qu'elle a quand même, enfin, il la développe. Elle est pas réduite à ça ou même chez DC par exemple. Mais on en revient au même problème, c'est que Black Widow, bon, elle a pas eu son film solo, mais elle est là depuis combien c'est son sixième film peut-être quasi. Iron Man 2, je crois. Donc du coup, voilà, là c'est des personnes, c'est le problème de Warner, c'est qu'ils peuvent pas, faut qu'ils développent ces personnages comme ça sur le fait en pleine action. Donc c'est en même temps, je pense qu'il y a vraiment. C'est pas le film en lui-même, je pense, qui est mauvais. C'est vraiment toute la prod derrière qui gêne. Il y a des gros soucis, je pense, de communication entre les producteurs et les metteurs en scène. Et David, d'ailleurs, bon, ok, il a pas fait un travail exceptionnel, mais je pense pas que ça ne vienne que de lui, hein. Sincèrement. Non, c'est sûr. Mais après, je pense que sur Harley Quinn, et je suis content pour lui, il s'est rincé l'œil. Je pense que le but était aussi ça aussi. Mais c'est vrai, quand je vois sur mon mur Facebook les photos partagées d'elle, effectivement, je pense qu'on aime le personnage plus pour ses qualités plastiques que ses qualités, on va dire, d'écriture. Parce qu'à aucun moment, enfin, je veux dire, le film, à aucun moment, il la développe, quoi. Moi, franchement, si j'apprécie le personnage, c'est pour des petites répliques comme oui, voilà. La scène dans l'avion où elle rencontre Katana, tout ça, quoi. Elle a l'air gentille et tout, bon, ça m'a fait rire. Voilà, c'est ce genre de trucs, moi, qui m'ont plu. Et c'est ce que je voulais voir de ce personnage-là. Après, bon. Bah, moi, j'en aurais voulu un peu plus quand même. Alors, je sais que je l'avais dit sur un débat Facebook qui avait fait un peu. Voilà, j'avais parlé de Catwoman. Ouais. Quand je vois justement la Catwoman de Tim Burton qui est sexy, diabolique, méchante, enfin, elle a tout. Et à aucun moment. Mais justement, la rabaisse, Catwoman, est-ce qu'elle est censée être si méchante que ça, normalement? Ah, elle se vend. C'est pas une vilaine, normalement, c'est pas... Elle est plus à son propre compte, elle est très... mais c'est pas non plus... Exactement. C'est ça. Mais elle se sert du pingouin qui est le méchant pour pouvoir se venger, enfin... Mais ça reste quand même une méchante, parce que elle vole des trucs, enfin voilà, c'est pas... Mais en même temps, elle a un côté espiègle, un côté très... on peut pas trop la cerner, on peut pas lui faire confiance, et je trouvais que même quand on voit sa tenue, enfin, surtout Michelle Pfeiffer à l'époque, enfin... Quand j'ai revu Batman le défi, je me suis dit, mais voilà, c'est comme ça qu'il fallait filmer Harley Quinn, il fallait l'iconiser, et il fallait pas la rendre juste comme une bête de foire, là. Puis surtout, enfin, il y avait, je sais plus qui a dit ça, je crois que c'était, c'est le réalisateur qui avait dit, ce film fait avancer la cause féministe. Mais non, c'est pas en lui faisant lécher des barreaux face caméra que tu fais avancer la cause féministe, je suis désolé. Au bout d'un moment, faut être cohérent. Mais après, je vais pas attaquer le film là-dessus, moi c'est dans ses intentions, je trouve pas très... Par exemple, tu disais que tu sais pas s'il suit, s'il s'inscrit bien dans l'univers. Oui, pour moi, c'est sa démarche. Pour moi, il cherche à le faire. Mais quand je vois, par exemple, quand je vois Batman versus Superman et quand je vois celui-là, à aucun moment je me suis dit c'est le même univers. Ouais. Ça me paraît impossible que Batman et Superman vivent dans le même monde que cela. Enfin, que les Suicide Squad. À aucun moment je me suis dit que c'était possible. Du coup, il y a une espèce d'incohérence dans l'univers même qui, moi, personnellement, me fait peur pour la suite. Parce que si en deux films, ils n'arrivent pas à joindre les trucs... Parce que, bon, je sais que c'est une mode à chaque fois qu'un film DC sort, c'est de taper sur Marvel. Marvel, pour moi, ils sont cohérents. Même les Gardiens de la Galaxie, ils sont à des années-lumière de Tony Stark. Après, mais je sais qu'ils sont dans le même truc, tu vois. Ça, c'est ce que tout le monde fait, mais il n'y a pas lieu de... Il n'y a pas lieu. Moi, c'est la seule vrai. Chose que je compare entre DC et Marvel, c'est justement la production derrière. Oui, on sait que DC c'est censé être plus sombre. Bon, ils essayent, ça marche ou ça marche pas, mais ils essayent. Mais après, je compare vraiment, c'est que DC est en retard par rapport à Marvel. C'est tout. Mais ils cherchent à rattraper la mécanique. C'est hein. ça. Ils cherchent. Mais ça paraît logique de toute façon. Oui. Et d'ailleurs, même pour Man of Steel 2, enfin, en plus, ça va même pas être Zack Snyder, il paraît que J.J. Abrams peut être sur le truc, enfin, je sais pas comment ils vont orchestrer ça, ou Doug Liman, je sais plus. J'ai un souci même avec la cohérence du truc, et c'est vrai que moi, un groupe de super vilains, quand on les présente comme des êtres inoffensifs, qui passent leur temps à se faire des blagues, au bout d'un moment, ça me saoule, parce que c'est vrai que je paye pas ma place pour ça, moi, j'ai l'impression qu'on m'a menti sur la marchandise. J'ai pas l'impression que ce soit. Alors, j'ai pas lu les comics ni vu. Enfin, voilà, la série, tout ça. Harley Quinn, à la base, elle vient pas du comics, elle vient de la série télé Batman, donc. Oui, voilà, elle vient du. Voilà, c'est ce qui me semblait. Mais, je me suis dit, on m'a menti, on m'a pas vendu le film. Parce que moi, je pense qu'il y a eu des rajouts. Je pense qu'il y a eu des rajouts, c'est sûr, c'est pas qu'une rumeur. Et je pense que c'est les retours sur le côté trop sérieux de Batman versus Superman. Qui ont fait que la Warner a flippé et qui se sont dit, bon, bah tant pis, on va rendre tout ça cool. Il n'y avait pas besoin. Moi, je pense que. Non, mais en même temps, s'ils changent de plan à chaque fois qu'ils reçoivent une critique négative. Mais après, c'est que je pense qu'ils investissent tellement dans ces films-là qu'ils ne peuvent pas non plus se permettre. Oui, d'accord, mais bon, au bout d'un moment, il faut être cohérent. Là, c'est vraiment pas. Enfin, comme tu l'as dit, Morgane, moi, j'ai pas vu le même univers. Là, j'ai vu. J'ai vu un truc à part. Un alors de rigolo. Voilà, un monde de rigolo, alors qu'on voit Batman dans le film, donc c'est dans le même univers. Et Batman est ridicule dans le film, alors. Ouais. Enfin, là vous abusez, enfin ridicule, on le voit, il a pas de réplique, on le voit de dos, enfin c'est rien. Je le trouve très inoffensif dans ce, même si c'est pas le. Non, c'est pas on s'en fiche de Batman, c'est pas. Voilà, c'est ça. Mais je vois pas, enfin je vois pas ce qu'il peut avoir de ridicule. Non, mais dans la scène à la toute fin. Hein? Ah, t'es pas resté jusqu'à la fin? Ah ben non, par contre. Ah, il y a une scène post-générique. Une scène post-générique avec Batman un peu plus longue, enfin avec Bruce Wayne plutôt. Que je trouve ridicule, mais bon. Et j'ai un problème avec les personnages, voilà, je les trouve nuls. Après, sur les interprétations, j'ai pas vraiment de problème. Je trouve Jared Leto plutôt bon. Ah bon? Bon, après, le. Ouais, son apparition est assez limitée. Mais bon, il fait du Jared Leto. Bon, ça, autant des fois ça peut m'agacer, là je trouve que ça passe. Margot mais ça, quand ils disent qu'il aurait fallu plus de Jared Leto, moi je suis déjà, je trouve qu'on le voit trop, donc. En même temps, je pense qu'ils avaient pas le choix que. Je pense que ça a frustré. Ils avaient pas le choix que de vendre le film sur son image. Parce que le Joker est une figure connue, surtout grâce à Heath Ledger, hein, on va être honnête. Celui qui a fait que le Joker est devenu un personnage très populaire et aimé de tous, c'est Heath Ledger, quoi. Parce que même Nicholson, moi je me souviens qu'à l'époque où Heath Ledger avait été annoncé pour le rôle, il se faisait démonter, hein. Et quand tout le monde a vu The Dark Knight, tout le monde s'est mis d'accord. Donc je pense que c'était d'un point de vue marketing, et à la limite, ça je peux pas trop leur en vouloir, mais c'est vrai qu'ils ont trop promis de Joker, et au final, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, encore une fois, il paraît qu'il y a des coupes au montage. Moi, je pense que les coupes au montage ne vont pas arranger le film du tout. Non, le film, il est. Je voulais un truc effectivement beaucoup plus sérieux. On m'a vendu un espèce de truc cool avec un humour de cours de récré avec des personnages totalement cons. Et au final, le seul personnage que j'ai aimé, c'est celui de Viola Davis. C'est vraiment le personnage le plus intéressant. Mais alors le reste, voilà. Ouais. C'est la seule vraiment méchante dans le film, quoi. Puis les musiques, étaler une playlist comme ça, ça n'a aucun intérêt. C'est juste pour rendre le truc cool. Bah, allez, on met du Eminem, on met du Queen. Allez, hop. Ok, voilà, lâchez-vous. Ouais. Bref, non, je suis resté à côté et je comprends les mauvaises critiques. On doit là en faire la plus grosse dope de tous les temps, je dis pas. Mais en tout cas, c'est un des plus mauvais films de l'été, mais de loin. Ouais. Je veux juste dire quelque chose parce que on tape pas dessus juste parce que tout le monde le fait, hein, c'est pas voilà, parce que parce qu'il dit le défend. C'est limité quand même, ouais. Non mais enfin voilà quoi, c'est pas non plus pour parce que tout le monde le fait qu'on fait, enfin moi personnellement j'ai passé un très mauvais moment devant ce film, et enfin je le dis quoi, pour moi il y a juste deux points positifs, même si pour moi la soundtrack est vraiment bien, même si ça n'a aucun sens, mais au moins c'était cool d'écouter de la bonne musique durant le film, c'est tout. Enfin voilà, même si ils ont un peu charcuté Eminem durant le morceau, mais c'est pas voilà. Il y a de très bons morceaux, et pour moi le deuxième point positif, c'est les scènes qui sont mais parfois tellement nanardes et stupides. Il fallait vraiment que je m'empêche de rigoler toutes mes forces durant les scènes sérieuses. Hein. Parce que le final où Will Smith il lance la grenade, j'avais l'impression de voir un Michael Bay, quoi. Mais vraiment, et toutes les expressions physiques qu'il fait au ralenti là, c'est juste insupportable. Mais j'avais envie de rigoler, quoi. Mais c'est du pathos en plus, ça a aucun intérêt. Toute l'histoire avec sa fille là, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais Will Smith en fait il joue le rôle de Will Smith, quoi. Il a pas vraiment de. Il joue pas le rôle de. Je me souviens même plus de son personnage. Deadshot, voilà. Il joue pas vraiment le rôle de Deadshot, quoi. Il joue le rôle du père qui veut retrouver sa fille, quoi. On l'a déjà vu 3000 fois dans 3000 films, c'est bon. Pour moi, tout le reste est vraiment mauvais. Les personnages sont pas crédibles, voire risibles. Le Joker, c'est une parodie sortie d'un fan film, quoi. Enfin, vraiment, l'interprétation de Jared Leto, bon, au niveau du costume, ça va, c'est pas non plus. C'est pas le pire, on a vu bien pire, mais voilà quoi, Jared Leto, il est insupportable, même pendant les quelques minutes qu'on le voit à l'écran, quoi. Cara Delevingne est juste insupportable en méchante, c'est. À chaque fois qu'elle dit ensorceleuse, là, ou je sais plus quoi, c'est. C'est ridicule, mais c'est. En VF, vraiment... elle a la voix de Marianne Jett. Ouais, non, mais c'est vraiment ridicule, quoi. En plus, pendant la scène finale, là, elle danse alors que tout le monde se fait tuer autour. Son frère, il est en train de se battre, elle est en train de danser, là, pour invoquer je sais pas quoi. Enfin, voilà, mais c'est d'un ridicule, pas possible. Les enjeux, il y en a aucun, j'en ai pas trouvé. Enfin, la réalisation, hein. Elle est confuse pendant les scènes d'action, à la limite du ridicule. Il y a un plan joli dans tout le film, et on l'avait vu dans la bande-annonce, c'est quand Harley Quinn se retrouve dans le truc d'acide là et que Joker la soulève. J'ai trouvé ce plan plutôt joli, mais c'est vraiment un des seuls plans que j'ai trouvé assez beau du film. Et donc pour moi déjà Harley Quinn qui est moi je suivais la série pas spécialement non plus, mais quand j'étais petit, et Harley Quinn ça a toujours été un amour unilatéral avec le Joker. Le Joker ne l'aimait pas. Et, ah oui. Ouais, et c'est ça qui rend le personnage intéressant, parce qu'elle est désespérée, elle ferait tout pour que le Joker l'aime, alors que là ils sont mariés, enfin voilà, c'est le Joker c'est un pimp, il va dans des boîtes de nuit, enfin voilà, c'est vraiment des trucs, et quand j'ai vu ça j'ai trouvé ça ridicule et risible, voilà, j'avais l'impression de voir une parodie en fait d'un film, et pas vraiment le film, j'ai cru que je m'étais trompé de salle quoi. Voilà, j'ai vraiment passé un très mauvais moment devant ce film, et en plus la 3D est dégueulasse. J'ai été obligé de le voir en 3D et c'est horrible. C'est mal fait, c'est parfois il y a la moitié d'un visage qui part derrière, on sait pas pourquoi. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça. Oh. Voilà. Après toute cette joie sur ce film, on va passer à autre chose. On va passer à Ghostbuster. Et là je vais être le seul encore à faire mon vieux con. Donc je vais peut-être laisser parler Morgane, Ghostbuster. Non, moi ça va être rapide. Juste pour dire que je ne sens pas l'acharnement qui subit ce film avant qu'il sorte, même si je pense que c'est d'un point de vue purement nostalgique, parce que effectivement c'est un remake, reboot, tout ça, donc on touche pas au film original. Misogyne aussi. Misogyne. Ouais. Il y en a qui voulaient vraiment pas voir des femmes. Ah oui, non, c'est complètement. C'est... Ouais. Alors, alors pas éluder le truc, c'est sûr et certain. Et qu'il l'attaque aussi. Après, enfin voilà, j'ai lu des critiques. Pour moi, était un peu inquiétante. Et pas d'un point de vue argument, hein, d'un point de vue humain, je parle. Oui. Mais au final, il n'y avait pas de quoi s'énerver après le film, parce qu'il fait vraiment ce que moi personnellement j'en attendais dans un film de Paul Feig. C'est du divertissement, tout ce qu'il y a de plus généreux. Qui met en scène des femmes, c'est vrai, mais qui sait les rendre drôles. Donc effectivement, il y a un peu d'humour un peu sympa. Pascatophile, oui, on parlait d'humour à base de paix. Il y a une scène qui, bon voilà. Mais il arrive à rendre ses personnages plutôt badass, plutôt attachantes, sexy aussi, je dois dire. Je trouve que Kristen Wiig, elle est très jolie dans le film. C'est un bel hommage, quoi. Je veux dire, ça ne détruit pas le film de... C'est Jason ou Ivan Reitman ? Ivan Reitman, ouais, ça le détruit pas, ça lui rend plutôt hommage. Il n'y avait pas de quoi s'énerver sur ce film. Après, la limite que j'ai, c'est que comme il doit en gros rendre hommage au film original, il n'est pas libre. Il n'est pas libre du tout en fait. Ouais, on sent qu'il est obligé de respecter un certain cahier des charges. Voilà, autant Spy, il pouvait se lâcher et aller où il voulait parce que ça, c'était un film original. Là, on sent qu'il respecte un cahier des charges. Donc en termes d'humour, bon, il s'autorise des trucs, mais pas aussi loin que si c'était un film original. C'est ça. Mais néanmoins, j'ai trouvé des grosses qualités. Il y a des répliques qui m'ont fait hurler de rire. Et surtout, le rôle, parce qu'il y a un rôle masculin quand même, il faut le mentionner, Chris Hemsworth, chapeau. Parce que ce mec-là, il a de l'ironie sur lui-même, il a de l'humour. L'autodérision, ouais. De l'autodérision. Et les meilleures répliques, c'est lui qui les prononce, clairement. C'est génial, ouais. Franchement, et c'est un spectacle généreux en couleur avec une belle 3D. C'est hyper drôle, hyper frais. Il n'y avait pas de quoi s'énerver avant et après le film. Franchement, c'est un film inoffensif. Mais de toute façon, on se rend bien compte, voilà. Enfin, autant, bon, Suicide Squad, c'est un film qui se fait défoncer, mais enfin, Ghostbusters, bon, il y en a toujours qui restent sur leur position. Incapables d'apprécier, même si. Voilà. Mais bon, t'as ceux bon, qui n'ont pas aimé parce que c'est pas leur truc, tout simplement. Mmh. Mais t'en as qui restent vraiment sur leur position, comme quoi de toute façon ça allait être de la merde. Et même si c'est bien, non, c'est de la merde quand même. Mmh. Alors que bah, t'as des gens quand même qui se disaient, oh, ça va être nul à chier. Finalement, en voyant le film, bon, bah, c'est pas. Oui, c'est peut-être pas si bien que ça, mais c'est pas aussi nul qu'on voulait bien le dire non plus. Donc. Ouais. Ça, mais on le voit, hein, ça, hein, aujourd'hui. Hein. Il y en a beaucoup qui ont fait de leur mea culpa quand même. Hein. Et tant mieux. Bah oui, au final, ça lui rend plutôt service parce que le film était, c'est tout, enfin, à entendre les gens, ça devait être une grosse merde, une merde infâme. Ils disent bon, bah, finalement, non, c'est pas si horrible que ça. Donc, vraiment, les avis sont peut-être un peu, voilà, les gens sont moins sévères qu'avant, quoi. Parce ça fait plaisir parce qu'il y a quand même des gens qui sont honnêtes. Il y en a par contre, ils restent sur leurs avis, avancent, voilà. Et ils en font quand même un règlement personnel, mais ils en font une histoire personnelle, quoi. Non, mais ça, c'est complètement politiquement, con. Sur le... C'est horrible, quoi. C'est même plus du cinéma, quoi. Et du coup, ça me dépasse, quoi. Donc, pour moi, non, c'est gentillet, drôle, rythmé, généreux. C'est tout ce que j'attendais. Je voulais peut-être, j'attendais peut-être plus d'hilarité, mais honnêtement, 80% des gags du film m'ont fait rire. Moi, je me suis quand même bien marré. Ouais, c'est vraiment drôle. Quand on aime cet humour-là, bien sûr. Mais après, c'est comme tout. Hein, c'est... Non, mais justement, c'est parfait ce que tu disais, Morgane. C'est un film de Paul Feig. Et c'est pour ça que j'aime pas le film. Exactement. Ouais, je me suis rendu compte. Toi, c'est même pas parce que c'est un remake. Non, c'est parce que. C'est pas parce que ça touche à un film que j'adore. C'est pas parce que. Enfin, voilà. Moi, c'est juste Paul Feig qui, personnellement, ne me touche pas au niveau de la comédie. Et qui, je trouve, ne sait pas réaliser des comédies. Au niveau de l'écriture et du timing, le timing comique, tout ça. C'est juste personnel, ça me touche pas, et apparemment les 20 personnes qui étaient dans la salle avec moi, ça me les touchait pas non plus, parce que j'ai pas entendu un seul rire pendant les 2 heures du film. Ouais. Donc c'est, voilà, je veux pas paraître pour le vieux con de service qui... Ouais, t'étais dans une salle du 16e arrondissement avec les popos. Non, j'étais une salle dans... un samedi soir à 20h. Bon. Non, mais vraiment, le film ne m'a vraiment pas plu, et c'est pas parce que c'est Ghostbuster. Moi, j'étais... j'étais pas content parce que c'était Paul Feig qui réalisait, mais sinon, le revoir un Ghostbuster, ça m'aurait vraiment pas dérangé. Les actrices sont plutôt, enfin, moi je les trouve mal dirigées, mais ça c'est encore à cause de, enfin, voilà, c'est mon avis sur Paul Feig, mais c'est des très bonnes actrices. Kristen Wiig, moi je l'adore dans ce qu'elle faisait, dans ses sketchs et tout ça sur à la télé américaine, moi j'aimais beaucoup. Melissa McCarthy, je l'avais vu dans 2-3 films qui m'avaient bien fait rire, pas ceux de Paul Feig, mais d'autres. Et voilà, c'est juste, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ce film. Je sais même pas quoi dire. C'était juste, j'ai trouvé ça con, en fait. Mais et c'est pas parce que on s'en fiche que ce soit des femmes, des hommes, des animaux. Je m'en fiche. C'est pas ça le principal. Ça aurait pu être n'importe qui au niveau des acteurs. Ça aurait été très bien, ça se trouve. Mais là, pour moi, c'est juste au niveau de la réalisation, au niveau de l'écriture. C'est pas là, je trouve que le film est dénué d'âme, en fait, et de bonnes intentions, comme l'était le premier. En fait, je sais pas, c'est juste là pour jouer sur une corde nostalgique avant de la couper au sécateur, en fait. Ouais. c'est ce que j'ai ressenti devant le film. Voilà. Bon, je sais que vous avez aimé, et c'est très bien, hein. Moi je suis juste content pour vous que vous ayez aimé. Moi j'aurais bien aimé l'aimer, mais finalement, ça n'a pas été mon cas. Et personnellement, j'espère ne pas voir de deuxième. Voilà. Bah, il fera pas, hein, ça. Non, il fera pas de deuxième, non. Mais la fin, elle indique clairement que... Ah, ils aimeraient bien, mais ils en feront pas. Le point positif, c'est que Paul Feig s'est quand même réalisé des scènes d'action. Ouais, hein. Il s'est quand même assez bien réalisé les scènes d'action, donc voilà, il y a pas... C'est pas... Bah, c'était le cas dans Spy, hein, déjà. Hein. Ouais, oui, voilà, c'est pour moi, c'est pour ça que je lui ai pas, je lui ai pas mis le zéro complet, mais c'est pour moi, il y a ça qui se rattrape, et les effets spéciaux qui sont vraiment rattrapés par rapport aux premières bandes annonces qu'on avait vues, qui avaient l'air vraiment naze, et là, c'est les effets spéciaux sont très très très corrects dans la norme de ce qu'on voit habituellement. Oui, c'est pas exceptionnel, mais voilà, c'est pas exceptionnel. Et ça garde voilà. Ce côté un peu old school. Oui, c'est bien. Et c'est volontaire, ça. Hein. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah oui, donc moi, je vais certainement me mettre des auditeurs ados, mais tant pis, hein, je reste droit dans mes bottes. Bah oui, Alors j'ai pas compris la polémique, comme Morgane. J'ai pas compris. Et puis, alors, moi, je suis désolé, mais je vais même aller jusqu'à dire que je préfère celui-là aux deux autres. Bah, largement. Parce que moi, je suis pas issu de la génération Ghostbusters. Bon, Axel non plus. Hein. Moi non plus. Voilà. J'ai découvert à 15 ans. Oui, mais tu l'as découvert jeune. Moi, je l'ai découvert, j'avais... À 15 ans, c'est pas j'ai si découvert... que ça. Bah, ouais, c'est pas comme si j'avais découvert... Comme Retour vers le futur, c'est pas comme si j'avais découvert à 6 ans. C'est vrai. Tu vois, pour moi, il y a des qualités d'écriture et une âme du film, ainsi qu'une volonté de proposer mais un divertissement. Mais un c'est vrai que... Bon, t'es pas né dans la bonne époque, alors. Ah oui. Mais c'est vrai que moi, je... Le premier, oui, c'est sympa et tout, mais alors déjà visuellement ça a très très mal vieilli et c'est bon. Ouais, ah aussi je trouve, hein, on sent les fantômes en plastique et les. Ouais mais c'est marrant. Bref. Et l'humour, moi, des premiers, m'a jamais fait éclater de rire, quoi. Parce que c'est un humour auquel j'accroche moins. Ouais. On dit que celui-là est sexiste, finalement, envers les hommes, mais le premier, il était tout autant envers les femmes. Des trucs, quand même, moi, je trouve. Non, mais attends, le nouveau ? Le nouveau, oui, c'est l'hyperféminisme. Parce que le standardiste est con et que ouais, voilà, personne n'engagerait en vérité. Il y en a beaucoup qui utilisent cet argument pour dénigrer le film, alors que le premier finalement faisait la même chose, mais dans le sens inverse. En moins peut-être, parce qu'il n'y avait pas cette volonté d'être... C'est ça, c'est celui-là où il y a clairement une volonté d'en faire une blague, en fait. Voilà. Ouais. Mais voilà, moi c'est vrai qu'à choisir, en étant honnête avec moi-même, je préfère celui-là parce que me parle plus, parce que c'est plus, je sais pas, ça me touche plus, quoi. Oui, non mais je comprends, hein, y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il a ? Je repense à des blagues du film. Quand il répond au téléphone et puis qu'il n'arrive pas à dire expérience expérimentale, il dit expérience musicale, bonjour. Oui, voilà, ouais. C'est tout con, mais bon. Après le film en lui-même, bon, alors oui, certes, c'est pas le film de l'année, c'est pas exceptionnel et tout, mais comme le dit Morgane, j'ai trouvé ça très généreux aussi, j'ai vraiment passé un excellent moment. J'ai même trouvé, quand le film a commencé, je me suis dit, mais ça commence même bien, c'est... J'avais de l'espoir quand j'ai vu le début. Il instaure une ambiance, on garde le côté... c'est vrai qu'on essaie de mettre des fantômes qui sont peut-être un peu plus terrifiants, mais on garde le côté très loufoque du truc quand même. Puis après, bon, débarquent les personnages qui, eux, pour le coup, sont vraiment loufoques du début à la fin. Donc c'est ce qui casse peut-être un peu le côté plus noir que présentait la première scène. Bon, moi, ça me gêne pas, parce que de toute façon, c'est des actrices que j'aime bien, qui me font vraiment rire. Curieusement, c'est pas forcément Melissa McCarthy qui m'a plus fait rire dans le film, alors que je l'aime bien. Moi, j'ai totalement adoré Kate McKinnon, que je trouve excellente. Dans le rôle de la geek, là, complètement barjot, et ça lui va très très bien. T'as pas trouvé ça super caricatural ? Bah, pas tant que ça, mais parce en fait... Que, tu sais, mais pas tant que ça, parce que finalement, le film, c'est aussi sa volonté. Et Paul Feig, il a toujours fait ça. Il a toujours beaucoup joué avec des personnages très archétypaux, comme ça. Parce que, tu sais, après l'avoir entendu 3 fois expliquer un truc super scientifique à propos d'un nouveau gadget qu'elle avait inventé, j'en avais marre. Enfin, j'ai l'impression de chaque fois la voir dans une case, c'est elle explique les trucs qu'elle a créés. Ce personnage m'a dérangé un peu. Ouais, mais bon, vu que c'est des blagues qui passent vite, c'est ce que j'aime dans l'humour de Paul Feig, c'est que finalement il y a beaucoup de blagues et du coup c'est des blagues qui coulent à travers les conversations, ce qui fait que t'en as que tu repères pas forcément. Et j'ai trouvé que dans son cas, elle justement, c'était ça. Elle expliquait ça, mais au cours d'une conversation, donc du coup c'est pas la blague sur laquelle tu te focalises. Donc c'est pour ça que ça m'a pas gêné. Après j'ai trouvé que l'équipe de personnages fonctionnait bien et que Leslie Jones était très très drôle. Alors même si c'est vrai qu'on reste quand même dans le cliché de bon, c'est la fille qui vient de la rue, hein, c'est la seule qui n'est pas scientifique. La blague en VF là sur Shime. Moi ça j'ai trouvé ça super drôle. Et oui. Voilà. Moi ça m'a vraiment fait rire parce que du coup je me suis dit ils ont été adapter ça en VF. Quelle idée ils ont eu, mais bon, c'est tout con, mais finalement quand tu repenses au truc, mais oui. Si je croise les deux pétasses de Shining, je me dis... Voilà, mais ça c'est drôle. Moi ça m'a fait rire. Ou le mannequin. T'étais là avant toi ? Non, réponds pas s'il te plaît. C'était trop drôle. Mais et c'est une humoriste en plus qui fait la VF, ça doit être Claudia Tagbo, je crois. Ouais, c'est ça, je lui crois. Et bon, que j'apprécie plus ou moins, mais je trouvais que là, du coup, ça collait très bien au personnage. Voilà, moi j'ai été très. Enfin, je dirais pas que j'ai été surprise, parce que c'est ce que j'en attendais, mais j'ai été agréablement satisfait, en fait. Voilà. D'accord. Et il sera pas forcément dans mon top de l'année, hein, je pense pas, mais en tout cas, il sera pas dans le flop et il sera pas dans les mauvaises surprises. C'était vraiment un... moi il fait partie des films que j'ai apprécié cet été. D'accord. Ouais. Ouais, l'humour fonctionne bien, le scénario est classique, mais ça marche bien aussi. Voilà, il y a vraiment des scènes que j'ai trouvées drôles. Alors Chris Hemsworth, oui, un aquarium c'est comme un sous-marin pour poissons. Bon, voilà, ça, gros fou rire pendant 5 minutes. Alors que c'est débile, c'est ça en fait, c'est que c'est complètement absurde en fait l'humour de Paul Feig, je trouve. Est-ce que je fais plus docteur en écoutant de la musique, en jouant du saxophone ou en écoutant des saxophones? Et il a le saxophone collé contre son oreille. Bon, c'est débile, mais c'est, voilà, moi ça marche. Oh, le coup, voilà. Après, le seul truc que, bon, qui sert à rien, mais ça a été imposé par les studios, c'est tous les caméos du coup. Ouais, mais ça fait mal au cœur. Enfin, moi ça m'a fait mal au cœur de voir ça. Mais Bill Murray finalement, il sert pas à grand chose. Voilà, c'est ça. Et tu sens clairement que voilà, ça a été imposé par les studios, il fallait les caser. Ouais. Bon, après, vu qu'ils ont pas trop d'incidence sur le film, ça gêne pas trop. Mais voilà, conducteur de taxi. Putain, mais tu vois, c'est drôle ce qu'il dit. Ouais, moi avec les fantômes, j'ai déjà donné, c'est bon. Ouais, j'ai déjà donné. Et l'autre, la standardiste, pareil, qu'on retrouve. Alors par contre, celle, tu sens vraiment qu'on lui a filé un gros chèque pour qu'elle apparaisse, parce qu'elle est même pas dans le film. Elle est pendant le générique, Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Voilà. Donc voilà, moi c'est un film que j'ai bien apprécié et je n'arrive vraiment pas à comprendre comment les... Le seul truc qui me fait de la peine dans ce film, et c'est ce que j'ai mis dans ma critique, c'est que finalement il démontre vraiment que les gens peuvent être cons et puis vraiment méchants au possible. Quoi. Ouais. Et ce film a vraiment subi un bashing qui est injuste, parce que... Ouais, c'est un bashing sur pas les bonnes, les bonnes choses. On peut être contre l'idée d'un projet au cinéma, mais là c'était de la méchanceté envers les actrices, quoi. Et elles sont engagées pour faire un film, c'est pas, elles viennent pas là pour foutre le bordel, on les engage pour jouer quelque chose. Et Leslie Jones, franchement, pour qu'elle s'en aille de Twitter, parce que, enfin, faut voir tout ce qu'elle s'est pris dans la gueule, elle s'est traitée de gorille et tout, quoi. C'est un film qui nous a vraiment qui a vraiment montré à tout le monde comment les gens pouvaient être méchants pour rien, en plus. C'est qu'un film, quoi. Ouais. C'est pas affaire d'État ou quoi que ce soit. Enfin, et voilà. Moi, ça... Mais franchement, ça, en sortant du film, je repense à ça, et c'est, limite, ça me faisait de la peine, parce que je me dis, c'est... Le cinéma, c'est, ça peut vraiment être quelque chose de beau, mais ça peut être quelque chose d'horrible aussi, quoi, quand tu vois ça. Ouais, mais complètement. Mais... Et c'est dégueulasse. Il y a vraiment des gros connards. Voilà. Et je suis sûr qu'il y en a qui... Peut-être qu'il y en a qui écoutent ce podcast et qui se classent dans cette catégorie de gros connards, mais je suis désolé, vous êtes des gros cons. Réagir comme ça sur un film, vous êtes des cons, c'est tout. À un moment, il faut mûrir, il faut penser, il faut arrêter de se prendre la tête pour des conneries, quoi. Ça reste des films, c'est pas ça changera pas la face du monde. Donc tu remarqueras que le film est très lucide sur ça, en fait. Et à un moment, il y a Paul Feig qui nous parle clairement. Vous savez, quand il poste les vidéos sur YouTube et que Melissa McCarthy parle avec des dislikes, les commentaires, voilà, quand elle dit de toute façon il y a que des haineux, ça fait le beau derrière un écran et en face, etc. Et ça, pour moi, ça n'a pas été rajouté, ça a été pensé depuis le début, donc voilà, il était plutôt très lucide, Paul Feig, sur le coup. Mais même lui, il a été hyper attristé, enfin, j'ai vu une interview franchement, on partait avec des bonnes intentions, non, et on passe pour les pires bourreaux qui soient, quoi. Non, mais c'est surtout qu'on reprend des termes. Il y en a qui disent, il a été dire que si vous n'aimez pas le film, vous votez pour Trump. Mais c'est sorti de son contexte, c'est pas du tout ça qu'il a dit. C'est parce que Donald Trump a dit que le film ne devait pas se faire parce qu'il y avait des femmes. Il l'avait dit, et du coup, Paul Feig, il a dit, si vous n'aimez pas le film pour ça, ça veut dire que vous pensez comme lui. Mais c'est vrai, du coup. Mais si on n'aime pas le film pour... Si on n'aime pas le film pour le fait qu'il y ait des femmes, c'est qu'on pense comme ça. C'est con. Bah oui, et ça veut pas dire qu'elle est en aigle. Oui, mais en gros, il a dit qu'on votait pour Trump. Tu vois, comme quoi une phrase sortie de son contexte est déformée, c'est trop facile de faire ça. C'est trop simple. Ouais. Voilà. Et c'est comment lier un projet artistique à de la politique et tout. Et tous les prétextes étaient bons de toute façon pour descendre ce film, alors que voilà, c'est un film qui reste quand même assez inoffensif et qui est quand même plus dans l'hommage et tout ça, voilà. Donc bon, Ghostbusters, c'était une bonne surprise, mais ça a été aussi, en fait, c'est un film qui nous a vraiment mis en face à la réalité aussi, de comment les gens percevaient certains projets et jusqu'à quel point ils étaient capables d'aller dans la méchanceté et la moquerie. Dans la mauvaise foi aussi. Ouais, voilà. Et c'est vraiment triste. Franchement, je me répète, mais je trouve ça triste, quoi. Ça, moi, ça me... Ça me fait de la peine de voir qu'en 2016, on est encore capable d'avoir des réactions comme ça. Mmh. Voilà. Non, mais complètement. Et puis même, on a le droit, enfin, tu vois, on est tous les trois, on n'a pas le même avis sur le film. Mmh. Et pourtant, enfin, moi, j'attaque le film. Mais c'est ça. Pas pour les raisons que ce soit une femme, j'en ai rien à foutre. C'est pas l'important. Le cinéma, c'est censé être du débat voilà. cordial aussi. Voilà, bah, c'est oui. ça. C'est comprendre l'avis des autres et l'accepter, même si on n'est pas d'accord avec, et pouvoir discuter. Alors, c'est vrai que nous, donc, voilà. sur ce Movie Nerd, on est quand même relativement. Bon, c'est vrai qu'on. On le fait pas exprès, mais on est souvent du même avis pour la plupart des choses. Ouais, mais pour le coup, et pour certains cas, quand on n'est pas d'accord, on n'en vient pas à se taper dessus, quoi, et à s'insulter. Enfin, c'est complètement débile. On est humains, on pense, on réfléchit, quoi. Voilà, c'est ça. Et faut pas oublier que. Vous, mais bon. Oui, voilà. Bon, toi. Voilà, faut quoi. Pas oublier que ces actrices aussi, enfin ces actrices, même Paul Feig, je l'attaquais, mais je l'attaque pas personnellement, je l'attaque pour ses qualités artistiques. Ça doit être dur quand même pour des actrices de subir ça. Mais non, mais faut se mettre à la place des actrices. Oui, voilà. C'est des êtres humains avec des émotions, etc. C'est pas juste quelqu'un sur l'écran qu'on voit pendant 2 heures et puis après elle existe plus, elle a disparu. Mais non, c'est ça voilà. quoi. Enfin, Leslie Jones, franchement. Tout ce qu'elle s'est pris dans la tronche, la pauvre quoi. Mm-hmm. Elle a rien demandé, puis en plus elle est drôle comme fille. Mais oui. Elle est très drôle ouais. et en plus ouais, j'ai regardé ses stand-up après avoir vu le film, elle est super marrante, enfin super marrante quoi, c'est ouais mais non voilà. Puis elle paraît sympathique quoi, elle a un truc comme ça qui accroche, enfin moi j'ai voilà moi c'est ces filles tu vois, elles ont tellement souffert, t'as envie chacune de leur faire un énorme câlin quoi, parce que elles ont rien demandé, elles s'en sont pris plein la gueule et surtout j'ai vu des commentaires, même des gens pour le coup qui sont vraiment très arrêtés parce que des choses fausses, par exemple Melissa McCarthy, c'est une actrice qui joue que sur son physique, c'est faux. Depuis hier je commence une série qui s'appelle Gilmore Girls où elle est dedans, au contraire elle joue pas sur son poids, c'est juste une fille qui a rien dans le crâne quoi, qui parle aux pêches, qui joue au bowling avec des pêches, tu vois, donc on enferme une actrice comme ça, effectivement elle joue de son physique mais on est révisionniste sur sa carrière. Oui, mais Melissa McCarthy, à part de jouer sur son physique, elle fait rien. Bah non, regardez Gilmore Girls et vous verrez. Donc tu vois, il y a des gens du coup, Et puis même si elle jouait que sur son physique, tu le fais bien. Autant dans Mes Meilleurs Amis, alors oui, elle joue le rôle de la petite grosse un peu balourde et tout. Mais quand tu la vois dans Spy, franchement, elle a des tenues dans Spy, ça lui va super bien, elle est belle et tout, quoi. Il s'arrête pas que là-dessus. Alors et oui, donc voilà, enfin c'est... Ouais. Toute bon, la polémique voilà, autour de ce film, de toute façon, était dégueulasse. Et... Ouais, de toute façon, je pense que... Enfin, on va essayer de pas en reparler, même si... ça vaut pas la peine, mais... Voilà, ça vaut pas la peine, de toute façon, vous connaissez notre avis là-dessus. Mmh. Voilà, en reparlant du film, moi c'est un film que j'ai pas aimé, il sera dans mon flop, mais c'est pas pour ces raisons-là que voilà. On passe maintenant, enfin, à un autre film, donc The Wave, et cette fois c'est que Eddie qui l'a vu. Oui, donc ça va être rapide. Ouais. Alors The Wave, c'est un film catastrophe norvégien qui est sorti vraiment dans l'anonymat quasiment, ouais, complètement, hein. et c'est pas un direct to vidéo. C'est vraiment sorti en salle, dans très peu de salles, et c'est vrai que l'affiche peut porter à confusion. Ah ouais, non, faut vraiment ça fait pas... très nanar. Ah mais faut pas s'arrêter très à l'affiche. Agile, hein. Faut pas s'arrêter à l'affiche, le film est beaucoup mieux que ça. Alors ça casse pas des briques non plus. C'est pas le film catastrophe par excellence. Ouais. Mais en fait c'est un film qui prend le temps de s'intéresser aux personnages. Pour justement, après, raconter... En fait, la catastrophe se vit plus à travers la tragédie de la famille, surtout. D'accord. Voilà, ça se vit plus comme ça. Un peu comme The Impossible, mais sauf que c'est moins pathos que The Impossible. Ouais, je vois. Parce que ça, c'est... Bon, oui, c'est le film, en fait, la catastrophe, du coup, c'est un tsunami dans un fjord norvégien. En fait, il y a un pan de montagne qui se décroche. Et c'est déjà arrivé, hein. C'est pas surréaliste du tout. Ça pourrait arriver. Ça se passe dans un fjord, il y a un pan de montagne qui se décroche et du coup bah forcément ça crée un raz-de-marée, ouais. Sauf que là ça dévaste toute la vallée du fjord. Et du coup, donc le film parle de ça. Le père est. Est-ce que ça part du réchauffement climatique ou de quelque chose comme ça? Le film n'a pas forcément trop de messages là-dessus. Non. Ça tient surtout au fait que voilà, il va y avoir une grosse vague et que du coup, voilà, c'est une famille qui s'apprête à déménager, qui déménage pas finalement parce que le père se rend compte qu'il va y avoir quelque chose, parce que lui, il travaille justement à l'étude des roches. Et il sait que ça peut arriver, et au moment où il doit s'en aller, finalement, il s'en rend compte, et voilà. Donc le film est très intéressant dans le sens où, oui, alors il met en scène des personnages classiques et tout, c'est l'archétype du père, la mère, les deux enfants, c'est le fils, la fille, quoi. Donc c'est vraiment la famille idéale, telle qu'elle est dépeinte. Mais ça s'arrête pas juste à ça, c'est que déjà les personnages n'ont pas des réactions connes. Ça change. Voilà, c'est des personnages qui pensent logiquement et après c'est le film est plus finalement axé sur le survival que sur le film catastrophe. Alors la scène de la vague est impressionnante. Pour un film qui a finalement un petit budget, ouais, moi ça je l'ai mis dans ma critique. Je crois que par exemple San Andreas avait un budget de je sais plus combien de 110 millions de dollars. $110 millions, alors que The Wave doit avoir un budget qui chiffre à peu près, je retrouve deux secondes, à 7 millions. Ouais, voilà. Ça change. Donc, et à 7 millions, voilà, on sent bien qu'à 7 millions, tout passe dans la vague, par contre. Ouais. Mais c'est très propre, c'est bien foutu, c'est. Voilà. Et après, le film, voilà, la vague, ça dure quoi? Ça dure 3 minutes à l'écran. Et après, le film se concentre surtout sur le. Comment les différents membres de la famille vont se retrouver, mais c'est encore une fois, c'est pas comme The Impossible, il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de. Voilà. D'accord. Okay. Donc c'est un bon film catastrophe, franchement, je vous le recommande, et bah, du coup, vu qu'il n'y en aura pas d'autres dans l'année, je pense que. Si, il y a le truc avec le pétrole, là. Le pétrole. Sur la plateforme pétrolière, là, qui sort dans pas très longtemps. Morgane. Ouais, ça me dit rien. T'as déjà vu la bande-annonce, sûrement, au cinéma. Ça me dit rien du tout. Ça me parle pas. Bah alors. Écoute, je vais essayer de retrouver ce film parce que je l'ai vu. Enfin, j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air tellement. Mais bon, c'est vrai que dans les films catastrophes qui sont pas mal sont quand même assez rares. Donc voilà. Bon, moi j'avais bien aimé San Andreas, qui était quand même un peu con, mais qui finalement était très divertissant et généreux, donc ça passait. Mais là, du coup, The Wave, c'est loin d'être très con. Ouais. C'est moins évidemment dans la générosité, ce qui est moins de budget. Mais voilà, ça reste très très agréable à suivre et ça passe vraiment bien le temps, quoi. D'accord, ok. On va passer à un film français. donc L'économie du couple. Et je vais laisser Morgane commencer puisque je cherche encore le film. Tu cherches encore le film? Oui, non, je cherche le film dont j'ai parlé juste avant, je trouve plus le nom. Ah, ok. Un de mes derniers petits coups de cœur de l'été, hein. Que le cinéma français s'est super bien démerdé cet été. On a eu des très bonnes choses. Donc, L'économie du couple, c'est un film réalisé par Joachim Lafosse avec Bérénice Déjeau et. Je sais plus. Et Cédric Kahn. Voilà, je cherchais le nom. Donc, c'est Deepwater, juste le film Deepwater. Ah, Deepwater. Avec Mark Wahlberg. Ah, oui. Ouais. C'est vrai. Et ouais, bah, ouais. Ça a l'air tellement pourri que. Voilà. Ouais, vaut mieux revoir The Wave, hein. Je voilà. pense. Je reprends L'économie du couple. Donc c'est l'histoire de Marie et Boris hein, qui se séparent après 15 ans de vie commune. Et en gros, c'est un huis clos, hein, clairement, on sort jamais de la maison, qui nous montre ce qu'est un couple en pleine crise aujourd'hui. Ouais. Ça donne peut-être pas envie, hein, dit comme ça, hein, mais je peux vous garantir que émotionnellement, c'est un film qui porte. C'est un film très poignant. Parce que c'est modeste, hein, effectivement, il n'y a pas d'artifice, mais c'est juste deux acteurs qui sont incroyables, et mention spéciale pour Bérénice Déjeau, qui est une des meilleures actrices françaises du moment, hein, parce que aussi bien à l'aise dans les rôles comiques que dans des rôles très intimes et très, elle est très dans la retenue, en fait, ouais. Je trouve. Mm-hmm. C'est un personnage qui n'est pas très expressive. Il y a un moment. Moi, je l'avais trouvé très bien dans le passé de Asghar Farhadi. Écoute, oui, on retrouve un peu un ton de jeu un peu similaire, en fait. si tu l'as aimé dans ce film-là, tu l'aimeras dans celui-là. Non, j'ai adoré le film parce qu'il est vrai, en fait, dans ce qu'il traite. C'est une vision un peu pessimiste du couple, faut l'avouer. Mais en même temps, c'est assez radical, sans concession. Il tranche vraiment dans le vif. Hein. Il ose justement dire les choses telles qu'elles sont, montrer les choses telles qu'elles sont. Au bout d'un moment, quand il n'y a plus d'amour... C'est radical, quand ça... C'est radical, ouais, évidemment. Ouais, quand il n'y a plus d'amour, il n'y en a plus. Ça ne sert à rien d'essayer d'en créer. Hein. Même si parfois, il y a un peu d'espoir, notamment durant une scène qui est juste... à base de Maître Gims, hein. C'est quand même, ouais. L'exploit du film, c'est quand même de vous faire pleurer. Ouais, c'est ça. Dans une scène où il est question d'une chanson de Maître Gims, Bella, la chanson Bella, ouais, qui dure, mais toute. c'est l'entièreté de la musique. Ouais, hein, l'entièreté de la musique. Hein. Normalement, dans les films, c'est toujours coupé. Là, non, ouais. On a la musique du début à la fin. Là, c'est un climax, en fait. Donc voilà, il y a cette scène-là, puis il y a aussi la scène du repas qui est juste malaisante au possible avec les invités, là. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Oui. J'avais l'impression de. Voilà. C'est vraiment. Voilà. Tu sais que tu les as déjà vécus. Exactement, ouais. Ouais. Même sans avoir été en couple, on peut dire qu'on les a vécus. Ouais. Même en tant que témoin, en tant qu'ami. Ouais, et c'est un film qui est dans le vrai, quoi. Et c'est pour ça que j'ai aimé le film. Parce qu'il parle du couple sans édulcorer le truc. Il est très sobre, finement écrit. Et surtout touchant, enfin, moi j'étais bouleversé à la sortie, j'étais en vrac. Hein. Ouais. Et c'est merci Bérénice Bejo d'être. Enfin, elle est lumineuse dans le film, quoi. Même dans les moments où elle est triste, où tout va mal pour elle, elle arrive à habiter l'écran, quoi. Et c'est un très très très beau film que je vous conseille. Hein. Il était à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, je crois. Ouais. Et que je vous conseille parce que c'est ça paye pas de mine, hein. C'est très modeste. Mais vous, qu'est-ce que c'est bien écrit, qu'est-ce que c'est beau. Donc voilà, le cinéma français, dans toute sa splendeur. Enfin, c'est pas dans ce qu'il y a de plus ambitieux, mais en tout cas, je pense même l'avoir préféré à Mon Roi de Mai Wen, qui était sur la même thématique. Que Mon Roi, c'était un peu plus bling-bling, un peu plus hystérique. Là, c'est plus modeste, plus sobre. Du coup, ça me touche davantage. Ouais. Voilà. D'accord. Ben ouais, moi je t'ai remercié tout de suite sur Twitter de m'avoir conseillé de voir le film parce que tu m'as vraiment sauvé mon été, hein, parce que sinon ça avait été tellement vraiment pas terrible. C'est le film est génial, quoi. C'est un huis clos passionnant et bouleversant. Comme tu as dit, la mise en scène est simple mais super maîtrisée. Oui, la caméra qui va au plus près des visages. Ouais, c'est vraiment tout le temps. Il y a une impression de claustrophobie qui est géré pendant le film, qui est gardé, mais quasiment jusqu'à la fin. Et justement, quand on pense qu'on se sentira mieux quand on sortira du huis clos, mais finalement, en fait, non, on se sent encore pire que quand on était dans le huis clos, quoi. C'est parce que je vais pas raconter ce qui se passe, mais enfin voilà, il se passe quelque chose de tragique. Les acteurs sont formidables. L'intelligence du scénario, c'est qu'il n'y a pas de raison évoquée sur le pourquoi de la séparation. C'est vrai. T'es lancé dedans, tu te dis. Ils sont séparés, on voit pas l'avant, les préparatifs. Voilà. Mais en fait, ils sont séparés, mais ils vivent encore ensemble et ils se battent entre guillemets sur la part que l'un doit à l'autre, en fait. Voilà. Et donc voilà, c'est ça que je trouve super intelligent sur le propos, qu'il n'y a pas vraiment aussi de gagnant. Tous les deux sont aussi sympathiques que détestables à certains moments, en fait, ouais. Par certains aspects de leur personnalité. La scène du repas, c'est vrai qu'au début, c'est le mari qui pose problème, et à la fin, sa réaction à elle, c'est dégueulasse. C'est ça. En fait, tu as la compassion pour les deux, mais en même temps, tu as de l'aversion pour les deux. Exactement. À certains moments. Et c'est vraiment super fort comme film. Il n'y a pas de camp, t'es très neutre, en fait. C'est ça qui est bien. Exactement. Et les acteurs sont formidables. Même les enfants, les deux, il y a deux enfants, qui jouent très bien dans leur rôle. Enfin voilà, c'est ce film est vraiment génial. M'a bouleversé, m'a chamboulé. Oh, et vraiment, merci encore Morgane de m'avoir parce que j'aurais pas vu sinon, t'es le seul qui a donné son avis sur le film. Parce que je vais voir des films intelligents. Non mais c'est vrai que j'avais vu la bande-annonce la veille, hein. Je voulais pas trop le voir. Et mais moi j'ai vu aucune bande-annonce, j'ai juste vu ton avis et j'y suis allé. Ah d'accord. Ouais. Parce que ouais, j'avais vraiment envie de voir qu'est-ce qui était aussi spectaculaire dans ce film, et finalement bah, ouais, je l'ai vécu le plein fouet. Et justement j'avais un couple derrière moi qui pendant certaines scènes était en train de se dire non mais ça va pas nous arriver, enfin, voilà. Moi j'étais célibataire, vraiment... je suis allé célibataire, c'est cool finalement. J'étais heureux moi. Cool. Non mais c'est voilà quoi, c'est vraiment, c'était un très très bon film français qui sauve l'été pour moi. Voilà. On passe. Ça maintenant. Donne envie en tout cas. Ouais, mais franchement, je te le conseille. Tu, hein, tu vas aimer, je pense. Ouais. Mais si t'adores Bérénice Bejo. Et en fait, je me rends compte que ouais, je l'aime bien. Ah oui, oui. Le peu que je l'ai vu, elle m'a toujours plu. Donc, ouais. Non, c'est une très bonne actrice. Et Cédric. J'oublie le nom. Cannes. Je l'avais pas vu dans un autre film, je crois. C'est la première fois que je le voyais dans un film. Et il m'a aussi impressionné. Donc, ouais. Bah, je l'ai vu dans un film, il était très vénère. Oui, Star Trek, La colère de Cannes. C'est un très bon film. Tu l'aurais fait un petit peu après, on aurait pu enchaîner, mais bon. Oui, enchaînons. On va passer à Peter et Elliot le dragon. On va commencer par celui qui a aimé le plus, Eddie. Oui, j'ai l'impression que je vais encore être seul sur ce coup-là, voilà. Ouais. Bon, déjà, je vais commencer par dire que je ne comprends pas mes deux collègues. Déjà, ils nous attaquent. Voilà. On n'a rien dit. Hein. Oui, non, mais je vois vos notes et je vous on sens venir. On est misogyne donc, avec les dragons, on n'aime pas les dragons, vous voulez des hommes. Non, alors, bon, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais vu Peter et Elliot, le dragon, le film de... Quelle année, Morgan? 77, 71, je sais plus. L'un des deux. L'un des deux, 70. Les années 70. Ouais. Voilà, et du coup, bon, j'y allais sans trop d'appréhension. Je me disais que, oui, ça avait l'air mignon et tout, donc bon, pourquoi pas. Et puis, ça reste Disney, donc bon. Donc, j'y suis allé, et j'en suis ressorti en me disant que j'ai vraiment aimé, et que du coup, ça pouvait possiblement être mon film de l'été à moi. Parce que j'ai trouvé que, finalement, c'est un film qui alliait très bien la poésie propre au conte, parce que ça reste quand même une sorte de conte, une fable. Ouais. Et du coup, ça allie assez bien la poésie propre au conte à des thématiques un peu plus humaines, en fait. Donc, moi, j'aime bien comme ça quand il y a des films fantastiques qui traitent de choses plus terre-à-terre. Mmh. Et j'ai trouvé que c'était vraiment ce que faisait le film. Et que finalement l'écriture lui rendait bien justice, parce que c'est un film qui laisse autant de place à l'émotion qu'au personnage, que voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était une très belle histoire, que la relation entre les deux personnages, donc Elliot le dragon et Peter, elle fonctionnait très bien, que le dragon rendait bien aussi visuellement, donc ça aidait quand même ça renforce en fait. Ça renforce la prestance qu'il peut avoir à l'écran. Ouais. Et après, voilà, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est que ça, bon, c'est un thème qu'on voit souvent chez Disney, mais il le traite bien encore une fois. C'est que je trouve que c'est un film qui parle bien de l'enfance et du passage vers l'âge adulte, avec justement ce petit garçon qui a vécu 6 ans en forêt avec ce dragon suite à la perte de ses parents. Donc il connaît quasiment que ce dragon, il voit pas, il a jamais trop à appréhender les humains. Puis finalement il se rend compte que les humains lui ressemblent beaucoup et qu'ils peuvent lui apporter d'autres choses, mais Elliot de son côté peut lui en apporter aussi. Et du coup je trouve que il y a un beau message dans le film qui nous rappelle que voilà, grandir on n'a pas le choix, mais que c'est pas pour autant qu'on doit oublier l'enfance. Et c'est vraiment dans la tradition, et c'est vraiment dans la pure tradition Disney, et c'est même ce que Walt Disney lui-même a toujours prôné, en fait. C'est que peu importe l'âge qu'on a, on a toujours le droit de rêver et de se souvenir de l'enfance, c'est important. Parce que, enfin, Walt Disney, c'est tout bête, mais quand il a créé Disneyland, il a souhaité à ce qu'il y ait une reconstitution de la rue dans laquelle il a grandi quand il était petit, Marceline. Donc Marceline, c'est la ville dans laquelle il a grandi, où, même si c'était pas forcément une enfance toujours heureuse, parce qu'il est revenu de loin, mais voilà, c'est vraiment, c'est ce qui m'a le plus touché dans le film, en fait. C'est que il met vraiment l'accent sur ça, comme quoi il faut jamais oublier d'où on vient et son enfance, quoi. On a tous le droit de rêver, peu importe l'âge qu'on a. Donc voilà, moi c'est ce qui m'a vraiment plu dans le film et j'ai trouvé très beau. Après, je trouvais que le petit garçon jouait très bien. Et que voilà, que visuellement c'était pas mal, que les musiques étaient bien. Ouais. Il y a Lindsay Stirling dedans, moi j'adore Lindsay Stirling, je la trouve excellente. Et après, bon, les acteurs de toute façon sont tous bien quoi. Enfin, après, il n'y a pas de prestations extraordinaires, mais je trouve que voilà, Bryce Dallas Howard s'en sort bien, Robert Redford pareil, Karl Urban aussi, Wes Bentley, donc voilà quoi. Ok, Morgan, tu veux commencer ? Oui. Alors, moi j'adore hein, le film Disney original, mais j'y allais pas pour comparer parce que je savais que ça allait être une réadaptation. Et c'est pas plus mal. Maintenant, je continue de préférer le Disney original, pas pour des raisons de nostalgie, hein, parce que ça c'est même pas un argument hein, de dire. Non, puis celui-ci s'en écarte vraiment, donc c'est même pas un remake finalement. Ça n'a rien ça à voir. C'est juste le nom quoi. Oui, ça n'a rien à voir. Ça ressemble plus vraiment à l'histoire sans fin mélangée au livre de la jungle. Mais ça a aucun, parce que Peter Elliott, le dragon, à la base, le dragon, enfin, même le personnage de Peter, c'est un orphelin, mais qui gambade dans la rue, enfin, qui gambade dans la ville, il rencontre le dragon comme ça par hasard, il va être pote avec lui, ça va être un petit peu son ange gardien, son confident. Et, en gros, une fois qu'il va être installé dans sa nouvelle famille, le dragon s'en va, pour aider un autre enfant. Donc, en gros, c'est plus. Ouais. Elliot, c'est plus Pascal le grand frère, si tu veux, tu vois, en gros. Et c'était très très beau parce que à côté de ça, ça parlait de l'adoption, le fait qu'il y a un couple qui voulait exploiter l'enfant. C'était très très beau et très complet. Là, je trouve qu'on est quand même dans quelque chose d'un peu facile. C'est un film très avec une morale écolo que je trouve très survolée. Ah oui, oui. Ça très ouais, c'est vrai que j'en ai pas reparlé. Oui, un petit peu ça, mais c'est clairement pas le message du film. Non, parce que c'est vraiment expédié en 2-3 lignes, en 3 minutes, hein, encore une fois, avec des personnages que je trouve très fonctionnels. Je trouve que l'émotion est pas bien gérée du tout. J'ai pas été ému, malgré la beauté des images indéniables et les musiques. C'est vrai que la bande originale est somptueuse, et les scènes de vol hein, sont vraiment les plus belles du film. Hein, c'est vraiment pour ça que j'étais un peu accroché à l'histoire. Mais je suis resté à côté, j'ai pas été touché par le film. J'ai trouvé que c'était Disney, vous allez me dire, mais c'est quand même très manichéen. C'est un Bryce Dallas Howard, il est tout gentil, mais elle doit lutter contre le méchant monsieur qui veut abattre les arbres et puis qui veut exploiter Dragon pour l'argent. Enfin, c'est vraiment des personnes, c'est vraiment très facile. C'est qu'on a vu 3000 fois. Hein. Exactement, exactement. Et c'est vrai que quand on voit l'original, enfin le film, le premier film, c'est vrai qu'on voit que c'est plus complet, que c'est peut-être que ça traite de plus de choses, ça brasse plus de thématiques. Là, je trouve que c'est Disney pur jus, mais c'est pas plus féerique. Il y a un potentiel féerique qui n'est pas exploité pour moi, mais il y a des très belles images. Le dragon est très beau. Alors, souvenez-vous, j'avais dit que les images que je voyais me faisaient très peur. Finalement, je trouve très expressif. Oui, il a vraiment une bonne tête, je trouve. Il a vraiment une bonne tête. Il est très attachant. Après, je trouve le petit garçon insupportable. Vraiment insupportable. Ah ouais ? Ouais. Ah, tête à claque. Moi, je trouvais justement que c'était assez nuancé, qu'il n'y avait pas... Et puis, je vais chipoter sur un truc. C'est vraiment pour enculer les mouches. Désolé. Mais bon, ce petit garçon, il est dans la forêt depuis qu'il a 2 ans. Et donc là, ça reprend 5-6 ans après. Donc, il a 8-9 ans, quoi. Il a 10 ans, normalement. Mais il parle très bien. Alors qu'il a parlé avec un dragon... Qui ne parle pas un mot de langage humain. C'est ce que j'avais dit. C'est, à la mais bon, ça, voilà. C'est du détail. Tu vois, il a appris à lire. C'est pas le genre de. Non, mais voilà. Là, c'est pas le genre de détail. C'est pour faciliter l'écriture. Mais le film repose pas sur ces choses-là. C'est pas ce qu'il veut raconter. Oui, c'est pour ça que c'est du détail. Le film n'est pas là pour te dire qu'une enfance dans la nature, c'est compliqué et tout. Non, ça, c'est le sujet de. C'est plus le. À la limite, c'est plus le sujet du livre de la jungle. Et encore. Non, mais ça c'est que tu détailles, c'était juste pour un truc qui m'a... J'ai trouvé ça très curieux. Mais sinon, à ce moment-là, c'est pareil, quand tu regardes 10 000 de Roland Emmerich, c'est des hommes préhistoriques, ils ont tous un sourire ultra bright, quoi. Donc, bon, tu vois. Génie. Non, mais... C'est des incohérences. Pas Roland. Non, mais c'est que tu détailles, c'était pas une critique en soi. Non, d'un point de vue émotionnel, j'ai pas été touché par le film, quoi. Ça m'a beaucoup. C'est très beau, c'est vrai. J'étais étonné par la beauté formelle des images. Et la beauté des musiques. Mais alors, les personnages, l'intrigue, les enjeux, je trouvais ça une pauvreté abyssale. Mais j'ai pas été trop sévère dans ma note. J'ai même été, au contraire, trop généreux. J'ai mis un petit 2,5 sur 5, mais j'aurais pu baisser à 2. Mais c'est tellement beau que... Voilà. Ouais, bah moi j'ai trouvé ça mignon. Tu sais, c'est genre un petit film Mais c'est une belle d'M6. histoire, quoi, c'est Un un petit conte, téléfilm d'M6, c'est. Ouais, oui, bah un petit téléfilm avec un bon budget quand même, hein. ouais. Ouais, mais tu vois, c'est un truc qui peut. Un petit téléfilm d'M6 qui passera à Noël et qu'on regarderait au coin de la cheminée avec toute la famille, en mangeant des marshmallows. Enfin, tu vois, genre la famille parfaite, l'image. Mais c'est vraiment. J'ai trouvé ça. Mais en même temps, enfin, après. Non, mais j'en demandais pas. Enfin, moi j'y allais pas en m'attendant à un truc révolutionnaire. Hein, ah non, mais non, mais pas du dire tout. Quand on moi non regarde du plus. Disney, on sait à quoi on s'attend aussi. Hein, Mais moi non plus, moi non plus. C'est on me pas, l'a un peu je cherchais survendu pas. quand même. Hein. J'ai vu des avis disant que la machine du cinéma opérait sur ce film. Je crois, oh, oui, putain, non, mais quand même. Bon, après, voilà, faut savoir faire la part des choses Ouais, aussi. voilà. Non, mais sur votre caster, ils l'ont bien noté. Donc, quand Mais même. sur son critique, il est bien noté aussi. Ouais, Mais... ouais. Il est peut-être un peu surnoté, effectivement. J'étais bercé d'illusions. Ben, C'est vrai. non, mais je pense qu'il a justement, c'est bon, l'émotion, vous n'avez pas été réceptif, mais je pense Non, qu'il y a pas du beaucoup de gens tout. qui y sont réceptifs. Ouais, non, mais j'entendais des gens Et pleurer moi, dans c'est la ce que. salle, hein. Ah oui, mais moi, c'est Donc ce que. voilà, Tous les avis c'est que que ça j'ai a eus, c'est ça, fonctionné. c'est que. Ah oui, c'est. Qu'est-ce que c'est beau quand même, c'est une belle histoire, on verserait presque sa petite larme. Bah oui, mais c'est de l'émotion sainte, mais qui fonctionne bien. Et c'est ce que Disney fait depuis longtemps. Et. Moi, je vais Après, j'ai juste envie de dire, terminer. ils seraient un peu cons de changer leur méthode, hein. Si ça marche pour eux, on comprend qu'ils changent pas trop non plus, hein. Moi, je vais juste Mais terminer mon. c'était clairement pas le projet ambitieux. C'est pas sur ce projet-là qu'ils voulaient se différencier non plus, Disney. Moi, je vais juste Oui. terminer mon avis en disant que si je, en termes de relation entre un humain et un dragon, mais je regarde Dragon, Destiny DreamWorks, je trouvais ça infiniment plus Bien beau. sûr, mais moi aussi, je Là, je trouve, préfère. voilà, c'est, ça m'a, il y avait des Ouais, similitudes quand même. ça Je me trouvais touche que, plus, mais. exactement. Ouais, non, mais Les croque complètement. mou, mais mieux que ce fragile délire. Et puis c'est que t'as tout un univers autour dans Dragon. Exactement. Ouais, non, Non, non, c'est les mais. Vikings, c'est bon, l'humour. Bon, après, il y a un petit peu d'humour dans Peter et le Dragon aussi, C'est aussi. mais Après, c'est pas. DreamWorks, disons qu'ils sont plus décomplexés que chez Disney. Après, comme je dis, c'est pas un mauvais film pour moi. Hein. C'est une petite déception. Enfin, je l'attendais pas, mais je l'ai attendu grâce aux très bonnes critiques que j'ai eues. Et peut-être Ouais, moi, que. plus j'entendais Voilà. les bonnes critiques, plus je me Ouais. disais j'avais de l'espoir. Hein, Ouais, voilà, c'est ça. Parce que je l'attendais pas du tout et j'allais même pas le voir. Hein. Mais je suis allé le voir parce que j'ai vu autant de bonnes critiques et j'étais curieux. Mais voilà, Après, c'est moi, je juste. m'attendais pas à apprécier comme ça. Hein. Ouais, bah c'est très bien. Hein. Moi j'aurais bien aimé l'apprécier autant que tout le monde a l'air de l'apprécier. Mais voilà, c'est. J'ai trouvé ça voilà, passable. J'ai pas passé un mauvais moment, j'ai pas passé un excellent moment non plus. Il y avait des côtés, un indien dans la ville mélangé avec King Kong, un peu, voilà. Enfin, Ouais. c'est des trucs, tu vois, il y a des Ça, c'est références pas qui du tout des sortaient comme références. ça. Enfin, j'ai pas Enfin, du tout pensé aux références pendant le film, en fait. ouais, ben, Ça ouais. m'est passé complètement au-dessus. Ça, moi, ça a tellement fait appel à ma fibre Oui, non, enfantine que mais, du ouais. coup, je me suis laissé bercer par le truc et voilà. Ouais, mais c'est. Enfin, voilà. Voilà, c'est moyen. Pour moi, personnellement. Voilà, on va passer à Star Trek 3. En commençant par Eddie. Oui, donc alors moi quand ça a été annoncé, je l'attendais. Bon, j'attendais une suite parce que j'avais bien aimé les deux premiers, surtout Ouais, le ouais. deuxième que je préfère au premier. Oui. Mais par contre, quand j'ai vu que c'était réalisé par celui qui a fait Fast and Furious. pas mal de Fast and Ouais. Furious même, hein. Ouais. Il en a bien Justin fait Lin, ouais. de, À il a dû en partir faire de 4, je non, crois, non, hein. je sais À pas, partir ouais. du 4, ouais. Et du coup, bon, ça m'a un peu refroidi. La première La bande-annonce n'était bande-annonce pas rassurante du tout. avec la moto et tout, enfin la Voilà. Et façon. du coup, la nouvelle, la dernière en fait, était mieux, moins dans Ouais. le côté rock et machin. Et en fait, le film est plus proche de la première bande-annonce. Après visionnage du film, c'est plus proche de la première bande-annonce, mais c'est pas non plus crétin comme un Fast and Furious. Déjà, D'accord. ça, enfin, les femmes ne sont pas fonctionnelles. Ou juste en bikini comme dans Fast and Furious, donc ça c'est En même temps, bien. dans Star Trek, ça aurait paru vraiment Non, très déplacé. mais bon, Sofia Boutella a vraiment, bon, elle a vraiment un rôle quoi. Elle est pas. Ouais, non, mais c'est bon. Après, c'est clairement, bon, c'est une suite qui apporte pas forcément plus de choses. Disons que c'est un spectacle hyper efficace, très fun et généreux et voilà. Bon, il y a un gros morceau de rock à un moment dans une scène clé du film. Bon, ça va certainement faire rager beaucoup de monde, mais moi j'ai trouvé que c'était super cool à ce moment-là. Voilà, c'est un film cool qui est très sympathique. Les personnages sont bien, ils sont intéressants. Y a juste truc qui me chiffonne un peu, c'est le méchant. Je trouve que Idriss Elba est trop effacé. Et en fait, ce qu'on est vite amené à le comparer à Khan, qui était quand même un méchant hyper intéressant. Ouais. Et pourtant, Idriss Elba a du charisme, hein, mais là, je trouve qu'il est, il est un petit peu trop effacé, moins impressionnant en fait. Voilà. D'accord. Ouais. C'est tout. Donc moi, j'ai bien aimé, mais c'est clairement pas le Star Trek qui m'a le plus marqué. Mais je l'achèterai certainement en Blu-ray quand même. Et je le reverrai avec impatient, beaucoup de plaisir. En tout cas, je suis impatient de le voir parce que moi, je l'ai pas encore vu, mais visuellement, c'est très sympa. Hein. Ouais, c'est très bien et il y a les il y a des maquillages et tout, donc il y a beaucoup de ils ont quand même gardé pas mal de practical effects et ça c'est cool. Ça, c'est heureusement. Ouais, c'est la il y a toute une la marque de fabrique. Il y a toute une station aussi dans l'espace là qui rend super bien. Bon, ça fait il y a des petits côtés Tomorrowland un peu, mais c'est pas grave, ça rend très bien et ça colle bien à l'univers Star Trek. Et on nous apprend aussi un petit détail sur un personnage secondaire que j'ai trouvé bien amené et comme quoi, voilà, ça. Ah oui, oui. On peut. Il y a eu toute une polémique, donc on va pas rentrer dedans. Ah, ça fait polémique ? Parce que justement, j'en ai pas entendu parler de polémique ou quoi que ce soit. Je me suis surtout dit, aux États-Unis, parce que. C'est passé très bien. J'ai vu dans le film, je me suis dit, ah oui, tiens. Mais finalement, c'est bien amené, ça passe. Voilà, c'est un plan. Oui, c'est avec Sulu, avec Sulu, ouais. Ah oui. Et bah oui, je me suis dit, bah ouais, quand c'est arrivé. Ça a déjà été annoncé un peu partout. Ça ouais, donc Sulu qui est homosexuel. Alors moi, je sais pas comment c'est fait dans le film. Apparemment, c'est bien fait. On peut te le dire, hein, ça spoil rien. Ouais, non, mais moi je m'en fiche. Enfin, je le savais déjà. En fait, il y a son mari et son fils qui viennent le chercher quand ils arrivent sur une station dans l'espace. Voilà. Ouais, non, mais et il leur dit, je suis content de vous voir tous les deux. Mais c'est tout, ça s'arrête vraiment... là. Oui. Ouais, ils en parlent même pas. Il y a même pas de running gag dans le film. On voit même pas le visage de son mari, quoi. Donc peut-être justement pour éviter que l'acteur se fasse. Non, l'asiatique. Mais on le voit bien de dos, quoi. C'est tout. Ouais, ok. Donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié. Bah beaucoup apprécié. J'ai apprécié. C'est pas le meilleur des trois. Mais c'est un Star Trek très sympa, qui aurait peut-être mérité avoir plus de fond, mais c'est tout. C'est pas un mauvais film du tout. D'accord. Donc, voilà, Morgane, tu peux maintenant donner ton avis sur Star Trek. Un avis très rapide, hein, parce que le film, je l'ai vu il y a deux jours, j'ai déjà oublié. Hein. Parce que c'est pas marquant du tout. Et c'est vrai que c'est en deçà des films de J.J. Abrams, forcément. Même si le film a des qualités notables, hein. Par exemple, je trouve que les personnages sont très bien. Sofia Boutella, j'adore ce personnage. Et même les personnages secondaires, je trouve qu'ils sont toujours aussi attachants. Et j'ai cru entendre, c'est même pas que j'ai cru entendre, hein, c'est que Quentin, qu'on connaît très bien, m'a dit que les personnages principaux du premier, donc Uhura et même les autres, hein, étaient un peu effacés. Moi, je trouve pas. Je trouve que effectivement, ils occupent pas une place très importante dans l'histoire, mais je trouve qu'ils sont quand même là. Et ils sont. Mais alors, c'est qui les nouveaux personnages qui prennent la place? Il y a Kirk et même Spock, je trouve. Hein, mais il y a. Ouais, mais c'est pas des personnages. Enfin, c'est pas des nouveaux personnages. Non. Mais les personnages secondaires, ils sont effacés. Oui. Ouais. Bah, même si à la base, Uhura, elle est pas forcément un personnage secondaire. Là, c'est vrai qu'on la voit moins que. Mais c'est. Honnêtement, c'est pas grave parce qu'elle est quand même là, elle a quand même ses moments de bravoure et je la trouve quand même sacrément badass, quoi. Et j'adore de toute façon comment elle s'appelle Zoe Saldana, pardon. Oh, désolé, je suis un peu fatigué. Je continue de préférer les films de J.J. Abrams que je trouvais peut-être plus rythmés et plus intéressants forcément, notamment Star Trek 2 que j'ai pas revu avant de voir celui-là par manque de temps. Mais je trouve qu'il y a autant de défauts que dans le premier, parce que le premier Star Trek n'est pas parfait, hein. Le méchant était, Eric Bana était vraiment tout pourri dans le premier Star Trek, il y avait des défauts de rythme, là on retrouve un peu les mêmes choses. Moi personnellement, le personnage d'Idriss Elba, je l'aime bien, je trouve qu'il est plutôt bien amené, c'est vrai qu'on pense beaucoup à Khan, comme Eddie l'a dit, mais ça m'a pas dérangé, parce que j'ai pas eu l'impression de voir non plus une redite, même s'il y a des grosses similitudes à Into Darkness, mais il a répondu à mes attentes les plus simples. C'est vraiment pour ça que j'allais voir le film. Est-ce que ça allait être un divertissement cool? Donc autant je l'ai reproché sur Suicide Squad, autant là pour moi ça fait partie de ses qualités. Oui, c'est cool. Et vraiment, c'est pour ça que je suis allé le voir. Je savais que j'allais pas de toute façon voir un Into Darkness, enfin un film avec les mêmes qualités. Parce que de toute façon, il avait placé la barre tellement haute même, enfin, Benedict Cumberbatch était monstrueux dans le film, et il y avait des scènes de taré avec des plans absolument dingues, et même le sens du rythme qui est propre à J.J. Abrams, de toute façon, et on pourra pas, voilà, c'est Justin Lin, ce n'est pas J.J. Abrams, on le sait. Mais c'est vrai qu'il y a un côté Fast and Furious dans l'espace, que j'ai pas trouvé désagréable, je trouvais que ça servait plutôt bien le récit, qui est pas non plus foisonnant en matière de surprise, hein, tout est assez attendu, même si, bon, il y a un truc à la fin que j'ai pas tellement vu venir, mais c'est un beau divertissement, c'est un bon spectacle, il y a vraiment un petit plaisir qui s'est installé pendant tout le film. Je dis pas que c'est le meilleur film de l'été, hein, mais c'est pas horrible, quoi. J'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est pas mémorable. Autant Star Trek Into Darkness, je suis sorti du film un peu marqué. Là, honnêtement, là, j'ai déjà oublié. Ah. Ouais, voilà, mais moi, c'est ce qui me fait peur un peu avec ce film. Même si je suis quand même impatient de le voir et je vais le voir sûrement prochainement. Mais je suis tellement fan de Star Trek et de toute l'idéologie qui se fait avec cette saga que ce 3, dès les premières bandes-annonces, j'avais vraiment peur que ce soit juste un Fast and Furious dans l'espace sans rien, sans vraiment matière à réfléchir derrière. Et là, oui, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Il n'y a pas besoin de y a pas de réflexion propre. Hein. C'est c'est très limpide. C'est un peu con-con par moment. Hein. Même les personnages, je trouve qu'ils sont quand même l'intellect. C'est vrai. Hein, c'est autant. Enfin, Spock, j'ai l'impression qu'il a changé par rapport aux deux. Il a quand même l'intellect de Vin Diesel dans Fast and Furious, hein, clairement. Hein. Il y a des réactions. Les personnages sont. C'est vrai qu'ils sont moins travaillés parce que. C'était quand même les personnages d'Abrams, quoi qu'on en dise. Même si c'était un reboot, même si c'était une franchise relancée qui n'était pas J.J. Abrams, Abrams avait réussi. Il respectait quand même un peu. Il respectait sûrement, moi j'avais pas vu. Mais en tout cas, il a porté sa patte personnelle et ses personnages, il les développait aussi. Même si, je sais pas s'il prenait des libertés, etc. Mais au moins, il faisait ce qu'il avait envie de faire. Là, on sent que Justin Lin, c'est pas ses personnages. Donc, il est un peu maladroit quand même. Mais sur le spectacle pur, sur le côté space opéra, c'est super bien foutu, mais il y a quand même des très belles scènes. Maintenant, au niveau de la BO, alors je ne sais pas, à mon avis, c'est pas Michael Giacchino. Je ne crois pas. Je pense pas, je vais vérifier. Ouais, va vérifier parce que j'ai trouvé la musique absolument inexistante. Alors souvenez-vous, dans les Star Trek, notamment le premier, la scène d'intro était juste, la musique de Giacchino amplifiait l'émotion du film et c'était absolument magistral. Le Star Into Darkness reste meilleur, celui-là se regarde sans déplaisir, mais c'est pas mémorable. Alors par contre, le petit défaut que j'ai, autant ceux qui ont reproché à Abrams de faire trop de lens flare sur ces deux films vont, je pense, regretter parce que ici on voit quasiment rien des fois. Il y a des problèmes de luminosité mais évidentes. C'est-à-dire qu'il y a des moments, pour citer Quentin, il avait dit, j'ai l'impression que les mecs, ils ont oublié d'allumer la lumière. Et parfois, t'as vraiment l'impression que c'est le cas. Quentin lui-même a été déçu. Hein, C'est Michael Giacchino qui... Ah bah c'est bizarre, mais il était... À mon avis, non, c'est pas lui. Non, c'est un jumeau diabolique. Non, c'est pas lui. je le connais, Mikey. C'est pas Mikey, je suis désolé. En tout cas, la musique, je sais pas, il était moins inspiré, j'en sais rien. Je trouvais vraiment la musique très très mauvaise. Mais bon, voilà. Mais ça se regarde. Voilà, c'est pas horrible, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être largement mieux, c'est vrai. Mais surtout pour tu vois, c'est les 30 ans de Star Trek, les 50 ans pardon, de Star Trek, ils auraient pu faire un petit effort quand même, mais bon. Ouais. Enfin après j'ai pas vu le film, alors je vais pas juger, mais je me base sur ce que j'ai vu. Bon non, c'est ce que t'en dis. Ça a pas l'air Mais bon, écoute. Tu veux pas, t'as quelque chose à rajouter ou tu veux passer au dernier film? Non, longue vie et prospérité, y a pas de problème. D'accord. Passons au dernier film qui t'a vraiment marqué. Il a marqué ma semaine, mon été, et mon année. Et ma vie peut-être sûrement. Il sera il est sûrement dans mon top 100 des meilleurs films que j'ai vus dans ma vie. Donc le film de l'année, je le tiens enfin. Après Jobs, non mais il fallait y aller, hein. Steve Jobs. Jobs avec Steve Jobs. Oui. Il fallait y aller mais j'avais peur parce que quand même, Steve Jobs c'est magnifique, mais j'ai envie d'un film qui me surprenne encore plus. Et le voilà. Et souvenez-vous, si vous écoutez depuis le début du podcast, les survivants qui sont venus jusqu'ici, j'ai parlé de The Stranger en disant que le cinéma sud-coréen c'était des maîtres. Eh bien, ils nous le prouvent encore une fois avec une petite bombe, mais un petit chef-d'œuvre, une petite pépite qui marche très bien d'ailleurs. Hein. Les retours critiques sont assez unanimes et ça fait plaisir, même si, bon, j'en parlais après, il y a quand même une certaine limite à tout ça. Donc, je parle du dernier train pour Busan. Voilà, je vais bien prononcer parce qu'il y a un ami que j'aime beaucoup qui s'appelle Jordan, qui me fait découvrir le cinéma coréen en ce moment. Et il parle un peu coréen, enfin, il a des notions, et à chaque fois, je prononce mal Busan. Busan, Le U se prononce ou. Voilà, et il me dit, c'est Busan, c'est pas Busan, c'est pas Busan. Voilà. Voilà, bon, je pense qu'il m'écoute, donc et il n'a pas aimé le film d'ailleurs. Voilà, comme quoi. Oui, parce que c'est un puriste, il n'aime pas les films populaires. Je plaisante. Donc, c'est une histoire très simple, hein. C'est donc l'histoire d'une épidémie qui transforme les habitants, en Corée du Sud, hein, qui transforme les habitants en zombies infectés. Donc, on est plus dans un style de zombie à la 28 jours plus tard, c'est-à-dire des zombies très sprint, qui courent, évidemment, et qui sont très, très violents, quoi. C'est vraiment c'est très nerveux, quoi. Et donc, on va suivre le parcours d'un papa et de sa fille qui, en direction de Busan, mais dont le train qui les amène à Busan, va se faire prendre d'assaut par des zombies. Enfin, il y a une personne infectée qui va réussir à rentrer pour se protéger, alors que la ville autour est en train de se détruire. Mais eux, ils ne voient rien. Eux, ils montent dans le train peinard sans savoir ce qui se passe autour. Ils voient effectivement qu'il y a des voitures de, il y a des camions de pompiers qui viennent et tout, mais pour eux, c'est des accidents banals, quoi. Ouais. Mais ils se rendent pas compte qu'en fait, la ville est en train de se faire détruire par des zombies. Donc, il y a un infecté qui va infecter un autre, puis du coup, rapidement, le train va devenir un repère à zombies, et ça va être une espèce de huis clos sur rail, même si on sort du train à plusieurs reprises, sans trop en dévoiler. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film-là, donc c'est un blockbuster, clairement, hein. Ouais. Et ceux qui ne sont pas, on va dire, attirés par le cinéma coréen, qui ont sûrement des a priori, hein. Moi j'en ai eu un petit peu. Sur la violence, etc. Enfin, pas forcément sur la violence, mais t'en as, ils aiment pas justement les acteurs asiatiques. Si tout, ils jouent mal, etc., machin. Ouais, enfin... j'aime pas la langue asiatique, c'est Ching Chang Chong, machin. Bon, voilà. Non, mais ouais, t'en as qui sont comme ça. Ce genre de truc, c'est au niveau de Ghostbusters. Non, mais t'en as vraiment, c'est comme ça, vraiment. Ouais. Je peux comprendre, et qu'il y en a qui pensent que justement, le cinéma coréen, c'est trop hauteur, c'est un peu long, etc. Je pense que ce film-là est une bonne façon de les réconcilier avec le cinéma sud-coréen, mais j'espère que les personnes qui sont très néophytes sur ce cinéma-là ne diront pas, après avoir vu celui-là et après l'avoir aimé, finalement, le cinéma coréen, c'est bien, parce que c'est pas du tout représentatif. C'est un film très à part. Hein. C'est un blockbuster à la manière d'un blockbuster américain, clairement, mais il réussit là où tous les blockbusters américains de l'été ont échoué, clairement, et j'ai pas envie de faire mon iconoclaste, hein. Mais on va dire qu'il n'a aucune autre prétention que d'être un film à suspense, nerveux, bien foutu, assez violent quand même. Au niveau de la violence, bon, c'est pas sanglant, c'est pas totalement édulcoré non plus, mais il y a juste ce qu'il faut. Il y a juste ce qu'il faut. Il ose des moments d'émotion, il ose... c'est vraiment un archétype même, parce que d'ailleurs, le réalisateur, donc, qui s'appelle, je vais pas écorcher son nom, Sang Ho-yeon, lui est un fan absolu des films de zombies. Il a vu tous les films de Romero, il a vu 28 jours plus tard, je crois qu'il adore Walking Dead aussi. Ce film-là, c'est pas un monstre d'originalité en soi, il ne fait que reprendre des codes du film de zombies et du film catastrophe. Le film de zombies, c'est le fait que, les zombies assiègent la ville, le côté effet de masse à la World War Z, mais je peux vous dire que World War Z, vous allez l'enterrer encore plus en ayant vu ce film-là, parce que ça, c'est clairement ce que World War Z aurait dû être. C'est marrant parce que je regarde sa filmo et il a fait que des films d'animation. Exactement, mais il paraît que c'est des films d'animation un peu... Ouais, c'est spécial, hein. Juste à voir l'affiche, ça a l'air d'être très spécifique. Et d'ailleurs, Dernier Train pour Busan, il voulait le faire en animation, à la base. En plus, il a sorti un film en même temps. Ah bon ? Seoul Station, avec des zombies. Ah oui. Animation. Oui. Donc je vois ça juste sur Sens Critique, mais ça me paraît bizarre. Il a sorti le film en même temps quasiment. Enfin. Et donc c'est un film en fait qui utilise des codes du genre qu'on connaît bien, même dans le cinéma catastrophe, c'est-à-dire que là on suit le parcours d'un papa qui ne communique pas vraiment avec sa fille et qui à travers cette période un peu délicate va renouer des liens avec sa fille. Donc C'est vraiment du cliché à l'appel, mais en même temps, le cliché, il est bien quand il est bien utilisé, et quand c'est pas du foutage de gueule intensif, quoi. Et moi, je trouve que le film n'a aucune prétention du tout. C'est juste un divertissement estival, mais quand on voit tous les films qui sont sortis cet été, on se dit que celui-là, c'est celui qui ne ment pas sur la marchandise. Ça dure 2 heures, ça n'a aucun... enfin, il y a aucun répit pour le spectateur. C'est-à-dire que moi, bon, je l'ai vu 3 fois. Bon, c'est vrai qu'au bout de la 3e fois, quand tu connais tout, bon bah, t'es dans le plaisir quand même. T'es moins surpris. Mais la première fois que vous voyez ce film-là, en tout cas moi personnellement, j'avais les genoux qui tremblaient, les mains accrochées à mon siège et j'avais le dos trempé de sueur froide. Ouais. J'étais tendu pendant tout le film parce que c'est tellement nerveux, tellement spectaculaire. Il y a vraiment, comme j'ai dit, l'effet de masse de zombies à la World War Z. Autant dans World War Z, c'était ridicule, mais là, des fois, il y a des attroupements de zombies qui courent en masse et tout. Et bon, on sent qu'il y a du numérique, parce que c'est pas non plus un gros budget, ils ont pas les moyens de... Enfin voilà, tu le sens qu'il y a des CGI un peu limités. Donc je pense que les gens qui sont peut-être trop façonnés au blockbuster américain vont être peut-être intransigeants et dire que c'est mal fait. Mais ce film-là, en tout cas, est en passe pour devenir le plus gros carton du cinéma coréen, en tout cas chez eux. C'est un film qui cartonne. En Amérique, pas vraiment. Parce que, bah, je crois qu'il a fait 1 million, je crois, à peine. Ça marche pas. Bah, les films coréens, là-bas, c'est pas trop, voilà. À tel point qu'ils vont faire un remake. Et en France, on aura le droit aussi à un remake. Apparemment. Ouais. Ça passera dans un TGV. D'ailleurs, ce qui est assez particulier dans le film, et qui confirme le fait que le film n'a pas besoin de remake français, c'est que le train, qu'on voit dans le film ressemble beaucoup à nos TGV à nous. Et d'accord. Il paraît justement que, alors, le train c'est un KTX et il paraît que c'est un train français. C'est un dérivé d'accord. du TGV. Du coup, pour nous spectateurs français, on est complètement immergé dans l'histoire. C'est-à-dire que t'as vraiment l'impression que c'est, bon, effectivement, il y a que des Coréens, mais t'as vraiment l'impression que c'est qu'on est en France, quoi. C'est-à-dire que tu t'identifies vraiment au personnage. Et les personnages, parlons-en. Alors, on est encore une fois dans des stéréotypes. On a le papa brave qui doit secourir sa fille. On a l'espèce de grand patron qui n'hésite pas à balancer des innocents pour sauver sa peau, qui est très lâche et qui pense qu'à lui et qui pense pas aux autres. On a le grand trapu qui est un peu froid, mais en fait il est brave comme tout. C'est un mec très héroïque. Enfin voilà, dans les rôles, dans le scénario, vous ne verrez rien de novateur. Il faut pas y aller pour ça. Mais c'est-à-dire que je comprends qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais ça reste quand même assez attendu et assez cliché. On a déjà vu ça 1000 fois. Oui, mais c'est le but du film. C'est juste moi je l'ai pris comme un hommage et aussi de voir que des Coréens sont même capables d'orchestrer des blockbusters de cette qualité-là, alors que les Américains aujourd'hui patouchent dans la semoule, même avec des trucs totalement. Parce que on dit souvent oui, les Américains, c'est des remakes, des trucs. On peut faire du déjà vu, mais quand c'est bien fait, mais ça marche, la preuve. Dernier train pour Busan, c'est du déjà vu, c'est un mix entre 28 jours plus tard et puis les films de Romero, parce que il y a un discours social politique quand même qui est pas non plus très prégnant, voilà, c'est très en surface. Quitte à avoir un film politique, autant regarder Snowpiercer. D'ailleurs, personne ne compare à Snowpiercer. Moi, je pense que la comparaison, c'est juste par rapport au train, parce que ça n'a rien à voir. Ouais, moi, je pense que c'est aussi au niveau de l'échelle. Tu vois, c'est un blockbuster, c'est pas ce que les Coréens sont habitués à voir. Ouais. C'est plutôt à ça que je le comparais avec Snowpiercer. Pour ça que je le comparais avec Snowpiercer, mais pas justement que pour le train. Parce que ça dénote tellement par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Bah oui, voilà, et c'est bah là aussi ça tranche par rapport à parce que le cinéma coréen, c'est vrai que c'est assez poseur finalement. Quand on regarde leur polar. Alors moi c'est vrai que je dois remercier, je vais citer son nom, Jordan, qui a forgé ma culture cinématographique. C'est un dingue de la culture coréenne et lui m'a dit mais regarde les films de Bong Joon-ho, il m'a dit Memories of Murder, je peux te garantir que tu seras plus le même. Ce film. et voilà. Donc, non, mais il y en a tellement. En fait, c'est tous les. À partir de 2000, c'est la nouvelle vague coréenne. En fait. Alors, c'est oui, vraiment... on. Bong Joon-ho, Park Chan-wook et Kim Ji-woon. Ouais, c'est ça, exactement. C'est les trois grands noms voilà. qui ont formé cette nouvelle vague. Je continue, moi, de défendre plus Bong Joon-ho parce que c'est son cinéma me touche plus. Enfin, mm-hmm. aussi bien dans le polar, Ziost est fabuleux, Mother, c'est un drame intimiste, c'est merveilleux. Snowpiercer, voilà, c'est un film, un blockbuster américain quand même, malgré tout, il arrive. J'aime beaucoup Park Chan-wook, j'aime beaucoup Kim Ji-moon, d'ailleurs j'ai vu il y a pas longtemps Le Bon, la Brute, le Cinglé, c'était assez jubilatoire, franchement. Ouais, et Peter Sweet cool, Life, qui est fabuleux, enfin c'est de poésie, de violence. Enfin, j'aime, voilà, le cinéma coréen ose tout, il touche vraiment à tout, donc après c'est une question de sensibilité. Effectivement, moi je préfère Bong Joon-ho, mais c'est vrai que c'est grâce à ce fameux Jordan que je remercie encore. Mais lui, pour le coup, n'aime pas du tout Busan parce que c'est pas. Il a dit que c'était douteux, misogyne et compagnie. Bon, je trouve qu'il peut-être qu'il se prend un peu trop la tête sur ce film. Moi, je pense que le film n'a aucune vocation à faire un discours. Il veut juste être super efficace pendant 2 heures. Il propose juste un survival à l'échelle, à grande échelle. C'est-à-dire, on est dans un train, mais en même temps, on sort un peu. Enfin, il y a des moments, je trouve, de tension qui sont extrêmement bien gérés. Et ce que j'ai aimé dans le film aussi, c'est que c'est le fait qu'il arrive à relancer son intrigue sans forcément décalquer le... Parce que au final, ils sont dans un train, il y a des zombies. Bah, on pourrait dire, oui, bah, en gros, il y a des moments, il y a une porte qui réussit à s'ouvrir, il y a des zombies qui arrivent à sortir, ils la referment, ensuite, moment de calme. Non, ils arrivent à relancer... Enfin, c'est comment ils arrivent à chaque fois à relancer une intrigue sans que ça fasse redondant, en fait. Et du coup, je trouve le film extrêmement bien malin, et il y a des moments d'émotion. Alors, ce film-là, comme tous les films coréens, voyez-les en VO-ST. Obligatoire. Pas de VF sur les films coréens, parce que ça dénature les films. Ah, les Coréens, ils ont une diction, ils ont une façon de parler. C'est comme les films japonais, hein. C'est oui, la même chose. Oui, même les films asiatiques, tout court, hein. Oui, enfin, tous les films en général. Hein, c'est... Mais c'est vrai que là, les moments d'émotion, je pense qu'en VF, ça doit être extrêmement pathos, alors que bah, quand on voit... Enfin, moi, je l'ai vu 3 fois en VO, moi, j'ai été touché, quoi. Alors, je pense qu'il y aura peut-être des rires qui vont s'installer. Mais en même temps, les Coréens, le changement de ton, le changement de rire devant des films un peu sérieux, c'est un peu aussi leur marque de fabrique. Ouais, complètement. Donc, voilà, il y a des moments un peu grand-guignolesques, mais c'est du spectaculaire. Et c'est ce que World War Z aurait dû être. Ceux qui ont aimé World War Z ne peuvent pas ne pas aimer celui-là. C'est pas possible. Et je pense que quand ils verront Dernier Train pour Busan, ils se diront que World War Z, finalement, c'était peut-être pas aussi sympa qu'ils le prétendent. Parce que c'était vraiment horrible, c'était un foutage de gueule, et c'était très chiant, que là, ça ment pas sur la marchandise. Il y a 10 minutes d'exposition, qui peuvent être longues, mais bon, c'est pas méchant. Et c'est ensuite, que 10 minutes. Voilà, c'est 10 minutes. Et ensuite, quand ça part, ça s'arrête jamais. C'est vraiment c'est le blockbuster tel estival, tel que je l'aime. Et ça m'apporte tout... Enfin, en termes de tension, d'émotion, c'est ça que j'aime. Et j'ai envie de dire, les Américains, prenez-en de la graine, parce que cet été, vous avez été détrônés 2 fois sur le genre du thriller d'épouvante, The Stranger, et là, sur le genre du blockbuster estival, enfin, blockbuster grand public, finalement. C'est très grand public, hein. Ouais. C'est pas élitiste. C'est pour ça que, ce que je disais, ceux qui veulent tenter le cinéma coréen, The Stranger, attendez un petit peu. Ouais. Dernier Train pour Busan, c'est une belle mise en bouche. Après, oui, voilà. Sachant que ça ne ressemble pas, vraiment, tous les films ne ressemblent voilà. pas à ça. Mais même pour ceux qui n'aiment pas le cinéma coréen, qui disent ah non, le cinéma coréen, j'aime pas, tu sais, machin, j'aime que les trucs américains. C'est un blockbuster américanisé, clairement. Hein. Donc, ça passe tout seul, hein. Après. Mais déjà, de dire que le cinéma d'un pays entier ne vous touche pas, ça me paraît complètement bête. Ah, il y en a qui n'aiment pas parce que c'est des Asiatiques. Tous les Asiatiques jouent mal et n'expriment pas des émotions. Non, justement. Moi, ce que j'adore avec les Asiatiques, ce que j'adore avec les acteurs asiatiques, surtout les Coréens, c'est qu'ils ont les couilles d'oser des trucs que personne d'autre ne fait. Surtout les scènes physiques, les scènes de bagarre, ils se mettent en danger dans Memories of Murder, ça se voit. Hein, enfin, mais ils n'ont pas peur de montrer les choses. Quoi. Mais voilà. Tu regardes J'ai rencontré le diable, c'est sur la violence, ça ne prend pas de gants à aucun moment. C'est frontal, radical. Violent. Mais en même temps, c'est pas gratuit. Par exemple, Peter Sweet Life de Kim Ji-woon, lui aussi, c'est une violence qui est vraiment très choquante par moments, mais c'est jamais gratuit, la violence, elle est justifiée, pour reprendre la critique d'un ami, bah, de Jordan, justement. Il me l'avait dit, la violence est justifiée. Et c'est vrai. Et non, je trouve que le cinéma coréen ose vraiment des choses que... Ils sont en avance sur leur temps, parce que je pense que quand on regarde Oldboy en 2002, quand on prend dans le contexte de 2002, oui, 2002, 2004. Ouais, 2002, ouais. Ouais, mais ils avaient, mais c'est un cinéma très visionnaire. Ils étaient en avance ouais. sur leur temps, quoi. Et que même les Américains ne les ont pas encore rattrapés là-dessus, hein, parce que enfin le remake d'Hellboy, j'ai pas vu, mais d'après les retours que j'ai eu, c'est très très loin de ce qu'on a eu, quoi. C'est enfin de ce qu'on avait eu en 2002, quoi. Ah oui. Et puis ils n'ont pas peur, quoi. Et le mélange des genres, ça ne leur fait pas peur. The Host, c'est pareil, c'est un film très hybride. Et c'est un film de monstres fabuleux, mais c'est un discours politique, écologique. Voilà, c'est voilà un film écolo, en même temps un film de monstres. Ils mélangent tout et ils y arrivent. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, c'est vrai que le cinéma coréen, j'encourage tout le monde à y aller, parce que vous verrez forcément des films qui vous plairont. C'est obligé. Ouais, mais obligé. Et il y en a, effectivement, qui s'arrêtent où les Asiatiques n'ont pas d'émotion. Mais c'est vrai, il y en a. Alors que... je sais pas, moi... Mais ça paraît tellement réducteur. Il y a une scène de Lady Vengeance de Park Chan-wook, l'actrice quand même, enfin voilà, il y a plein de scènes comme ça. Non, mais quoi. Si t'as pas d'émotion devant Old Boy à la fin, enfin, même n'importe laquelle des émotions, hein, ça peut être du dégoût comme du... Enfin voilà, dans des films comme ça, c'est impossible de pas avoir des émotions. Non, mais t'en as, c'est la barrière de la langue, mais c'est vrai, hein, j'ai déjà lu sur, je sais plus où, je crois que c'était sur Twitter et tout, non, c'est la barrière de la langue, enfin, ils caricaturent, non, ça me touche pas, ting tang tong, j'y arrive pas. Et bah, regardez en VF, c'est pas chier au pire, mais franchement, non, quoi. Enfin, mais j'encourage vraiment les gens. Après, voilà, comme je l'ai dit, le dernier train pour Busan, c'est pas représentatif de ce qu'est le cinéma coréen. C'est une alternative. C'est une bonne entrée en matière. Oui, mais c'est une alternative aux blockbusters américains qui se foutent un peu de notre gueule de temps en temps, qui nous promettent des trucs qu'ils ne respectent pas. Là, il n'a aucune autre vocation à être efficace, rythmé, que ça vous prenne aux tripes, que ça vous prenne un peu à la gorge si vous êtes bien sensible. Honnêtement, vous serez servi. Et le film, enfin, les avis que je lis, les gens sont heureux, quoi. Enfin, ils sortent de là en disant, oh, putain, enfin, quoi. Mais on l'a, le blockbuster. Ce film sauve l'été, clairement, avec The Stranger. Et je pense que l'année 2016, ce sera l'année du cinéma coréen, clairement. J'attends le film de Park Chan-wook, Mademoiselle, qui va sortir en octobre. Park Chan-wook me fait un chef-d'œuvre, je pourrais dire que 2016, c'est le retour du cinéma coréen, mais vraiment. Et j'ai vraiment pas envie d'être dans le discours les Américains, c'est nul, la grosse machine hollywoodienne. Non, mais c'est vrai, là, faut dire ce qui est. Ça, cet été, c'est très symptomatique. Cet été, c'était nulissime, quoi, je veux dire. Nulissime. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont fait, ils ont pas fait des très grands films avant cet été. Hein. Voilà, c'est, les Américains. Il y a juste à voir, en janvier, on a eu The Hateful Eight, voilà. Enfin, on a eu des trucs comme ça. Steve Jobs, on a eu des trucs, des trucs géniaux. Donc voilà, quoi. Et là, cet été, il y avait tellement de place pour. Sur tous les genres, ils sont plantés. Sur l'horrifique, ils sont plantés. Sur les super-héros, ils sont plantés. Sur les comédies, bon, à part Ghostbusters, bon, même si toi t'es pas d'accord. Ben voilà, ils se sont plantés sur tout. Et là, bah, le cinéma coréen, voilà, ils arrivent avec un. Voilà, c'est. Le film, The Stranger, c'est très auteuriste, c'est vrai. Et c'est très troublant, ça va déstabiliser des gens, donc ça plaira pas à tout le monde. Mais au moins, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Mais ils osent des choses. Oh Ouais. Et ça fait du bien. Ah oui, on vous aime les Coréens. Et on vous aime. D'ailleurs, un dernier conseil avant de passer à la fin, si vous voulez savoir plus sur, si vous voulez en savoir plus sur le cinéma coréen et que vous n'avez pas d'amis comme Morgan qui connaît le cinéma coréen, je vous conseille le podcast hors série sur le cinéma coréen qu'a fait Cinefeuse et qui est vraiment génial. Oui. Si vous voulez avoir une base de films à voir. Pour vous faire une culture sur cette nouvelle vague du cinéma coréen, je vous conseille vraiment de l'écouter parce qu'il est très très bien, ils ont de très bons avis. Et voilà, c'est ce qui m'a permis beaucoup de forger une culture au niveau du cinéma coréen. Oui, parce que c'est vrai que c'est la base. Après, c'est vrai que Philippe, hein, pour le citer, Romain. Fabien ? Il avait dit, Romain, il avait dit que c'était. Ils avaient pris ces trois réalisateurs-là parce que c'était les trois. Par exemple, Philippe avait dit à un moment, on parle pas de Kim Ki-duk. Kim Ki-duk, encore à part. Alors que c'est des films très accessibles malgré tout. C'est pour se forger un passage dans cette culture et après tomber dedans, quoi. Après quand on tombe dedans, c'est difficile de ressortir. Cet été je les enchaîne, mais vraiment, quoi. Franchement, je suis. Enfin, Memory of Murder, j'étais là. En plus, c'est mon ami, c'est Jordan qui m'a dit regarde-le, il me l'a imposé. Moi, c'est mon film préféré, pour l'instant, de ce que j'ai pu voir au cinéma coréen. Ah, bah, c'est mon film préféré. Tu vas bien t'entendre avec alors. Lui aussi, je crois qu'ils ont préféré. Mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont un cinéma tellement riche, varié, c'est éclectique à mort. Même quand tu regardes Bong Joon-ho, t'as The Host, le film de monstre. t'as Mother qui a un drame très intimiste, t'as Memories of Murder qui a un polar. C'est vraiment qu'il touche à tout et il y arrive, quoi. Ça, moi, ça me... Après, bon, y a peut-être des films qui touchent moins que d'autres, c'est vrai. Ouais. Mais quand même, ils osent, quoi. Ça fait plaisir. Et Dernier Train pour Busan, allez-y, parce que si vous aimez juste... On va même pas parler de pays, de... Voilà, de... Juste les blockbusters. Vous aimez les blockbusters bien foutus, qui vous tiennent en haleine. Celui-là, c'est pour vous. Vous aimez les films de zombies. Mais allez-y, vous allez être heureux. Vraiment. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Et puis, on va pouvoir passer à la fin. Donc, on est déjà à la fin de ce podcast. Ce fut long. Ce fut... Il fait chaud. Il fait chaud, je pense, partout. Ah, mais voilà, c'était... On n'a pas parlé de tous les films qu'on a vus. Enfin, en tout cas... Morgan n'a pas parlé de tous les films qu'il a vus. Ouais, il y a certains films que j'ai préféré zapper. Encore plus longtemps. Mais voilà, on a fait une bonne partie. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir écouté. Donc, comme d'habitude, je vais rappeler un peu toutes les adresses où vous pouvez nous retrouver. Si vous voulez nos critiques, toutes les émissions, que ce soit audio et vidéo, c'est sur moviesnerd.net. Et gardez un œil dessus parce que à la rentrée, il va y avoir deux petites nouveautés. C'est pas exceptionnel, mais c'est quelque chose que je vous annoncerai à la rentrée. Ensuite, sur les réseaux sociaux, c'est moviesnerd sur Facebook et Twitter. Sauf que sur Twitter, il y a underscore entre le movies et le nerd. Likez la page et partagez-la. Voilà, likez, partagez. Si un podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou une critique, etc. Comme ça, ça nous fera plus de vues. Ensuite, sur PodCloud et sur iTunes aussi, ça nous permet de faire plus de... Ça nous permet d'atteindre plus de gens si vous nous mettez des commentaires ou si vous mettez des petites étoiles. Donc voilà. Même si vous dites « j'aime pas le podcast » et vous mettez 5 étoiles, c'est très bien pour nous. Tout ce qu'on veut, c'est les étoiles. Merci de le faire, si ça vous plaît. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter et Sens Critique, TheLexal, THELUXAL. Voilà, on passe à Eddy. Et donc moi, sur Sens Critique et sur Movies Nerd, c'est Eastark. Et puis du coup, sur la page Movies Nerd, sur Facebook aussi. Voilà. Morgane ? Moi, c'est sur Twitter, @CinemaMorgan, ou Morgan Cinémaniac, tapez dans la barre de recherche, vous me trouverez, et sur votre caster, Cinémaniac. Ok, nickel. Voilà, merci encore d'avoir écouté ce podcast qui a bien duré 2h30, je pense. Avec le montage, je pense que ça fera plus 2h50 que 2h30. Mais voilà. Et puis on se donne rendez-vous le mois prochain pour le retour de la formule habituelle du podcast Movies Nerd. Et d'ici là, passez une bonne rentrée si vous rentrez rentrez les classes. Et puis si vous bossez, il n'y a rien qui change. Voilà. Ciao. Salut. Salut.